J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Tu dois être content, hein, Potter? Le célèbre Harry Potter! Il s'agit du flot de casse. Oui! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, un hors-série, pas n'importe quelle hors-série, le 14e, un hors-série sur une saga culte. Alors déjà, je vous le dis dès le début, il n'y a pas Adrien Méniel dans ce podcast. Non. Mais il faut pas être là à chaque fois. C'est une imitation, voilà. C'est une bonne imitation. Tu as imité Adrien qui disait qu'Adrien n'était pas là? Oui. Oui, bah il n'est pas là, voilà. Donc, La forêt interdite ou quoi? Ça commence. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous avez dû comprendre la référence. Adrien, lui, s'en bat un peu les couilles, donc on s'est dit que c'était mieux de ne pas l'inviter sur celle-là, mais il revient évidemment dès la prochaine avec sa petite plume aiguisée et son sniper bien mis sur son épaule. Je sais pas. Julien Josselin. Oui. Oui. Oui. C'est Julien Josselin. Bonjour, Julien Josselin. Oui. Il y a un gars d'invité, j'ai commencé par lui, je suis une merde. Julien Josselin, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oui, bonjour, je suis Julien Josselin, je suis comédien, scénariste, notamment pour l'Internet et d'autres horizons également, hein, de plus en plus. Et vous êtes un personnage d'Élysée Moon. Et oui, tout à fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une petite voix, voilà, je me sens un peu ridicule, mais je vais être obligé de continuer comme ça pendant toute l'heure. Voilà, c'est un nouveau personnage que je travaille. Voilà, je suis très content d'être invité, même si j'ai l'impression que je suis le moins spécialiste du lot. Mais c'est pas grave, Julien, et tu es aussi musicien. Oui, exactement. Je fais une tournée qui s'appelle Punk Mon Dieu avec mon groupe qui s'appelle Kawaii Bukake. Vous avez rien compris à cette phrase. Non, il y a eu des ricanements de nez, mais on en reparlera un peu plus tard. Voilà. Nous sommes également avec Vanessa Bria. Oui, bonjour, je m'appelle Vanessa. Oui, que des voix. En fait, on vous a pas dit, c'est une spéciale Élysée Moon et pas du tout une spéciale Harry Potter. Il y a les meilleurs imitateurs d'Élysée Moon dans cette chacun prend un perso. Vanessa, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, je suis Vanessa Bria et non Brias. Petite coquetterie de ma part. Je suis productrice pour du web, de la télé. Espérons-le bientôt pour du cinéma. Bah, je suis en train de daber. Ouais, parce que j'ai envie que c'est tu faux, le fasses. Ce n'est pas filmé, pardon. Mais voilà. Là, c'est bon, c'est fait. Et voilà, c'est tout. Une émission qu'on peut le dire qui s'appelle Crac-Crac. Oui, absolument. Je produis une émission qui s'appelle Crac-Crac avec Monsieur Poulpe. On a monté une boîte de prod ensemble il y a maintenant un an et demi. Est-ce que tu peux nous dire le nom de cette boîte de prod? Ninja et Associés. Voilà. Car comme des cons, on s'est fait tatouer le mot ninja sur notre cul il y a quelques années et on était baisés. Il fallait un numéro sirette, quoi. Oui. Faut toujours en faire un numéro. C'était trop tard, quoi. Nous sommes également avec Clara Le Sage. Oui. Bonjour. Clara Le Sage. Oui. Clara Le Sage. Je l'adore. Clara Le Sage, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, vous avez dû me voir anciennement dans des prods de Studio Bagel où j'étais chargée de production. Et donc, actuellement, je travaille avec Vanessa Bria sur Crac-Crac. Ça fait 2 ans, donc on enchaîne la deuxième saison. Et donc, voilà, en gros. Voilà, donc on a pu te voir, par exemple, dans le making-of de Timothée Hochet. Parce que tu es un peu l'héroïne de ce making-of, de ce que j'ai compris, tu es dans tous les plans. Un tour au bagel, voilà, où tu étais chargée de prod, c'est ça sur, j'explique le métier de la production, en fait, de c'est charger. Ça. Donc, voilà. Oui, effectivement. Nous sommes également avec Mélodie Collange. Oui, oui. Et voilà, je me chie dessus. Mélodie Collange qui vient évidemment, effectivement. Voilà, tu l'as fait. Qui vient effectivement de se chier au milieu de mon salon. C'est très étrange. Mélodie Collange, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Bien sûr, je m'appelle. À part être invitée à une émission que j'ai malheureusement mal enregistrée il y a deux ans. On va pas reparler. C'est Flaubert, c'est malheureux. Ça fait un an et on est encore là. C'est un des plus beaux drames de ma vie. C'est dramatique. Avec mais échec, regarde, je suis là et je t'en veux pas. Je suis pas rancunaire et je suis toujours là. J'ai l'impression que c'est écrit avec ta maison. Mais enfin, on va en parler un petit peu plus tard. Mélodie Collange, peux-tu te présenter? J'arrête de te couper. Je m'appelle Mélodie Collange. Je suis chef costumière, notamment pour l'Internet, mais aussi pour d'autres supports comme la télévision et le cinéma. On m'appelle plus communément Mélo Coco et je suis PDG d'une chaîne YouTube qui s'appelle Croûte. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonne-toi, je rends. Les amis, merci beaucoup d'être venus dans cette émission. On avait fait, en fait, il y a quelques mois, avec Lucien Mène, Vesper et le bon Joe Hume, un spécial Star Wars. le format avait plutôt bien pris et je me suis dit bon, ce serait cool de le faire sur d'autres trucs un peu cultes de ce qu'on aime bien, pas forcément geek. Bon là, en l'occurrence, c'est quand même très geek. Et l'actualité du monde français fait que Harry Potter est un peu au cœur, revient. Bon, il est jamais vraiment parti, mais revient au cœur de tout le monde. Bah, il y a la sortie des Animaux Fantastiques 2, ainsi que la sur Netflix, c'est ça. Il y a tous les films qui sont ressortis, qui sont voilà, qu'on peut remater. Donc, je me suis dit, bah, ça tombe sous le sens. Faisons une spéciale Harry Potter, sachant que moi, je suis pas spécialement le plus calé en Harry Potter, même je crois pas spécialement être fan. Ah, d'accord. Mais bah ouais, non, mais j'aime beaucoup. Et c'était les 20 ans de Harry Potter. Hein, en 2018. Bah, c'était 2018, oui, c'est ça. Ah, il y d'accord. Les 20 ans. Ah, je m'engagerai pas là-dessus, mais Clara, je te crois. Non, mais je crois Clara, mais. J'ai enregistré un « je le savais » et « je crois pas du tout », comme ça au montage, je fais « oui, bien sûr, je le savais ». Non, je crois pas du tout, je crois que tu fais une erreur. Non, mais je pense qu'elle a raison. Je m'en fous, je vais faire au montage. Et donc oui, spécial Harry Potter, et je voulais m'entourer de gens que je connais qui apprécient la saga. J'aimerais d'ailleurs, parce que j'ai quand même bossé un peu mon queutru, vous faites chacun partie d'une maison. Oui, ça, exactement. C'est quand même assez propre, d'accord. Et comment tu sais, d'ailleurs? Moi, j'étais étonné que tu c'est savais. Vanessa Vria qui me l'a dit, qui te connaît dans ton intimité, visiblement. Je sais tout, je suis franc-maçonne. Oh, la chance, elle est franc-maçonne. Comment va Jean-Luc? Écoute, il se portait excellemment bien. C'est un serpentard. Mais il me semble qu'autour de cette table, il y a quelqu'un d'autre. Oui, je parle fourche langue couramment, oui. Tu es serpentard, Julien Josselin. Même si j'ai pas fait le test des maisons, comme alors, je te disais hier. Voilà. Ah bon? Alors, ouais. Voilà. Mais alors, j'ai trop peur de pas être serpentard. Faut savoir que j'ai dit hors antenne aux filles. Parce que voilà, là, ici c'est pris très au sérieux, attention. Hein. Là vous êtes, j'ai le Jean-Jacques Bourdin de Harry Potter, attention. Hein. Il va falloir balancer. On laissera pas les trucs passer. Autour de cette table, il y a que des gens qui ont fait le test sur le site Pottermore, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Et Vanessa m'a dit, non, mais Julien, il est serpentard. Je croise hier Julien, il me dit, j'ai jamais fait le test. Et la dernière fois que quelqu'un m'a dit j'ai pas fait le test, je me suis retrouvé bien embêté. Donc du coup, mais tu te sens serpentard au fond de ton cœur? J'ai toujours bien aimé. Est-ce que dire qu'on est serpentard sans avoir fait le test, c'est pas un peu serpentard? C'est un côté serpentard. C'est un peu serpentard de faire ça quand côté même. Hautain, moi, je trouve côté... ça fou et j'ai vraiment hâte que tu me dises pourquoi. En fait, non, tu veux savoir, c'est pas que je désire tellement d'être serpentard, c'est que j'ai trop peur d'être pouf souffle. Je préfère pas le faire. Oh là là! Premier fion! Alors attention, ça va très très mal se passer. Je me sens pas bien, j'ai envie qu'on arrête en fait. La table est trop petite, on est déjà en train de se battre. Qu'on a commencé. C'est forcément un serpentard pour dire ça. Ça fait combien de temps? Ça fait que 7 minutes 30. Bah, je vais m'en aller. Non, mais attendez, mais hashtag on est prêt ou quoi? C'est pas possible. Mélodie Collange a déjà cassé une bouteille, est prêt à planter Julien. Car Mélodie Collange, tu fais partie de quelle école? Je suis de la maison Pouf Souffle. Voilà, la maison Pouf Souffle. Absolument. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Clara Le Sage. Je suis Serre d'Aigle. Voilà. Et Vanessa Bria. Je suis Gryffondor. Et voilà. Il faut savoir que moi-même, on m'a fait faire le test et je suis séropositif et Gryffondor. Je suis Gryffondor. C'est vraiment Flo? Apparemment, je suis Gryffondor. Ah, c'est Clara Le Sage qui m'a dit que j'étais Gryffondor. Donc moi, j'ai fait OK. C'est pas Clara Le Sage, c'est le test Pottermore. Pardon, c'est fait par J.K. et je conseille aux gens qui ne l'ont pas fait. Ah, donc J.K. On se permet de l'appeler J.K. Mais tu t'appelles Flo? Roro, on l'appelle aussi de temps en temps. Roro. Ouais. Elle est assez intimement liée dans nos vies, donc on peut l'appeler Jiki. Très bien, ça me va très bien. Ouais, après, aucun millième degré dans ce podcast du début jusqu'à la fin. On sera très premier degré. Ça, moi, je me suis fait fusiller du regard. Hein. Si ça avait été une émission de télé, t'aurais vu un truc pas joli. Non, pour être sincère, moi, en vrai, j'aurais beaucoup aimé être à Beaubaton. Mais est-ce qu'on connaît le nom des maisons à Beaubaton? Alors non, il n'y a pas de test pour ça. Par contre, il y a des tests pour l'école américaine. Ouais, oui. Il y a des maisons. Oui. Et il y a des maisons. Et c'est J.K. Rowling qui a créé les maisons dans les écoles américaines ou c'est les fans qui ont repris? Ah d'accord. Ouais. Parce que justement, il y avait une question d'auditeur qui demandait s'il y avait des noms de exactement ce que tu viens de dire, des maisons en France, parce que Beaubaton c'est l'école des Français. Des fois, je serais un peu le gars qui remet. Mais Beaubaton, surtout, c'est une école française de filles. Exactement. Ouais, ouais. Ah, c'est que des filles. C'est l'école américaine. Ah bah c'est très français comme mentalité. Super. Je suis là, bravo. Ah bah c'est bien la France. Attends, mais pourtant c'est pas eux qui viennent avec, qui font une danse dans le 4 là. Non, c'est les Armstrong ça. Tu vois comme les Beaubaton, effectivement, c'est les meufs qui charment un peu tout le monde, qui font un peu une danse Disney dans le 4. C'est les salopes. C'est les salopes. Ah, je pensais que c'était le même mot. Je sais que t'as pas reçu la lettre, Vanessa, mais calme-toi, d'accord? Je me sens pas bien, c'est vendredi soir. Il y a eu un vrai premier moment de complicité entre Serpentard et Poufsouffle, c'est incroyable. Mais moi, c'est mon rêve qu'à la fin de l'émission, vous baisiez tous et que ce soit un petit peu ça. La magie c'est d'Harry Potter, non, rien. Ah non. Okay. Franchement, pardon. Moi, ça fait longtemps, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas. Même si j'adorerais mettre des doigts à Clara, c'est pas pour autant que. Sacrée mélodie, ah, toujours adepte des doigts à Clara. Ah, est-ce qu'on crée pas une genre une méga maison, tu vois, si ça. Tu veux dire Poudlard, peut-être. Ok. Donc le premier tome. Alors sachez que bon, je me suis. Alors attends, parce que excuse-moi, Flo, continue de tourner, mais en fait j'ai des textos de parce que j'ai un tournage lundi, j'ai reçu un colis, faut absolument que je l'ouvre, je suis absolument. D'accord, mais attends, on fait une petite pause, on fait une petite pause. Non, continue. Non, on peut continuer. Oui, continue. Mon tournage de mardi. C'est des costumes, parce que vous savez, je suis costumière. Oui, costumière. D'ailleurs, t'as un site web. Ah, elle a acheté des costumes. C'est pas le truc le plus radiophonique hein, qui est en train de se passer. J'ai un Tumblr. Ah, pardon, excusez-moi. melodicollange.tumblr.com. Et donc, tu as les costumes d'Harry Potter. Nous avons reçu nos robes de sorcier en direct. D'accord, mais tu tournes une vidéo en rapport avec Harry Potter mardi ? Mais mon Dieu, mais j'ai l'impression que je vais prendre le train bientôt. J'essaye de rendre ça un peu. C'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est une super idée de Mélo. Pas la plus radiophonique, hein, je le répète. Ah oui, non, mais par contre, t'as chaque école, Mélo. On coupera à ce moment. Hein. Oui. Nous sommes ce sera un bonus post-géronique. Julien, je suis absolument navré, mais n'ayant pas ton numéro, j'ai pas pu te demander ton autorisation. Et tu n'as donc pas ta robe de sorcier. Super. Les serpentards, toujours. La salle commune. Après, c'est un peu misandre de ne pas en avoir offert à Julien Jocelyn. Mais j'avais pas son 06, ça coûte 90 euros la blague. Je sais pas si tu te rends compte. C'est quand même 90 balles la blague. C'est cher la blague. Là, je comprends mieux. Donc, nous, on était prêts à investir, mais Julien, je ne sais pas, j'ai pas son numéro. Merci. Fallait t'envoyer un hibou, si vous voulez ce que je veux dire. Ça va être ça tout du long, les gars. Hein. On part sur 2h30 de. Wow. On va pouvoir enfin lancer cette émission avec donc le premier tome de la saga. Donc, comme je le disais, on va parler un peu des tomes et des films en même temps pour éviter de faire deux fois la même chose. Le premier tome qui est donc Harry Potter à l'école des sorciers. Est-ce que je peux faire un jingle ? Ben, je dis, j'en supplie. C'est lent. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'image voilà. Finalement dans ce podcast. Hein. Ah bah, alors, j'ai des happenings visuels et des happenings sonores. Oui, oui. Ah, tu t'es pas préparé, Jocelyn? On m'appelle Jocelyn maintenant. J'ai l'impression que je pète un peu le game du podcast. T'arrives. Écoute, Adrien avec son pipeau, tu as vraiment ta petite machine à musique. C'est triste de ne pas voir ça. Harry Potter est donc l'école des sorciers. Alors, déjà, une petite question préliminaire. Comment vous êtes rentré en contact avec l'univers de la saga? Et j'ai envie de commencer par Clara Le Sage. Alors là, donc il faut savoir que Harry Potter a complètement changé ma vie. D'accord. Vraiment. Et en fait, c'est arrivé. En fait, je faisais du théâtre quand j'étais jeune. Et en fait, l'une des copines que j'avais au théâtre était arrivée un jour avec le quatrième. Tome. D'accord, donc il y avait déjà 4 tomes de sortie. Ouais. Okay. J'ai trouvé la couverture super et en fait, je lui ai demandé ce que c'était parce que j'étais une grosse liseuse à l'époque, enfin encore toujours. Et d'ailleurs, quand on te voit dans la rue, on dit quelle grosse liseuse voilà. Celle-ci. Voilà. C'est vrai. Voilà, c'est souvent. Et en fait, elle m'a dit tu connais pas Harry Potter, mais attends, c'est incroyable. Je le finis et je te le passe. Et donc, la semaine d'après, elle est arrivée avec le tome 4 pour me le filer. Et en fait, j'ai commencé à le lire et ma mère m'a croisée. En train de, enfin, m'a croisée dans ma chambre en train de lire, m'a croisée, je vis dans avec elle. Dans la rue avec du crack. Voilà. Non, mais m'a vue en train de lire le 4 et m'a dit attends, tu commences par le 4, faut surtout pas, arrête-le et je t'achète les 3 premiers. Et donc, elle est partie acheter les 3 premiers. Le lendemain matin, j'avais les 3 sur mon lit. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. J'ai commencé à lire le premier tome et du coup, la magie a opéré. Oui, dès le premier, tu t'es dit, ah oui, ok, ça va être chambé. Ah ouais, ouais, vraiment, dès le premier. Et en fait, surtout que je ne savais absolument pas ce que c'était, donc je lisais sans connaître les histoires, donc vraiment... Oui, que de la découverte, quoi. Que de la découverte, et j'ai été complètement... je suis complètement entrée dans l'univers, c'était vraiment une énorme passion. Au cours de récré, je demandais à la prof de rester en classe pour pouvoir continuer à lire. J'avais une lampe de veilleuse sous mon lit pour pouvoir lire la nuit sous ma couette. D'accord. Quand j'avais des mauvaises notes, ma mère me confisquait les bouquins. C'était très compliqué. Nerd. Je vais te confisquer les bouquins si t'as des mauvaises notes, attention. Hein, et voilà, donc du coup, je ne vivais que d'Harry Potter. Et, trop bien. Ouais, je suis très contente que ça ait fait cet effet sur moi, parce que je trouve que c'est important quand on grandit d'avoir un peu quelque chose. Un univers. Exactement, ouais, c'est ça. Auquel se référer. Exactement. Mélodie Collange. Histoire pas similaire, mais quasi finalement, ouais. Parce que moi j'ai découvert Harry Potter avec la sortie du 4. Livre ou film? Du quatrième. Ah bah non. Non, livre. Toujours. On parle que livre. À la sortie du quatrième livre, j'ai découvert l'existence de cette saga-là. J'ai 13, 14 ans, un truc comme ça. Et en fait, au supermarché, quand tu fais chier ta mère pour acheter des trucs, des trucs à la con, bah là, j'ai fait chier ma mère pour avoir les trois premiers. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai lu un truc de bon cœur sans que ce soit imposé par un prof. Ouais. Par un prof. Ouais. Et comment ça, t'as pas aimé les fourberies de Scapin? Candide. Belle amie de Maupassant. Non. Non. Et donc ça, c'est important de le signaler. C'est la première fois que j'ai lu avec plaisir et volonté. Ça, c'est cool. Ouais. Et du coup, ma mère m'a acheté les trois premiers que j'ai bouffés en... Je sais plus, mais t'as très mangé rapidement. Des livres. Et du coup, après, j'ai enchaîné par le 4 et je les ai lus au fur et à mesure de leur sortie. Et c'était fou. L'univers était fou, en fait. Très bien. Voilà. Vanessa Bria? Alors, moi, je me souviens pas exactement de quand. Je sais que j'étais à... Je m'en souviens pas parce que je suis vieille, hein, j'ai 34 ans et que je commence à perdre la mémoire, voilà. Mais je sais que j'étais à l'internat en seconde, en Ardèche, et je sais pas, vraiment, je sais pas comment j'ai eu le premier bouquin dans les mains. J'ai juste des souvenirs de moi à l'internat où j'étais avec deux copines à moi dans ma chambre. Où je vraiment pouffais de rire en disant il y a des hiboux, ils sont trop marrants et tout, ils emmènent des trucs et que vraiment mes collègues internes me regardaient genre oh là là, la vie de merde, l'enfer de cette meuf avec des cheveux roses, c'était horrible. Et en fait, ça me... Enfin, dans ma chambre d'internat, sous ma couette, avec ce bouquin, mais un peu comme toi, Clara, où tu lisais sous ta couette avec une lampe pour pas te faire tricard par tes parents. Moi, j'étais à l'internat, mais il y avait vraiment ce truc de genre où j'avais l'impression que personne me comprenait et que moi, j'avais des amis à l'internat, mais j'avais aussi d'autres amis dans un bouquin. Donc, il y a un truc un peu... Puis c'est le début de l'internet à ce moment-là. C'est l'année où j'ai eu une adresse mail et qu'il n'y avait pas encore MSN, mais c'était AIM et tout, et les chats IRC. Et en fait, il y avait vraiment un truc où j'avais l'impression de devenir un peu taré parce que je commençais à avoir des discussions avec des gens d'internet et en même temps, mes meilleurs amis étaient des gens d'un livre. Ouais. Donc, j'avais l'impression d'être folle. Et je pouvais partager ça avec personne parce que c'était trop, quoi. Ouais. Et ça a été... Oui, surtout à l'adolescence, en plus. Bah, ça a été un vrai... c'était un réconfort, en fait, ce bouquin. Un vrai réconfort. Et en plus, comme nous toutes, je pense, peut-être toi, Julien aussi, c'est que on a pris connaissance de Harry Potter au bout, je pense, du 3 et du 4. Et du coup, on a pu en lire 3 d'un coup. Ouais. Et donc, ça a vraiment pris, d'un coup, un an et demi de notre vie de oh, « Putain, merde, il faut rattraper ce truc qui est ouf, que tout le monde connaît en Grande-Bretagne, mais pas nous, tu vois. » Et du coup, moi, ça a vraiment pris une place, mais au moment où tu es en train de te construire, une place essentielle, comme des potes peuvent le faire à cette époque-là au lycée, quoi. Oui, parce que c'est un peu votre point commun. Vous avez à peu près l'âge des persos, non? C'est ça? Ils sont un peu plus jeunes? Bah, il est né en 80, Harry, en fait. Ouais. Ouais. Donc, un peu plus... Un peu plus, ouais. Je pense que nous aussi, on a commencé... Enfin, moi, du coup, j'ai commencé à 15 ans. Je pense que, en fait, lui, il en avait encore que 13. Mais en vrai, c'était pareil, ouais, quoi. Mais oui, moi, pareil, je l'ai lu à 13-14 ans. Il en avait donc 11-12 sur le... Je pense que... Oui, c'est encore très frais. Mais du coup, tu grandis avec eux. C'est ça qui est hyper important, en fait. Bah, c'est super. Tu lis les livres et tu grandis en même temps et c'est fou. Julien Josselin, toi, comment tu es entré en contact avec cette saga? En effet, pareil, je crois que c'était la sortie du 3 ou 4, je me souviens plus. Et je me souviens d'un reportage sur déjà genre le gros phénomène, ouais. Voilà, Harry Potter, les gens qui viennent... Vous ne le connaissez peut-être pas, exactement. Mais vos enfants en sont fans. C'était genre un reportage un peu comme ça, et je sais que ma mère me l'avait acheté. Je pense qu'elle s'était dit, peut-être celui-là, il va le lire. Ouais, c'est ça, genre. Ouais. Je n'étais pas du tout un gros lecteur. Et effectivement, c'était excellent. Ouais. Donc j'ai tout lu, j'ai lu 3, 4 dans la foulée. Je crois que le 4 était qu'en gros tome. Moi, j'avais les... Ah oui, il était énorme, le 4. Voilà, il était gigantesque, et je me sentais tellement adulte de l'avoir lu. Alors j'avais lu les versions poche du 2, 3... Et voilà, c'était assez incroyable. Et surtout, j'en parlais avec un copain que j'avais à l'époque qui était d'origine écossaise. Et d'ailleurs, c'était une des plus grosses hontes de ma vie à ce moment-là. C'est qu'il y a eu un gros moment de ridicule quand j'ai appris qu'en fait, on disait Ron et pas Ron. quand j'ai appris qu'on disait Hermione et pas Hermoine. Vraiment, quoi. Genre, wow. C'était incroyable. Genre, en fait, il a mis genre 15 minutes à arrêter de rire avant de me dire c'est Ron. Et je disais Hermoine. Bon, je disais aussi McDonald's parce que je m'en foutais de. Je comprenais pas. McDonald's. McDonald's parce que ça, tu sais, t'arrives pas à le prononcer. Donc, tu vois, McDonald's, je vois qui c'est bon, j'ai Harry, tu autres. Disais Lionel. Bon, là, tu faisais aucun effort. Non, mais ouais, bonne théorie. Mais après, du coup, c'était moi, vu que c'était pas encore le gros phénomène, c'est moi qui faisais ben non, c'est Ron. Enfin, réfléchissez. Voilà. La bonne logique de d'ado. Donc oui, le premier, ils entrent dans... Alors, donc le premier, j'ai essayé de reprendre un peu les scènes un peu cultes de la saga. Ils vont à l'école des sorciers. Ils vont à l'école des sorciers. Oui, prennent un train et un bateau. Tu vois, je vois bien. Ils ont une carte week-end. Ouais, préparent un casse-dalle. Tranquille, quoi. La vie, quoi. Tu les as lus, toi, Flaubert? Alors, non. Mais ma mère me les avait achetés. Alors moi, c'était comme Julien, elle a dû se dire, bah celui-là, il va les lire, tous les enfants les adorent. Et non. Moi, c'était les entrevues de mon papa que je lisais sous la couette avec une veilleuse. Mais t'as vu l'interview de Marjolaine. Et t'as pas du tout accroché, en fait. Marjolaine et des millionnaires. Hein, oui, bizarrement, j'ai la ref. Je l'avais aussi, ça m'a pas... Je le disais pour les auditeurs, au cas où. Il y a des jeunes, Marjolaine et les millionnaires, c'est voilà, il y aurait de l'image, hein, on aurait... Les gens comprendraient. Mais par contre, je les ai découverts au cinéma. Et ce qui est drôle, c'est que, en fait... J'avais un peu... moi, j'étais vraiment un petit con. Je suis pas rentré du tout dans le délire au début, en fait. Et du coup, j'avais un truc un peu de petit con où moi, je vivais que par Star Wars et plus tard, Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, j'avais un truc vraiment très bête d'adolescent. Vu que j'avais pas accroché au premier bouquin quand j'avais commencé, j'ai arrêté. Puis j'ai dit, non, de toute façon, je trouve ça nul. Voilà. Et après, j'ai vu les Harry Potter que par les films, par des hasards, quoi, par des trucs de circonstances. C'est-à-dire que le premier, en fait, je l'ai vu parce que plein de copains y étaient allés et qu'ils m'avaient dit « Ah, ben, viens avec nous !» Et du coup, j'ai fait « Oh, si vous voulez !» Mais que je voulais pas aller voir celui-là. Okay. Mais je l'ai vu. Le 2, je me souviens, on l'a vu parce qu'en fait, notre cinéma le diffusait en anglais et notre prof d'anglais voulait qu'on y aille en allant voir... Enfin, parce qu'il était en anglais, quoi. Donc, on a vu le 2 en anglais. Le 3, enfin voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est jamais de ton plein gré, en fait. Jusqu'au 5, ouais, c'était pas mon plein gré. Okay. Après, je les ai matés. Et j'ai commencé à kiffer à partir du 3. Le 3, je le trouve super, c'est même mon préféré. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Le 3. Le 3, j'adore le 3. Et le 4, je me souviens que j'avais trouvé ça très chiant à l'époque. Je vais pas me la jouer, genre je suis le mec qui taquine Harry Potter, on s'en fout. Hein. Et ensuite, j'avais trouvé pas ça. De sur Poufsouffle, c'est juste ça. Ouais. Juste pas de vanne sur Poufsouffle. Oui, j'ai vu que ça passait assez passe moyen. Pas. Alors, vraiment, donc on en est à combien de temps là? Non, mais non, ça parce va. Parce que ça fait deux fois, donc. Moi, j'aime bien être sympa, mais. C'est les minorités en fait. C'est les minorités d'Harry Potter. C'est l'équivalent. Vanessa, tu diras rien. Non. Tu viens de faire l'équivalent d'une blackface, Julien. Ah bah là, oui, clairement. Mais on y viendra blackface, c'est si genre peut-être... j'avais mis un petit nœud pape oui, couleur ça, de Poufsouffle. Voilà. Peut-être que c'est le moment ou jamais de défendre un petit peu l'honneur des Poufsouffles ce soir. Ah bah soir. Écoute, allons-y, parlons-en. Non, parce que on attend un petit peu, on va pas commencer à se mettre en colère. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, parce qu'en plus, moi j'ai des excuses à te présenter. On en viendra. Et moi non. Mais en fait, le premier épisode, c'est un peu la découverte de tout l'univers. Qu'est-ce qui vous a... Enfin, moi je me suis toujours dit, Harry Potter... Je vais faire le mec qui critiquait et comme ça, ça vous donnera un espèce de truc sur lequel rebondir. Je me disais, oui, mais bon, c'est des trucs de magie. Ça existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, des gens sur des balais, c'était des sorciers avec des gros nez, mais il n'y a pas eu des trucs spécialement inventés pour cet univers. C'était le truc que je pensais comme un con. Non, je sais, vous ne le voyez pas, Clara Le Sage vient de faire des yeux extrêmement les gros. Des yeux au ciel. En faisant un petit wad comme ça en scred. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'il On fait était dans les filles d'à côté, quoi. Comment le voisin Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous avez accroché dès le premier épisode, dès le premier tome ? C'est que Harry Potter, c'est à la base quelqu'un comme nous, dans le monde des moldus, en fait. Alors, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite une vie meilleure, qui commence à... Non, mais en fait, ça commence par un petit garçon qui vit, qui a une chambre sous l'escalier de son oncle et sa tante. Bien sûr. Et qui a une vie de merde. Oui, qui sont deux sales cons, hein, on peut le dire, je pense. Comme on a grandi dans des bidonvilles, si tu veux, on se retrouve, on se retrouve là-dedans, quoi. C'est genre... On a vécu très longtemps sous un escalier. Non, mais en fait, il y a un peu cette espèce de vie normale où en fait on se rend compte qu'il se pose des questions parce qu'il y a des choses qui lui arrivent qui sont peut-être pas normales et en fait lui de base est vraiment mis à l'écart parce qu'il est très jugé par son neveu qu'il martyrise et qu'il a un peu une vie de merde. Son cousin. Qui est mis de côté tout ça et en fait du jour au lendemain, il commence à recevoir une lettre, puis deux, puis on commence à lui cacher un peu ces lettres-là. Ça commence à prendre un peu une ampleur où il commence à essayer de se poser des questions. Et en fait, nous, on s'y attache énormément à ce petit garçon qui, en fait, n'a rien, enfin, vraiment. Et jusqu'au jour où, le jour de son 11e anniversaire, Hagrid vient le chercher pour lui dire qu'il est sorcier et qu'on l'attend dans une école de sorcellerie. Et je pense qu'à ce moment-là, nous tous, on est en mode genre, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette école de magie où on rêve tous d'y aller ? Enfin... En fait, toi, le truc que tu dis, c'est qu'en gros, c'est le côté un peu appel de l'aventure, appel à une vie un peu meilleure, un peu folle, un peu moins dans le carcan de la vie sociale actuelle, c'est ça ? Je crois que quand Clara dit c'est nous, c'est, la vie des gens qui ont eu un quotidien de vie pavillonnaire ou de vie rurale, qui, je pense, nous concerne tous autour de cette table, et de trucs d'impossibilité d'avoir potentiellement une vie mieux que ça. Ouais. Et que, en fait, Harry Potter, à ce moment-là, se dit... Enfin, je pense que ça a fait... En tout cas, moi je parle pour moi. C'est que ça a fait écho à un truc de genre, mais merde, j'ai vraiment envie de faire plein de trucs, mais je m'en sens pas capable, j'ai pas les codes, j'ai pas les trucs et tout. Et qu'il y avait un truc de genre, en fait, c'est possible. Peut-être que quand tu te sens un peu... au fond de toi, une flamme d'un truc que tu peux pas expliquer, en fait. Il y a pas de mots, en fait. C'est juste un truc de genre, ah, moi, je lisais, je me disais, ah, mais lui aussi, il sent un peu différent, il a envie de faire un truc. Putain, et qu'il a une vie de pavillon, quoi. Enfin, tu vois, je me disais, mais c'est tellement... Moi, j'ai tellement envie d'avoir un peu plus de magie dans ma vie, en fait. Ouais. Enfin, moi, il y a vraiment eu une identification qui a été, mais 1000%. Ouais, quasi immédiate, en fait, dès le début. Alors que, effectivement, je vis pas dans un placard sous l'escalier et que j'ai eu une vie fantastique en province et c'est chambé. Fantastique, mais, c'était l'Ardèche, hein, quand même. Franchement, c'était un... Écoute, j'ai embossé des saucissons à Justin Bridoux. C'était génial. C'est un peu ton coude, là. Ouais. Mais il y a vraiment eu un truc un peu comme ça, très, très fort, en tout cas, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que thématiquement, en fait, c'est hyper fort et hyper adapté, en fait, à la cible, en fait. Enfin, genre, c'est exactement les questions que tu te poses à cet âge-là. Tu es en pleine quête d'identité et tu as envie que quelqu'un vienne te dire « Écoute, t'es spécial, t'es pas comme les autres. » Et genre, c'est ça que tu lis, en fait. Tu lis un gamin qui est normal et d'un coup, il va lui dire « Non, non, en fait, t'es vraiment spécial. Non seulement t'es un sorcier et en plus, t'es le plus connu des sorciers. T'es vraiment spécial. » Et du coup, toi, quand tu lis ça, tu fais « Putain, j'aimerais bien que quelqu'un vienne sur une moto qui vole et me dire ça, tu vois. » Et genre, « Ouais, on va t'emmener ailleurs. » Mais non, mais c'est... Tu vas déjà avoir ton brevet des collèges, Julien, et après, on verra... la moto, bon, qui vole peut-être pas, mais... Ouais, après, on verra plus tard. Un kick. Et toi, Mélodie ? Non, mais je rejoins tout le monde. Il y a vraiment le côté échappatoire, en fait. Harry, ça démarre dans un monde qui est tout à fait normal, basique, dans le même dans lequel on vit. Et en fait, il apprend qu'il existe un monde un peu parallèle, qui est plein de magie et plein de choses différentes. Et c'est un peu genre, waouh, y a autre chose, en fait. Et c'est génial. Et je pense que j'ai envie de dire que tout le monde autour de cette table a envie de croire que Poudlard existe vraiment. Non, mais c'est absolument. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que dans les histoires que nous on a vues, en tout cas de notre génération, c'est une des premières qui justement pouvait exister dans la vie, tu sais, genre qui était cohérent, qui n'était pas juste un monde fou comme le Seigneur des Anneaux, genre bon bah ça n'existe pas, tu vois. Oui, ou même Star Wars. C'est, voilà, ça, dis, c'est là, ah, ça peut-être, enfin t'arrives à te poser la question de te dire peut-être ça peut exister quand même et que personne ne nous le dit. Moi ça me faisait un peu ça à l'époque avec Stargate où je me disais ça trouve la porte des étoiles et qu'en fait ils ont créé le programme pour nous préparer à nous l'annoncer et tout. Ouais, j'avais une vraie théorie. Mais en tout cas, oui, Harry Potter, il y a vraiment ce truc-là. Tu dis non, mais peut-être si je fonce dans le mur. On est appelés les Moldus, donc on existe dans le monde. Oui, on existe. Et c'est ce qui est bien malheureux, c'est qu'on est que des Moldus. Enfin, t'en sais rien, moi... pour le moment. Ah non, mais 11 ans révélé, sont passés, mais... je oui, le Oui, c'est saurais, vrai, il faut passer, oui, c'est vrai. Depuis bien longtemps, je te rappelle, Flo. Je sais excuse-moi, que tu fais si jeune. La nature m'a bien gâté, mon pote. Ça fait belle lurette. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, on peut toujours penser jusqu'à la fin que potentiellement Poudlard existe et qu'on n'a juste pas été. On n'a pas reçu notre lettre, quoi. Non, mais en plus, c'est ce que. Ça, alors, c'est tu fou. Vois, c'est ce que je disais un peu sous forme de critique au début par un jeune con, mais ce qui, en fait, je trouve. Avec le temps, quand j'ai un peu analysé le truc, ce qui fait la force, je crois aussi, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs. En fait, elle a inventé J.K. Rowling un univers, mais qui est pas mal inspiré de plein de trucs qu'on connaît. Ce qui fait que c'est dès que t'es tout petit, c'est un peu en toi. Les balais, ça permet de voler. Les trolls, ça garde l'entrée d'un château. Tous ces trucs-là. Et en fait, elle l'a refait en mode adolescent. Alors ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais je trouve que c'est moi la plus grande qualité d'Harry Potter, c'est d'écrire des vrais ados qui sont en train de devenir adultes. Et c'est extrêmement bien fait. Et je trouve que moi, dans le premier, moi, je vais vous parler du film parce que j'ai jamais lu le livre, mais ce que je trouvais très fort, c'est que c'est, moi, bon, pareil, je l'ai vu plus tard, ça avait quand même très bien retranscrit. Bah, c'était moi, je crois, l'arrivée à l'école, en fait. Ce qui fait que ce truc où tu dis, ah, putain, en fait, je me sentais tout seul dans ma famille. Et tu te fais des amis et tu dis, ah, putain, il y a des chelous comme moi. Et puis, il y a des machins. Et puis, on se fout de la gueule du prof. Et je trouve que l'intelligence de ce que on m'a raconté, c'est encore plus évident dans les bouquins, c'est qu'elle a extrêmement bien retranscrit la vie écolière, collégie, de collège et de lycée, ouais, dans des bouquins avec beaucoup d'intelligence, quoi. À fond, bah, tu parlais du Seigneur des Anneaux et de Star Wars. Moi, je suis pas du tout fan de ça. J'ai vu les Star Wars une fois, les Seigneurs des Anneaux une fois pour les voir, mais ça m'a pas particulièrement touché. Je trouve ça très cool, mais je m'en fous un peu. Enfin, c'est terrible, hein. Désolé pour les. Non, voilà. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais Harry Potter, c'était. Je sais plus ce que je voulais dire. Oh non. Oh, petit jingle, Adonis. Mélodie. Bien sûr, bien sûr. Attendez, je suis pas prêt. Non, oui. Parler de l'adolescence. Ah, j'ai trouvé. Attends, tu laisses finir mon jingle. Bon, par contre, il y a 24 minutes, c'est ça qui est important. Non. Merci, tu m'as sauvé la vie. Ça, c'est bien les poufsouffles. Alors ça. Non, mais c'est que moi, pour le coup, moi, j'aime. Tu parlais de parfois de quête personnelle, de machin et tout. Moi, ce que j'aime, c'est les films de gang, enfin en tout cas, ou les bouquins de gang. Et moi, j'ai vraiment grandi avec les Goonies, par exemple, avec ma sœur. Et Harry Potter, c'était la version, vu que les Goonies, j'étais quand même jeune, très petite même, c'était la version ado, lycée, des Goonies. C'est-à-dire la bande de potes où, en fait, tu fais plein de trucs ensemble, tu te laisses pas tomber et tu crées des cabanes ensemble. Et en fait, en vrai, il y a plus que créer une cabane, c'est genre sauver le monde. Ouais. Et c'était vraiment ce truc-là, tu vois. Complètement. Non, mais moi, je trouve ça vraiment très objectivement, très, très bien fait. Avançons peut-être. Il y a des scènes cultes, vous, dans le 1, là, qui vous marquent comme ça, qui vous ont un peu marqué. L'arrivée, en fait, c'est ce qui est fou, c'est la découverte de l'univers, en fait. Exactement. C'est ça, tout est un peu transcrit. Ouais. Même quelqu'un qui, moi, je suis pas ultra calé, je vais arrêter de le dire maintenant, mais en gros, il y a des images cultes. Après, les films ont sûrement aidé, mais c'est vrai que la chambre, enfin la pièce où il y a tout le monde, les bougies qui volent, tous la ces salle trucs-là. Commune. Non, c'est il parle de la salle de, pour moi, enfin la salle principale avec l'accueil. Mais moi, j'ai pas le mot. Ouais. Là où ils mangent et où Dumbledore les accueille. La grande salle. Ça s'appelle la grande bougie. Les bougies, d'ailleurs, okay. C'est fou qu'il y ait pas de cire qui tombe sur eux, d'ailleurs. Ouais, non, c'est génial. C'est tous les détails. Quoi. Avant l'arrivée. C'est génial. Putain, c'est chaud, bordel. Mais avant même l'arrivée à Poudlard, il y a aussi toutes les scènes d'avant. De genre, ils vont au zoo et il va avec Dudley voir un serpent à la con, tu vois, et la vitre disparaît, et d'un coup il se rend compte. C'est là où on comprend qu'il est fourchelangue déjà de base, oui, mais on sûr. Le sait ouais. que c'est bien, bien longtemps après, vu qu'elle fout des putains de détails partout oui, elle tout pose, le long de ses elle roses, a posé quoi. Les jalons de ça, quoi. C'est que c'est là, à ce moment-là, où il se dit, genre, merde, je peux en parler à personne, je sais pas encore ce qui m'arrive. Ouais. Mais il y a quand même un truc où je sens que j'ai une connexion avec un animal. Est-ce que je suis taré ou pas, en fait? Et il fait disparaître la fenêtre aussi. C'est pas dans le livre, ça? Si, mais dans le film, en tout cas, il le fait. C'est dans le livre aussi, ouais. D'accord, ok. Mais donc, oui, c'est le Poudlard Express. Ouais, c'est le mur, je trouve, que tu traverses. Tu vois, c'est vraiment l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve. De genre, t'as envie d'aller trouver ce mur. Et c'est pour ça qu'il y en a un maintenant vraiment à la gare de Londres aussi. C'est que c'est le représentatif de peut-être derrière, il y a vraiment un truc et il y a que les magiciens qui peuvent passer, tu vois. C'est vraiment emblématique de ça, de peut-être ça existe vraiment, tu vois. Mais d'ailleurs, je pense que Harry Potter est la dernière. Peut-être Game of Thrones maintenant, mais grosse saga a autant. Enfin, c'est fou. Avec Marvel, un peu de recul. Marvel, peut-être. Ouais, mais Marvel, ça fait longtemps que c'est implanté. Oui, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je veux dire, c'est un truc. Avant 97, c'est ça, ça n'existait pas, quoi. Donc, c'est quand même. Jusqu'à ce que ça aille. Que Eragon, c'est pas. Putain, Eragon. Non, je me fais juger ce soir, les gars. Mais non, je t'ai pas jugé, Twilight, je te demande ce que c'est. Ça compte pas. Je suis vieille, c'est quoi? Vous vous souvenez pas d'Eragon? C'était un sou Harry Potter avec des dragons. Voilà. Wow. Malheureusement, je sais pas comment l'auteur l'a écrit, si je pense pas qu'il l'a écrit. Par contre, Clara, t'as parlé de Twilight. C'est une blague, parce que je voulais accentuer la blague d'Eragon. Le combat des sagas. C'est génial. On va faire un podcast sur le conte de Narnia ou quoi? Le monde c'est de Narnia. Et où la vallée de la boussole d'or, ou je sais pas quoi, sur ce film. J'ai bien compris. Il y a eu, en fait, après Harry Potter, il y a vraiment eu beaucoup de films sur l'héroïque fantasy. Non, ce que je voulais dire, en tout cas, c'est que c'est jusqu'à effectivement avoir le truc sur la gare de la capitale de l'Angleterre, c'est quand même un fadoce, et c'est quand même, ça fait longtemps. Enfin, tu vois, c'est. Je vois pas d'autres trucs, en fait, qui ont autant impacté, si tu veux, une ville. Je pense que c'est ça. C'est le dernier truc. Je pense que c'est le dernier truc où Game of Thrones, le mec a vraiment inventé un univers qui parle à des millions de gens et où les gens sont méga à donf, quoi. Oui, mais on parle d'un roman qui est écrit depuis plus longtemps aussi, Game of Thrones. Ah ouais, ouais. Non, je suis pas sûr. Hein. C'est plus vieux qu'Harry Potter, Game of Thrones. Je crois pas, non. Je crois pas. Je sais pas. Moi. Ah merde, désolé. Bon, les vrais fans de Game of Thrones, vous nous excuserez. On n'est pas les plus calés. C'est toujours. C'est pas terminé, en tout cas. Si vous êtes mal à l'aise, je peux balancer un jingle. Non, t'inquiète pas. C'est un safe word, en fait, ce jingle. C'est génial. Non, mais on coupera. Un jingle manque de connaissances. Faites-moi les gros yeux si besoin. Présence aussi des méchants. Alors, Drago Malfoy, parce qu'il y a quand même tout un truc autour de lui. Est-ce que c'est vraiment un sale con ou pas? Il n'est pas si méchant. Alors, comment tu le défendrais, toi? Il a grandi dans une famille un peu compliquée. Ouais. Et qu'il se sent obligé de suivre sa famille et donc d'être méchant. Mais en fait, dans le fond, Drago, je pense qu'il n'est pas du tout méchant. Ouais. Tu vois que t'aimes les Serpentards. Tu vois. Alors, on va y venir, mais je suis pour souffle, donc je suis bienveillante, ouverte d'esprit et tolérante. Absolument, Julien, j'ai rien contre toi. T'es un petit peu arrogante. Moi, je me demande si tu ne devrais pas refaire le sûrement test. Sûrement pas. Peut-être que tu nous rejoindrais. Sûrement pas. Non, non. Clara Le Sage, je suis un petit peu sur la défensive, c'est pas pareil. Clara Le Sage, tu faisais des petits yeux pendant. Toi, tu n'aimes pas Drago Malfoy, j'ai l'impression. Non, non. Alors, en plus, moi, du coup, quand on lit le huitième tome d'Harry Potter, on en sait un peu plus aussi sur Drago Malfoy. D'accord. Et dans le futur, les ressentis de Drago Malfoy par rapport à ses années Poudlard, qui d'accord est très intéressant, pour le coup. Ah, genre, c'est un bully sur qui se repent, c'est ça? Non, mais je peux pas tout dire, parce qu'il y en a qui n'ont pas lu, et du coup, je peux attends, pas le 8, ah, c'est la pièce de théâtre? C'est la pièce de théâtre. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon, je suis désolée, mais je veux pas savoir. Ouais, non, mais non, mais ok, c'est ok, pas un bully, par contre, parce que moi, je sais. Ah, pardon, c'est les gens qui sont. Bah, d'ailleurs, c'est pas tant un bully, parce qu'il se fait aussi défoncer, mais c'est les méchants à l'école, tu vois, c'est ceux qui t'enferment dans les toilettes, qui te font lécher leurs chaussures. Moi, je sais depuis peu, c'est pour ça. C'est des gars avec qui j'ai passé une très bonne scolarité. Les enculés, aussi, oui. Je peux donner des noms. Je vais les donner. Attends, je vais donner des noms. D'accord. Donc oui, toi, tu es revenu un peu de ta haine de Draco Malfoy, Clara. Non, mais il y a même pas de haine. C'est que Draco Malfoy, c'est quelqu'un qui vient d'une famille très populaire dans les sangs purs. Ouais. Parce que du coup, les sangs purs, c'est les sorciers. Ah oui, ça en parlera aussi de la question raciale dans Harry Potter. Donc père et mère sont de sang sorcier. Ouais. Et que du coup, c'est une famille célèbre qui a été convertie en tant que mange-mort et qui a servi du coup Voldemort. Le Wikipédia. Non, mais du coup, Malfoy a cette prestance de son père, Lucius, qui en plus bosse au ministère de la magie. Donc il y a une espèce de prestance qu'il doit garder. À la fin en tout cas des films, on se rend compte que c'est compliqué d'en parler, mais en gros, il a une énorme responsabilité qui arrive vers la fin de l'aventure, où il doit prendre un choix décisif et qui est très compliqué pour lui parce qu'il est trop jeune pour prendre ce genre de décision. D'accord. Il a beaucoup de pression par rapport au Mangemort, par rapport à ses parents. Et puis par rapport à Harry Potter qui est une resta de ouf, et lui il est un peu dans l'ombre aussi, j'ai l'impression. Tout le long, il est un peu en mode genre lui il est connu et moi. D'accord. Ah ouais ? Non, films, il y a un peu ça hein, quand même. Dans les films, il y a un peu un truc. Je trouve pas. Il est pas jaloux d'Harry Potter parce qu'à chaque fois qu'il parle, il fait le célèbre Harry Potter. C'est l'enfer. Mais il est pas dans l'ombre. Donc c'est l'enfer. Oui, mais il est pas dans l'ombre. Non, mais lui se sent dans l'ombre. C'est ça que je voulais dire. Ah, mais oui. Il se sent un peu genre pas au niveau. Mais c'est l'ego surdimensionné de Drago Malfoy. C'est-à-dire que en fait, moi, par contre, pour le coup, j'aurais vraiment véritablement jamais aucune empathie pour ce mec. Qu'importe son histoire. Non, mais c'est vrai. Qu'importe son histoire familiale, le moment où il est effectivement dos au mur, où il doit faire un truc qui est pas cool pour lui en tant qu'enfant, parce que ça reste quand même quelqu'un qui a 17 ans, et ça, ok. Ça reste quelqu'un qui trahit ses potes, qui est pas loyal, qui pense qu'à sa gueule, et qui veut juste briller. Et en fait, moi, ça, je suis désolée, mais quand t'as 8 ans, d'accord, on a tous été des golemons en primaire. Quand t'as 15 ans, t'as quand même les notions d'honneur, de loyauté qui sont là, en fait. Enfin, et tu peux pas te permettre d'être le mec en mode show-off et après de te faire consoler par ta maman qui vient te chercher parce que t'as trop peur. Enfin, putain, j'ai aucune empathie pour ce gars, moi. Il y a deux salles de ambiance. En fait. Mais il y a la peur énorme d'avoir... Il subit quand même beaucoup. Oui, papa n'est pas très sympa. Papa n'a pas l'air hyper gentil. Voilà, c'est le tour de mon personnage. Il avait pas le choix, surtout. Pourquoi? T'as toujours le choix dans la vie, en fait. Avec papa, je suis pas sûr. Toujours le choix. C'est un Malfoy. C'est ça. C'est qu'en fait, tu chopes pas le choix à un moment donné. Est-ce que c'est un peu Marine Le Pen? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a un peu un côté Marine Le Pen? J'allais en parler, je voulais pas politiser le truc, mais honnêtement, moi, quand j'ai grandi, j'ai à peu près découvert en même temps les Malfoy et les Le Pen. Pardon, mais genre... Et ils sont tous blonds. Non, mais tu sais, t'as le père un peu ce truc-là, quoi. Pour moi, c'était clairement des Malfoy. Surtout Jean-Marie, hein. Mais c'est vrai que le premier, alors là je veux parler plus du film, il est très pour les enfants, il est réalisé par Chris Columbus, donc qui est quand même le mec qui a réalisé Maman j'ai raté l'avion et Madame Doubtfire, entre autres, et qui avait écrit Gremlins. Finalement c'est pas J.K. Rowling qui a bercé notre enfance, c'est Chris Columbus. Ben je sais, non les gens, les deux, non, ah, ouais. Ouais. Surtout qu'en plus... Moi je suis team livre, donc... Non mais surtout que le premier, il adapte très bien le livre en plus. Mais oui, tous en plus, oui. Moi je non, trouve que c'est. On en parlera. Non, mais le 1 en tout cas est un super film pour enfants surtout. Alors je trouve par contre que quand tu les remates, parce que j'ai eu la chance de me les refaire récemment via ma compagne, c'est-à-dire que le 1 est vraiment très axé kids, et je pense que c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'il a tant marché, c'est que quand tu le découvres, c'est vrai que tout est beau, tout est. Voilà, c'est très enfant, la musique est incroyable. Alors la musique de John Williams et de Harry Potter, d'ailleurs, si. Seulement quelqu'un avait une boîte à musique autour de cette table pour nous faire un peu écouter le célèbre thème. C'est si peu régulé. C'est la meilleure idée. Oh, je fais de mon mieux. Hein. De serpentard, quoi. Ouais, il a besoin de faire le t'as test. T'as amené un truc, toi. T'as amené un truc. Pas besoin de faire le test, je t'ai dit. Tu critiques, alors quand même. C'est... Non, la première fois, j'étais vraiment hyper content. Là, je suis un peu lassé. Je un peu saltimbanque pour tout le monde et ils trouvent quand même critiquer. C'est fou. Bah, je te rappelle qu'il y en a un ici au-dessous de cette table qui n'a pas de robe. Voilà. C'est ça. Alors, j'ai pas ton 06, sinon. Mais on le donnera à la fin de l'émission. Est-ce que vraiment t'aurais mis 90 balles dans une robe de sorcier? Je peux te... Tu veux? Je la commande maintenant. Ah, non, non, bah, c'est pas des Amazon cadeaux. Prime, il n'y a pas de souci. Non, elle me rembourse. Attends, tu es. Oh, c'est un cadeau empoisonné. Mais en tout cas, si je puis me permettre par rapport à Columbus sur le premier, c'est que c'est. Enfin, effectivement, il l'a bien. C'est bien, mais. Je trouve qu'il a mis de côté. Enfin, je trouve qu'à cause de ce film, il y a beaucoup de gens de 30 ans qui disent ah, mais c'est vraiment une saga pour enfants. Parce qu'il l'a vraiment réalisé comme un film pour enfants. Alors que déjà dans le premier, même si effectivement c'était le premier tome qui posait les bases de l'univers, et donc t'es obligé de passer par des trucs un peu de voilà, enfin de poser de base, il n'empêche qu'il aurait pu rendre le truc un peu plus. Adulte? Ouais, un peu quand même, tu vois. Enfin, je trouve que c'est trop genre, oh, regardez l'univers. C'est un peu trop le monde de Narnia, pour le coup. Ouais. Alors qu'en fait, en vrai, il y a déjà des trucs très, très compliqués qui se passent dans les scènes finales, avec Quirrell notamment. Ça aurait pu être réalisé autrement. En vrai, ça aurait pu être réalisé vraiment autrement. Après, la gueule de Voldemort dans la nuque du gars, moi, je trouvais ça un peu chaud, hein, déjà, quand t'es gamin. Oui, ouais. Ouais. Ça, c'est un peu effrayant, quand même. Ouais, mais je pense que c'est plus, enfin, je sais pas, c'est plus un truc de couleur ou de truc et tout, tu vois, mais. Non, où les adultes sont un peu plus présents et tout. Enfin, j'en sais rien. Là, je trouve que là, t'es dans un entre-deux qui fait qu'il y a plein de gens. Moi, quand je dis Harry Potter, ils disent oh, franchement, j'ai vu le premier, c'est la loose, meuf, mais t'as que ça à foutre de regarder ça. Et je fais putain, ah non, c'est tellement une saga pour adultes. Mais c'est ça qui est... Mais après, voilà, c'est aussi peut-être sa qualité, c'est ce qui a un peu drivé aussi la saga qui devient de plus en plus adulte, justement. C'est une super porte d'entrée pour grandir avec. C'est-à-dire que les enfants, après, peut-être qu'ils seront un peu impatients, ils diront ah, vite, je veux regarder le 2, vite, je veux regarder le 3. Et après, tu fais oh, doucement, parce que dès le 5, t'as plus l'âge, je pense. Tu vois, c'est vraiment un truc pour les grands. Ouais, moi, mes neveux, ils avaient peur au bout du, je sais plus, 4-5e. Ouais. Bah, à partir du 3. Il est interdit au moins de 12 ans à partir du 4e, je crois. Non, sérieux, il y en a des interdits au moins de 12 ans. 12 ou 16, justement. Non, bah, 16, je pense pas. 16, non. C'est possible. Même 12, je suis surpris. Moi, ça m'étonnerait pas. Ouf. Bah, les détraqueurs font vraiment. Les détraqueurs, ça vénère. Si je dis vraiment, si je dis pas de bêtises, je vais mettre plein de guillemets. Warning, c'est ça, comme ça. Ouais. Harry Potter est interdit au moins de 16 aux États-Unis à partir du 4e. Ah oui, c'est les PG. Oui, ce qui sont plus vénères, oui, c'est ça. Oui, aux États-Unis. Oui. Alors, aux États-Unis, on a le droit de conduire à 16 ans. Mais pas de regarder Harry Potter 4. Si, mais sans tes parents. T'as pas le droit de le regarder sans tes parents. Tu peux y aller avec tes parents. Oui, enfin, merci. Ah ouais, bah ça va, il y en a qui adorent aller au cinéma avec leur papa. Et on va acheter un flingue et faire des mass murders. C'est beaucoup plus sympa. Donc je passe au deuxième. En même temps, ils apprennent à conduire avant d'apprendre à picoler, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça. Parce que nous c'est dans le sens. Ouais, et ils nous jugent parce que nos permis de conduire n'ont pas de fin d'utilisation. Comment bon, on dit, écoute, de fin de Mélodie, ton anti-américanisme. Je suis très en colère. Ton anti-américanisme primaire, j'en veux pas ici, d'accord? Je mange au micro. Pas si doux, hein, les poufs-souffles. T'as vu, il y a une espèce de. Voilà. Ouais, tu grattes un peu, ça pique, hein, quand même. Continue comme ça, Julien, je vais t'atomiser avant la fin de cette histoire. Tu vas voir. Le second tome et volet, La Chambre des Secrets. Alors, donc là, quel est votre souvenir? C'est l'apparition de Dobby, déjà, qui est quand même un peu un personnage important. Pourquoi il est si cool, d'ailleurs, ce personnage dans la saga Harry Potter? Dobby, quoi. Bah, c'est Dobby. Bah, c'est enfin l'intégration aussi dans la saga. Enfin, non, mais en tout cas, c'est l'intégration dans la saga de l'esclavagisme. Enfin, de l'asservissement, en tout cas. Oui. Et même par des sorciers qui sont très bien. Et que c'est, pour tout le monde, c'est logique, en fait, qu'il y ait des gens qui les servent. Et c'est le début du. Ouais, le monde magique, c'est trop bien. Il y a des trucs qui volent et tout, mais il y a quand même des gens qui sont des esclaves, quoi. Ouais. Qui sont un peu vénères. Puis le perso était un peu fou, c'était après je vais peut-être dire de la merde parce que moi ça fait vraiment longtemps que je les ai pas vus, mais enfin le 1 je me souviens plus quoi, mais c'est aussi le premier perso un peu 3D dans le film en plus, ça là, et t'as trop vraiment... bien fait en plus, ouais, bah pour l'époque c'était un peu fou, c'était en même temps que Gollum je pense, un truc comme ça. C'était un peu le début de ces trucs là, et oui effectivement c'est un peu là, je trouvais qu'à ce moment là la magie prenait, enfin l'univers était beaucoup plus étoffé, quoi, parce que d'un coup tu te dis, un peu comme dans Star Wars quand justement tu vois les aliens, les trucs, tu te dis ah putain, donc oui, c'est pas que des humains avec des balais et des sorts, quoi, c'est qu'en fait t'as un monde un peu plus grand, un peu plus stylé. Si je dis le 2, vous, c'est quoi les souvenirs que vous avez? Moi c'est le serpent, enfin le basilic, pardon. Le basilic. Bah, justement, juste pour revenir sur Dobby, moi ce que j'ai vraiment aimé dans le 2, mais du coup ce qui se suivra par la suite, c'est que j'ai aimé que en fait donc Harry Potter part à Poudlard dans le premier, et en fait le deuxième recommence chez les Dudley. En fait, infiniment, Harry Potter finit son année à Poudlard et re-rentre chez les Dudley et passe son juillet-août chez les Dudley. Ouais. Et en fait, le 2 amène ce truc de « Ah putain, on re-retrouve encore Harry Potter chez les Dudley, qui est coincé en plus, parce que du coup, il n'a plus de nouvelles de ses potes, il revient un peu à la case départ. » Oui, ça c'est cool. Et j'ai trouvé ça génial, en mode genre « Ah non, mais il faut qu'il retourne, on le sait qu'il va retourner à Poudlard. » Ouais, mais t'as envie, vraiment, quoi. Comment ? Et en plus, les Dudley sont très, très... sont hyper réticents par rapport au monde de la magie. Ouais, ils sont limite de pire en pire. Enfin, Année en année, c'est vraiment... Bon, moi, je pensais qu'au 5 ou 6, ils mettent une patate. Genre, non, mais tu n'y vas pas, tu vois. Vraiment, ils deviennent une violence. C'est ça. Et en fait, Dobby est la première apparition magique qui redonne goût, en mode genre... Ok, on repart dans le truc de la magie, il y a ce truc de Poudlard, et voilà, c'est juste ce petit truc qui... Et il se tabasse la gueule. C'est très violent, quand même. Mais dans il s'éclate la gueule avec un plateau. Il y a des petits soucis, oui. Mais des petits soucis, ouais, un petit... comportement. Très énergique. Alors, donc, ouais, donc la scène... Voldemort, surtout. Arrivé de Voldemort, on le voit, ça y est, dans le deuxième. Non, mais tu creuses un peu le personnage dans le deuxième. Parce que dans le 1, en fait, on sait quoi de lui. Ça débarque dans le deuxième, quoi. Et c'est là où le personnage prend un peu de profondeur, parce que dans le premier, c'est juste un grand méchant qui a tué les parents, on sait pas trop qui c'est, quoi. Ouais. Là, il y a un enfant qui était derrière, en fait. Je trouve que c'est ça qui est assez marquant, c'est que tu découvrais qu'il y avait un enfant élève, en fait. Oui, c'est pas un grand mage sorcier, c'est qu'à la base, il était humain. Et que visiblement, voilà, tout vient de plus ou moins de ce moment-là aussi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir des scènes où on le voit lui jeune, effectivement, mais on sait pas exactement encore pourquoi il est devenu le plus gros fils de pute de la Terre entière. Mmh. Et de dire, ah merde, ok, tu sais que dans les prochains bouquins, tu vas savoir ce qui va l'amener à devenir cette personne-là, tu vois. Ouais. Et ça l'incarne lui aussi, c'est pas que le mec qui, effectivement, est coincé derrière la tête de Quirrell dans le 1. C'est genre une vraie personne qui existe pour de vrai, en fait. Mélodie, la non, scène un peu qui te... Peu de choses à rajouter. Non, il n'y a pas une scène comme ça, le 2. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intrigue du basilic, pourquoi il entend parler en fourche langue. Ouais. Pourquoi, voilà. Ouais, tout, ouais. Pourquoi les gens meurent, mais pas vraiment. Et du coup, on comprend à la fin que c'est à travers des miroirs, des flaques d'eau et tout. Juste l'intrigue. On voyait les parents de Malfoy dans le 1, d'ailleurs. Ou on les découvre dans le 2. Oui, je crois que tu les vois, tu les vois. Dans le 2. Ah ouais, mais même dans le premier, peut-être sur le quai de la gare. Mais dans le 2, ils ont la scène où justement ils humilient un peu Potter chez l'espèce de. Comment ? Ah, Ollivander, chez l'auteur tête de con qui devient prof. La bibliothécaire, ouais. Voilà, c'est ça. Bah, c'est surtout quand même Lucius qui met le bouquin, le journal intime de Tom Jedusor, enfin Tom Riddle, qui le met dans le chaudron de Ginny. C'est vraiment la scène où on comprend que Lucius Malfoy est à vie, enfin à vitam aeternam, un mange-mort. Ouais. Et qui sera toujours un passeur de cette magie noire. Oui. C'est vraiment aussi dans le second bouquin qu'on comprend ça, en fait. C'est ça. Donc... Et il y a une voiture qui vole. Voilà. En plus, mais t'as raison, c'est le truc trop bien. Oui. En vrai, c'est chambé. Et Ron joue trop bien dans... Du coup, je les ai revus. Ouais. Et Ron joue trop, trop bien dans le 2. Ah ouais, ça y est, il a compris un peu son perso. Non, parce que pas véritablement, parce qu'il a encore, mine de rien, Bichette, 13 ans. Oui, bah oui. En tant qu'acteur, mais en vrai... C'est cool, il commence à taper des faces cheloues, je trouve. Ouais. Enfin, et moi, il me fait rire vraiment pour de vrai. Puis ça lui a servi, il a fait plein d'autres films derrière, quoi. Aïe, Julien, attention, Julien. voilà. Ah, oui, et puis il y a aussi, alors quand même, il y a aussi tout le folklore. Je suis désolé, je lis un petit peu mes notes parce que je suis un peu moins calé. Moi, j'ai noté araignée géante, apparemment. Alors, déjà, il y a comment il s'appelle ? Aragog. Hagrid et son araignée géante. J'ai noté donc effectivement Basilic. J'ai noté tout le côté Omar Radad sur les murs où il y a écrit les trucs de sang, machin et tout. Et arrivée du phénix. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu le délire du phénix À la fin, apparemment, le phénix amène le chapeau à l'épée. C'est ce que j'ai. C'est pas un phénix, c'est fume sec. C'est pas n'importe quel phénix, excuse-moi. Pardon. Alors tu peux m'expliquer un peu ce que quoi c'est, parce que je sais que toi cette scène là en plus elle te le symbole du phénix en plus Non mais en fait c'est le phénix de Dumbledore, bien sûr. Donc c'est vraiment un symbole parce que le phénix donc renaît de ses cendres, bien sûr. Donc c'est, il est assez important dans le monde de la magie, et en fait du coup le fait qu'il vienne un peu au dernier moment sauver Harry au moment où il est en train de perdre son sang, et cette fée, du coup, niaquée par le basilic. D'ailleurs, Niaqué par le Basilic était le premier titre d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ouais, ouais. Ça a pas été Harry Potter, le mec niaqué par le Basilic. Non, mais au moment où c'est un petit peu critique, on est un peu en train de se rendre compte que bon, ça part un peu en couille vers la fin. Fume sec arrive, sublime. Et en fait, on se rend compte que du coup, les larmes d'un phénix cicatrisent de toutes les blessures. Et aussi que le phénix peut porter toutes les charges possible, donc il aide tout le monde à sortir de cette chambre des secrets. C'est un peu les aigles du Seigneur des Anneaux Harry Potter, c'est ça un mais peu. En fait, Dumbledore, c'est un peu le symbole dans tous les livres, c'est que Dumbledore n'est jamais présent, mais est toujours présent. C'est bizarre. Oui, ce d'accord. Que je dis, oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, donc dans le 2, il y a Fume sec. Dans le 3, il y a le clin d'œil avec le retour dans le temps. Ouais. Enfin, il y a tous ces trucs où Dumbledore n'est pas présent, à part vers la fin, ou parce que du coup, ça devient un peu plus complexe. Ouais. Mais en fait, Dumbledore a toujours un œil sur Harry Potter et toujours là pour. Il y a quand même l'épée de Gryffondor qui sort du chapeau. Ouais. Enfin, il y a tous ces symboles et c'est vrai que Fume sec, c'est. Ouais, c'est sublime. On voit une espèce de basilic un peu horrible qui représente Voldemort. Ouais. Et donc, il y a cette espèce de d'élégance et de beauté qui arrive, qui est fume sec. Et c'est vrai que du coup, moi, je trouve ça, je l'ai trouvé sublime. On oublie le nom quand même, hein, fume sec. Hein. Fume sec. Pas très sérieusement, mais. Je sais pas comment c'est en anglais d'ailleurs. On peut dire que de toute façon, la VF, en règle générale, ouais. C'est assez rigolo parce que c'est que des. On est dans le même délire que les chics tabac, tout ça. Sauf que là, c'est resté. Ouais. Monsieur Félumpier. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, très bien. Alors, je passe au troisième. Alors, moi, j'avoue que du coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me couper si à un moment vous me dites. Alors là, vraiment, dans ce film, c'est vraiment pas aussi bien que le bouquin. Parce que vu que j'ai pas lu le bouquin, j'ai pas matière à composer. Ah, bah, tous les livres. Ouais, non, mais. Moi, je dis que ça commence à partir du 4. 4. Oui, ouais. On est d'accord. Tu vois, Julien, tu as estime être contre moi, mais en fait... Vous savez que là, ce soir, peut-être, Pouf Souffle et Serpentard vont se tenir main dans la main. Dans la prochaine émission, ce sera Israël et Palestine. C'est ce que j'allais dire. Pouf Souffle n'a rien contre personne. Et ouais. Non, mais il y a un truc passif, un peu agressif. Il y a un peu dans le fond de la gorge. Ouais. Et non, justement. Moi, je défendrais tout le temps les Serpentards en disant que c'est pas forcément des mauvais bougres. Oh non. Oh, bah alors ça... Mais regarde comme il m'agresse depuis le début. Et lui, c'est un vrai mauvais bougre de Serpentard. Le prisonnier d'Azkaban. Le meilleur film. L'accent alors, espagnol. Le film est très... ouais, bah, pour moi, c'est le prison espagnol. D'Azkaban. qui Alors ouais, c'est un thème que vous aimez. C'est un tome que vous aimez bien. C'est un c'est film un plus que réussi. Vous... Hein. Bah, je me suis fait tatouer à cause de ce bouquin. Donc, un tatouage Harry Potter, on peut le dire. J'ai un tatouage Harry Potter. Je me tu suis veux fait... nous le partager ou nous dire oui, ce que absolument. C'est ou... Je me suis fait tatouer le sortilège Expecto Patronum. D'accord. Qui est le sortilège qui éloigne les Détraqueurs, qui sont des créatures magiques, qui sont les gardiens en fait, de la prison d'Azkaban. Puisque à partir du moment où elles sont autour de nous, elles vont nous enlever toute la joie de vivre. Ce qui fait qu'en fait, t'auras même pas envie de t'échapper d'une prison. Parce qu'en fait, t'auras même pas oui, le pas... goût à ça. En fait, ouais, la liberté n'existe plus, les amis n'existent plus, le rire n'existe plus. Juste, en fait, c'est la dépression. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment. Et moi, j'ai toujours vu ça comme une métaphore de la dépression. Et en fait, je me suis fait tatouer ça à l'issue de la sortie du 7e bouquin. Parce que, effectivement, je sortais d'une phase de vie un peu compliquée. Ouais. Et en fait, je me suis dit, en me tatouant ça, ces moments dépressifs, plus jamais. Ouais. Et en fait, j'aurai toujours sur moi le sortilège qui fait qu'en fait, tu les éloignes. Et vu qu'en fait, pour produire ce sortilège-là, il faut penser à notre moment le plus joyeux de notre vie, je me suis dit, en fait, toute ma vie, je veux penser qu'au bien et pas au moins bien. Ouais. Et c'est le moment où j'ai choisi de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Très bien. Et j'avais 23 ans. Et bah ça m'a sauvé la vie. C'est beau. Bah non, mais c'est superbe. C'est super. Clara, t'as un tatouage toi aussi, Harry Potter. Oui. Eh bien, effectivement, j'ai un tatouage Harry Potter que je me suis fait tatouer à Londres. Et du coup, le tatoueur, quand je lui ai demandé de me tatouer les reliques de la mort sur le bras, avait l'air de absolument pas être étonné qu'on lui demande pour la 100e fois un tatouage Harry Potter. Mais pareil, je sortais un peu d'une situation compliquée dans ma vie. Et en fait, pareil, Harry Potter était... Alors, je me suis pas... Expecto Patronum, je trouve que c'est vraiment un symbole plus fort. Mais effectivement, c'était un symbole pour moi de combattre un peu grâce à la magie et ce monde un petit peu qui nous sauve un peu tous les jours. c'était un peu un symbole pour moi de ça. Mais je crois que le tatoueur était un peu déçu de faire un truc si simple. En fait, oui. En fait, quand je suis arrivée et que j'ai demandé donc les reliques, il m'a proposé plutôt de me tatouer le visage d'Harry Potter. Je savais pas. Ah, c'est ouf. C'était compliqué. Et donc j'étais avec ma cousine à ce moment-là, et donc je lui ai dit non, vraiment juste simple, hein, le triangle, et, le rond et le trait. Et fait ouais, bon bah un peu comme tout le monde quoi. Bon bah allez-y. Hein. Enfin, il me l'a fait, donc moi j'étais. Effectivement, si j'avais été un peu trop influençable, aujourd'hui j'aurais Daniel Radcliffe raté sûrement en train de baver sur mon bras et voilà. Donc je suis contente d'être restée sur les reliques. Ah oui, alors que moi, le mec qui m'a tatoué, c'était au fin fond du désert australien, dans un pub, sur un lit superposé. il était bourré et défoncé. C'était déguisé en magicienne où c'était marqué derrière, parce que je pensais être marrante à l'époque. Harry, ramène ta grosse baguette. Yes, heureusement, je ne suis pas devenue humoriste. Non, mais c'est l'enfer. Non, mais moi, le contexte. Qui était l'autre titre des chambres, tu vois, de la chambre des secrets. De mais c'est cool que du coup, dans le dos, t'avais pas Expecto Patronum parce que j'aurais pas aimé ton tatouage. Non, je l'ai sur le pied, c'est moi qui l'ai dessiné. Mais ça a vraiment été fait par mon colloque de chambre dans un pub au fin fond du désert parce que je faisais les vendanges. Et je conduisais des tracteurs. Vous savez pas cette histoire. Mais tu m'as jamais dit tatouer ça. Ramène ta grosse baguette. Mais oui. Et il y a des pancartes partout. Et vraiment de A à Z. Quand je vois la photo, je vois tout ce que je me suis promis à ce moment-là. Mais en même temps, je vois à quel point j'étais en lutte entre. Je sais pas comment exister dans ce monde. J'ai l'impression qu'il faut en faire des caisses et parler plus fort que les autres et faire des vannes. Et qu'en fait, j'étais tellement pas à ma place. Et c'est l'enfer, quoi. Mmh. En vrai, c'est hyper drôle. Mais j'ai fait un test de toutes les MST en rentrant chez moi parce que j'avais tellement peur que l'aiguille était. C'est l'enfer. En vrai, c'est l'enfer. C'est génial. Parce qu'en vrai, il a bien vieilli. En vrai, il est pas dégueu. Moi, je le connais. Ouais. Et du coup, enfin, on le connaît avec Mélo. Mais... ça marche. Enfin... Elle couche avec moi, c'est pour ça que... Oui. Je lui mets des doigts. Que avec son pied. Que avec son pied. Encore une. Toujours à mettre des doigts. T'allais dire quelque chose, Mélo, je crois. Et non, c'était sur les doigts. Non. C'était que les doigts. Non, c'était... Mais on en parle en privé. C'est Harry, ramène ta grosse baguette. Tu me l'as jamais dit. Je t'ai pas montré la mais photo. Pourquoi non. Bah, je vous la montrerai après. Ah oui, en antenne. Tu me demandes pas si j'ai un tatouage. Harry Potter. T'en as, non. Ben, bah, détrompe-toi, Flaubert. Moi, c'est vrai. J'ai la carte du maraudeur tatouée dans le dos. Non, si, je jure. À la prison de Greg. Si, j'ai Dumbledore sur le pec droit. Et on s'y remet avec les 5 secondes, on n'y croit plus. J'ai envie de chialer. On est déçus. C'est dommage pour la carte du maraudeur dans le dos. Et moi, j'ai pas vos connaissances en Harry Potter, donc je me sens obligé de faire des vannes. Mais non, mais t'inquiète. Et par contre, un cas. Et de critiquer les poufs souffles. Oui, ben ça. Deux choses. Ça, c'est bon. S'il y a bien un gars aussi qui a des tatouages partout Harry Potter, c'est Xavier Dolan. Je sais pas si vous avez déjà vu. C'est vrai. Non, mais Xavier Dolan, en fait, c'était même. Il raconte, c'est sur un extrait de tournage, un truc très gênant. En fait, lui, pour le coup, il a Dumbledore tatoué sur le bras, sur genre la moitié du bras. Ah oui. Et en fait, sur son dernier film américain, il a fait tourner le comédien qui joue Dumbledore. Donc, parce que c'est son rêve de le faire tourner. Et donc, très vite, il lui a dit, bon, alors par contre, dès qu'il l'a rentré, bon, soyez pas surpris, vous êtes sur mon avant-bras. Donc, il a le Dumbledore à partir du 3. Oui, c'est ça. Mais... c'est ça. Il a le Dumbledore à partir du 3. Il avait décidé. Ouais, bah, il a eu du cul. et aussi, il s'est fait un tatouage récemment, que je trouve très stylé. Il s'est fait tatouer ce que Harry Potter se grave, tu sais, quand il est puni par la nana, là. Je parle avec un anglais de merde. Ouais. I solemnly swear that. Non, c'est la carte du maraudeur. Ce qui fait Grigion ne plus dire de mensonges. I must not tell lies. Ouais, c'est ça. Et donc lui, il se l'est fait tatouer Dolan sur la main. C'est la un même calligraphie pour faire l'effet cicatrice. Je sais pas, ça je sais pas. Faut regarder sur son Insta. Ça sort dans un filmo quoi. Mais tu rigoles, mais sur la main, sur la même calligraphie, la même position, tout c'est sur la main quoi. Et Julien disait que ça se ressentait dans son cinéma, mais tu ne crois pas si bien dire parce qu'avant de faire du cinéma, Xavier Dolan était doubleur et au Québec, c'est lui qui faisait Ron Weasley. Voilà. Donc en fait, Harry Potter, il est méga fan, mais en plus, ça a une importance dans sa vie parce que c'est son premier métier professionnel dans le monde du cinéma. Voilà. Donc je voulais donner un petit anecdote. On en apprend des choses dans ce podcast. Ah, écoutez, attends, on rentre pas chez nous. C'est science et vie ou quoi ? Accrochez vos ceintures dans le bus magique. Prisonnier d'Azkaban. On adore. Bonne tentative. On adore dans ce troisième vol. Le 3, alors moi, ce qui fait que je le kiffe de ouf, c'est qu'on change vraiment pour le coup de ton dans le film. Pardon, moi je réfère beaucoup au film, mais c'est ce que je trouvais très malin. C'est qu'on a un peu laissé tomber les chandails, les espèces de trucs de sorciers, où il y a des sweats et des t-shirts. Alors, comment est-ce que ça a été? Est-ce que ça vous a plu? Ça vous a déplu? Est-ce que, comment vous vous sentez vis-à-vis de ça, Mélo, par exemple? Bah, déjà, on a pu voir grandir. T'as vu, j'ai fait tout de suite le costume. Hop là. Ouais, mais je suis mal à l'aise parce que j'avoue que je me suis jamais posé la question. Ah non, bah, non, bah, c'est pas grave. Mais je peux parler. Mais c'est parce que tu les as pas vus depuis un moment, je pense. Parce que là, moi, pour l'avoir revu. C'est faux. Je les ai vus il y a 3 mois. Ah, parce que moi j'ai adoré qu'il soit débraillé et la cravate en vrac. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ça représente l'adolescence. Ils ont grandi, c'est plus des enfants de. Enfin, moi je les compare en première et deuxième année à 6e, 5e. Et là, on a des 4e, 3e en fait. Donc ils sont plus grands, donc ils sont plus attirés par. Par la chair. J'allais dire par le sexe opposé, mais pas forcément. Parce qu'ils veulent, voilà. Par les gens qui les attirent. Ouais. Il y a des histoires de d'amourettes et compagnie. Effectivement, on en passe par des fringues un peu plus débraillées et un truc un peu plus... Bah les couilles. Voilà. Mais de toute façon, le film en lui-même... L'analyse de la chef costumière, n'hésitez pas à me contacter pour tout type de tournage. Tu as un Tumblr, je crois. Et j'ai un Tumblr. Oui, mais même le ton est beaucoup plus sombre. Est-ce que c'était le cas dans le livre, déjà? Ah ouais, ouais, oui, ouais. Oui. À fond. D'accord. À fond. C'est le vrai switch, même si pourtant la Chambre des Secrets, c'est très, très dark, ce qui se passe là-bas. Mais, très dark. Les prisonniers, Bellatrix Lestrange qui sort, Sirius Black, où on croit encore que c'est un énorme enculé. Oui, est-ce qu'il aurait tué les parents, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vénère, c'est que là, ça touche aux parents et tout. Ouais. Trahison. C'est chaud, c'est la grosse trahison. C'est le moment de la grosse trahison. Mais ça fait bizarre, c'est vrai, parce qu'il rattrape un peu le retard des deux premiers, qui étaient, comme tu disais tout à l'heure, un peu plus doux. Donc c'est ça aussi qui fait bizarre, c'est que là il dit non, c'est plutôt ce ton-là, c'est le plus fidèle, je trouve, au ton des livres en fait. Et du coup, t'as un peu de retard quand t'as regardé avec les films et ça fait bizarre, je pense un peu. Ah bah ça fait mal, ouais, je pense. Ouais. Mais vraiment, ouais, c'est très dur, je trouve, ce qui se passe dans le 3. D'ailleurs, le 3, alors pour parler cinéma, il n'est pas réalisé du coup par Chris Columbus, mais par Alfonso Cuarón, qui avait fait derrière Gravity et Children of Men. Et qui avait fait Itu Mamá También. Pour ceux qui connaissent pas ce film. Il est dans la DVD Tech, là. Ah, j'adore ce film. Avec Diego Luna et Gael García Bernal qui se branlent sur un plongeoir, qui est une scène incroyable de cinéma. Qui à la base était écrite pour Harry et Ron, mais qu'ils ont filé à ces deux mecs. Ils n'étaient pas encore nés, je pense, à l'époque. C'est vrai. Non, très bon film. Itu Mamá También, je suis d'accord. Ouais, et qui va sortir Roma, là, dans pas longtemps, qui paraît être un petit chef-d'œuvre. Et c'était Del Toro qui devait le réaliser. Il avait été proposé à Guillermo Del Toro, qui a dit prenez plutôt mon pote Alfonso Cuarón, qui t'a filé à quelqu'un. Voilà. Il y a l'histoire aussi que le premier devait être fait par Spielberg. Tu connais cette histoire-là? Ah non, je savais pas. Le premier devait être fait par Spielberg et il avait dit je veux le gars du sixième sens. Tu sais, il voulait trouver qu'avec ce gamin-là. Ah, ils avaient dit bah il est un peu vieux. Non, mais je veux que lui. Et apparemment, c'est le seul enfant qui joue bien. et du coup, ils l'ont pas fait. Non. Ah bah, putain. Ah, heureusement. Oh, on sait pas. Par Steven Spielberg, ça aurait pu être un bon film quand même. C'est un clash. Non. Mais c'est vrai qu'il devait être un peu vieux à l'époque, je pense. Oui, le gamin, je pense qu'il était un peu vieux. Ouais. Donc j'ai noté Sirius Black. Alors Sirius Black, tout un symbole, j'ai l'impression. Oui. C'est le faux méchant. Qu'est-ce qui représente Sirius Black? Oh, tellement de choses. C'est tout le passé, c'est le passé qui revient, non? Tu crois pas? Ouais, c'est fou. C'est en fait, ça y est, il y a quelqu'un qui s'est échappé d'Azkaban, qui est présenté du coup par les Détraqueurs, qui du coup sont horrifiques et effrayants. Oui, ils arrivent dans celui-là, on les avait jamais vus avant, les Détraqueurs. Ils arrivent pendant le Poudlard Express et c'est un enfer. Du coup, tout devient froid, ils sont monstrueusement laids. Enfin, ils sont vraiment, moi je sais que je l'avais vu au cinéma et ça m'a vraiment fait peur. Ah, c'est vraiment drôle. Non, mais je pense que vraiment beaucoup de gens. Flipette. Non, mais en fait, on a une amie à nous qui connaît très peu Harry Potter et qui a décidé de regarder le 3. Oh non, elle reparle de cette histoire. Non, mais en fait, qui a arrêté Harry Potter 3 après les Détraqueurs en se disant non, ça fait hyper peur en fait. Et en fait, oui, ils font vraiment très très peur. Et ils sont. Plus que le symbole, ils font vraiment, vraiment peur. C'est un peu des Nazgûl, des Seigneurs d'Anneaux aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, Sirius Black, et en plus, dans le film, est présenté, du coup, grâce à la Gazette du Sorcier, qui est présenté comme un fou qui a réussi à s'échapper. Et c'est vraiment ce moment-là où, en fait, Harry devient un peu un adulte, parce qu'en fait, on le prend à l'écart en lui disant... Il est sorti pour te tuer, en fait. Ouais. C'est horrible. Oui, là, y a toujours eu Voldemort, mais là, c'est encore plus précis. Ouais, quoi. T'as 13 ans, il y a un mec qui s'est échappé d'Azkaban pour te zigouiller, en fait. On parle là-dessus, donc c'est quand même c'est compliqué. Enfin, on est OK. Donc, en fait, il y a 2 ans, j'étais personne. Et en fait, là, déjà, il y a le Lord qui essaye de me tuer. Et il y a un mec qui s'échappe de prison pour me tuer. c'est un peu. Ah, c'est des grosses années. Est-ce qu'on peut dire qu'Harry Potter il a des grosses années scolaires? Ah bah, c'est la vie de merde, quoi. On s'en parlait avec Lara il y a pas très vrai. Longtemps. On se disait, mais en fait, ils sont tout seuls comme des cons, ces gosses. Oui, c'est l'enfer. C'est vrai qu'on s'est parlé de ça. Et les adultes, ils flippent beaucoup plus que les gamins. Ouais. Et tu fais, mais attendez, mais vous êtes où? Vous pouvez pas protéger? Enfin, moi, je sais pas, je me dis, Harry Potter, je lui mets un garde du corps, même 20. Y a, 25 gardes du corps autour de Natoo à Video City, mais putain, mais mettez-en 150 autour d'Harry Potter. Natoo, si tu nous entends, tu peux filer 2-3 gardes du corps à Harry Potter quand même, s'il te plaît. Il y a ça à un moment donné où il y a les détraqueurs qui viennent à Poudlard protéger les élèves. Oui, mais c'est pas vraiment des gardes du corps. Ah non, ah ouais. Oui, non. Mais bon, ils sont là pour au cas où quelqu'un débarque. Ah ouais, sauf qu'ils attaquent Harry Potter tout le temps, en fait. Donc, oui, non. Bah écoute, voilà, c'est pas parfait comme ça. Excuse-nous. Belle réécriture, ce qu'on peut à disposition. Belle réécriture de trucs. Tranquillement en faisant un petit match de Quidditch, il se fait attaquer. Excuse-moi, c'est un petit peu. Récupération politique sur ce coup-là. Je voulais juste parler d'un truc pour parler du 3. Moi, je trouve qu'il y a un personnage qui est très important et que moi, j'ai extrêmement aimé sur la 3. J'ai adoré l'arrivée de Lupin. Voilà, je mais tiens bien sûr. Hein. Je trouve que Lupin est le premier professeur des forces contre le mal qui est hyper important, qui aide vraiment à Harry à prendre Expecto Patronum. Puis c'est une gueule cassée, quoi. C'est un loup-garou. C'est un loup-garou. Ouais. C'est le pote de James Potter et de Sirius. C'est la carte du maraudeur. C'est eux qui l'ont créé. Enfin, c'est fou, en vrai, cette arrivée de ce professeur qui est. Bah, qui est hyper important. Enfin, pour moi, surtout quand tu passes après Quirrell et après machin, je sais plus comment il s'appelle, Lockhart, qui est quand même deux énormes tocards. Ah, mon Dieu. Enfin, un, c'est un traître et l'autre, c'est un tocard, en fait. Vraiment. Tu dis, putain, tu vois arriver Lupin. C'est, ok, c'est un mec différent. Et aussi, c'est à ce moment-là aussi, dans le troisième, qu'on a introduit des personnages très, très importants et très charismatiques qui ne sont pas comme les autres et qu'on introduit les gens qui sont nés avec un peu une balle dans le pied, mais qu'en fait, c'est peut-être potentiellement les gens les plus loyaux. Et l'on du bas. Et c'est la première fois aussi qu'on introduit des personnes qui sont potentiellement très proches de manière familiale avec Harry, en fait. Sans qu'ils le sachent, ouais. Et Remus Lupin. Complètement. Ouais. Mais c'est pour ça que le 2 et 3, je trouve, sont vraiment liés. Parce que le 2, tu remontes à la genèse de Voldemort, et le 3, tu remontes à la genèse d'Harry et ses parents, James. Ouais. Tout ça. Carrément. Ouais, oui, carrément. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'elle a vraiment pris le temps de poser tome après tome les univers de chacun. C'est ce qui fait qu'à la fin, le 7, c'est vraiment un cum shot total. Où toutes les trajectoires c'était aussi le titre à base du bouquin Harry Potter et le Harry Potter et le cumshot total. J'aurais pas dire ça, c'est pas bon. Oh non. Produit porno, excusez-moi. Hein, Non, mais il y a Préolard, enfin il y a un peu tous ces trucs. Non, mais ouais, petit à petit, en fait, alors rajoute des couches. Ouais, des couches, la grande génial. C'est dans le 3 que ça qu'arrive le truc où, enfin, c'était déjà présent avant ces gens qui se transforment en animaux, ou ça arrive avec Azkaban. Les animagus, tu veux dire? Pardon. McGonagall est un animagus. Oui. Ouais, mais on le savait. Mais est-ce qu'on le sait avant le 3? Elle était prof de métamorphose, donc tu le sais. De bas, ouais. Même il y a même une scène d'un film, le 2 peut-être, où elle est en chat, elle les regarde et après sûr, elle se transforme. Ça, c'est au tout début, c'est le 2 ça. Ou c'est le 1, c'est le premier, ouais, le 1, voilà. Ça arrive en retard. Oui, donc on le savait un peu en déjà, fait. Ouais. Parce qu'il y a ce truc qui est un peu chelou où donc Petit Gros est donc le rat de Ron. Depuis le début. Mais ça, c'est un des plus gros reveals, hein, moi je trouve. C'est fou. Parce que le rat, il est présenté dans le 1 et 2 ou pas? Ouais, on le sait. Tout le temps là, mais il sert à rien. C'est un animal de compagnie de merde, on s'en fout, tu vois. Et en fait, c'est le vrai méchant du 3. Et là, c'est la première fois où tu te dis, ah la pute, elle a mis des indices partout. Putain, c'est horrible. Ouais, ouais. Non, mais je déteste. Non, mais t'as raison. Elle a mis des indices partout, elle les a disséminés partout. Et en fait, à un moment donné, potentiellement, un truc dont elle nous a parlé dans le 2 va ressortir dans le 6. Et Croutard, c'était vraiment ça. C'est que tu Croutard, fais. C'est cool. Il était toujours là. Ouais. Mais attends, mais j'aurais jamais pu me méfier. C'est incroyable. C'est d'ailleurs. Ouais, ouais. Un peu dégueulasse qu'il ait été toujours là, c'est-à-dire qu'il y a quand même un mec chelou qui a déjà assassiné des gens, qui est dans la vie de Ron et dans son intimité, vraiment, qui a dû voir un gamin qui s'est fait caresser un max qui a dû voir un petit rouquin à poil toute la fin de sa vie. Oui, enfin, on va peut-être te mettre en tôle pour ça aussi, peut-être. C'est un très bon sketch du point de vue de Ron, c'est genre au moment où il voit la transformation, il fait oula. Surtout dans le film avec sa gueule, c'est ce monsieur donc qui avec qui je dors toutes les nuits. Ok. Non, mais que Ron introduit en disant que bah il se l'est fait offert par son grand sa grande fa oui de ses frères, enfin ouais. Qu'en tout cas que Croutard est présent dans la famille Weasley depuis pile la mort des Potter, en fait. Oui. C'est ça qui vient trop longtemps pour c'est un rat. C'est fou. Le mec est les képlans depuis 13 ans. Ouais. Chez les Weasley, quoi. C'est fou. Qui devient la famille loyale qui protégera Harry Potter jusqu'au bout, quoi. Enfin, c'est fou. Non, mais il y a un vrai. Tu imagine. Me fais réaliser qu'il y a vraiment un délire à faire sur tout ce qu'il a vu, quoi. Genre, il a dû voir les pires choses. Vraiment. Il a dû voir. Il a vu Ron se branler. Obligé. Le grand frère en entrevue. Il a dû sortir, elle le dit. C'est sûr. Donc, J.K. Rowling, tu nous entends, tu nous écris le tome sur tout ce qu'a dû voir fable, le petit rat. Ouais, une fable. Ensuite, nous passons à Harry Potter et la coupe de feu. Je m'en vais, je vais y aller. Alors, tu n'aimes pas, toi. Non, t'as pas vu non, non, moi, c'est le... non, non, si, si, j'ai vu. Non, mais c'est le moment où moi, j'étais un peu triste quand même. Ah, bon, ça devient un peu dark. Là, non, oui. Non, triste de l'adaptation cinéma, pardon. Alors, non, on va en parler. Livre, on va en parler. Parlons déjà du livre. Parlons déjà du livre. C'est marrant. Ouais. Parlons déjà. Assez brutal. Parlons déjà du livre. Il est très, très épais. Ça, c'était quand oui. même le parce que les trois ça autres étaient... Ouais. Voilà. Faut savoir que le tout premier Harry Potter, il y a des éditeurs qui refusaient de l'éditer, Harry Potter, parce qu'ils disaient que c'était trop long pour les enfants. Donc, ce qui est un peu, après coup, un peu rigolo. Voilà. Il y a un autre sketch à faire sur le gars de la maison d'édition qui a fait « Oh non, pas Harry Potter ». Tu vois, mais apparemment, il y en a énormément qui ont refusé. Oui. Le... Ouais, ouais, tout le monde a refusé. Et en même temps, ces derniers temps, je me disais qu'on dit toujours genre, ah, qu'est-ce qu'ils avaient pas le pif. Et en même temps, je pense qu'elle a fait beaucoup de modifications. Peut-être que la première version était un peu pourrie. Et c'est surtout, ce que je me disais. Parce que, en fait, je me dis que souvent, on sous-estime trop le travail des éditeurs quand on dit ça. Alors qu'en fait, tous les éditeurs ont dû tous faire une page de retour. Et à mon avis, le bouquin est excellent grâce à ça aussi. Tu vois. Il y a des chances. Ce serait hyper intéressant d'avoir bah, ouais, la première de version. Je suis sûr qu'elle est beaucoup moins bien, c'est sûr. Alors, c'est sûr. Non seulement c'est sûr, parce que du coup, je me suis un peu renseigné. C'est-à-dire qu'en fait elle a mis du temps à l'écrire, en même temps c'est un bon pavé quoi, et qu'en fait pendant l'écriture sa maman je crois est décédée, et c'est ce qui fait qu'en fait ça a un peu teinté tout le projet Harry Potter de la mort est vraiment extrêmement omniprésente dans cette saga, et donc du coup c'est ce qui fait que ça a donné beaucoup de profondeur au livre aussi, apparemment c'est ce deuil qu'elle avait du mal à passer. Et voilà, elle a écrit tout un chapitre au Portugal, apparemment, elle s'est barrée un peu d'Angleterre, et voilà. Et il faut savoir que J.K. a été au plus bas de sa life quand elle a écrit Harry Potter. Oui, c'est ça. Elle était en énorme dépression, fauchée, elle avait la garde de ses enfants, elle savait pas comment vivre, en fait, elle avait plus rien. Et elle n'avait pas édité de bouquin avant, en plus. C'est ça. Enfin, c'était vraiment et c'est toujours hyper romanesque de se dire... et d'un coup, elle s'est posée à un café et elle a commencé à écrire Harry Potter et a commencé à imaginer le truc. Mais en fait, on a envie de croire que oui, c'est ça qui s'est passé, parce que c'est fou, en fait. Ouais. Mais en fait, ça, c'est rassurant. Et je trouve que c'est un exemple. En tout cas, Vanessa, ici présente, et Mélo et Julien aussi. Hein, mais c'est un peu un exemple de genre... Cette femme-là a écrit Harry Potter adulte. Ouais. Et en n'étant pas bien dans sa vie. Et en étant, mais au fond du gouffre, en fait. Ouais. Les Détraqueurs, c'est sa vie, en fait. Ouais. Genre, elle était. Et en fait, Harry Potter l'a sauvée, vraiment. Déjà et... financièrement, je pense qu'on peut. Ah, bah, c'est devenue la femme la plus, plus importante d'Angleterre. Ouais, ouais c'est ça. Elle est plus riche que Elisabeth II, faut quand même le dire. c'est pas rien. Pas mal. Ouais. Et donc, elle peut avoir un T2, un T3. un petit T3, ouais. elle peut T3. Largement. Voilà. Mais du coup, oui, du coup, il y a cette espèce de truc en tout cas, J.K. est empathique par rapport à ça. C'est que c'est pas juste quelqu'un comme ça qui a écrit, c'est quelqu'un qui était profondément dans la dépression. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en Angleterre, enfin, donc elle était vraiment, comme tu disais, pas du tout bien dans sa vie. Et en Angleterre, tous les restos où elle a écrit un peu, il y a écrit La maison d'Harry Potter. C'est l'enfer. C'est là où elle a écrit. C'est horrible. Bah après, c'est bien, ça permet à des petits restos de se faire pas, des chiffres d'affaires. Des trucs en gros, c'est là qu'elle a eu l'idée. Mais elle s'est aussi fait voler sa vie et son histoire, je pense. Oui. Les gens ont vachement romancé le truc. Oui. Et les gens s'en sont vachement sortis justement pour que ça devienne un argument de vente à eux, quoi. Mais ça, c'est un peu triste quand même. Mais pardon, c'est un peu éloigné. Parlons de la coupe de feu, alors qui est un peu à part, j'ai l'impression. Donc il y a quand même Voldemort et toutes ces choses-là, mais c'est ce truc du gros tournoi avec plein de choses à faire. Est-ce que quelqu'un peut. Est-ce que ça vous a plu déjà? Je parle encore du bouquin. Est-ce que j'ai adoré. Ah, moi, c'est. Les ça... Jeux Olympiques. De Poudlard. Ah ouais. Déjà, j'ai cru mourir de plaisir. Ah ouais. Mais déjà, c'est là où on apprend qu'il n'y a pas que Poudlard dans le monde. Oui, ah, on le savait pas avant. Complètement, ah ouais, d'accord. Mais non, c'est là où on apprend qu'il y a une école française, une école américaine, enfin pas américaine, mais. D'Armstrong, ils sont. Hongrois, non? Hongrois? Oui, Hongrois. Ouais. Hongrois. Enfin, en tout cas, Nord, c'est là où on apprend que Poudlard n'est pas. C'est des gitans, c'est des gitans. C'est là où il fait froid, c'est là où il fait froid. Bon, c'est. Oh. Remarquez que c'est pas moi qui fais ça, Marc. Hein. Pardon. Hein. On fera un débrief, on compte les points, quelqu'un compte les points, les auditeurs. Mélodie Collange. Que c'est donc c'est là on apprend qu'il n'y a pas que Poudlard dans le monde entier, mais que potentiellement chaque pays a son école de sorciers et ça donne de l'espoir. Un peu plus, tu t'es dit ok, plus. Ça touche pas les British. Ah mais c'est vraiment la coopération internationale qui naît à ce moment-là quoi. Ouais. Alors donc ça commence ça j'ai trouvé ça très stylé. Alors c'est dans, je sais pas si c'est aussi dans le bouquin, mais dans le film c'était très stylé. Genre le Quidditch c'est comme le football. Ça j'ai trouvé ça très stylé. Le Quidditch. Est-ce que t'es du genre le mec qui va au kick tu manges une couiche, des tweets. Tu vas sur Twitter. Donc quoi, donc c'est quoi, c'est mon procès, c'est ça? Oui, dites. C'est ça, parce que j'ai pas vu votre petite robe d'avocat. Si c'est mon procès, excusez-moi, mais Mélodie Collange. Attends, bouge pas, je la remplis. Bon, alors le Quidditch. Le Quidditch. Moins 20 points pour Poufsouffle. Hein. La maison, ouais, ça se passe pas très bien. Non, mais donc il y a le match un peu genre, c'est un gros événement de l'année de Quidditch, et ça, je trouvais ça ultra stylé sur les écrans géants. C'est comme ça dans le bouquin aussi ou pas? Ah ouais, la Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment très stylé. Et donc. Un événement est oublié dans l'adaptation au cinéma. Alors, on va en parler parce que vraiment que je trouve totalement essentiel. Est-ce que je peux en parler tout de suite? Je t'en supplie. Dans le livre, la Coupe du Monde de Quidditch est ouverte par une chorégraphie des Vélanes, qui sont des personnages féminins, je dis pas de bêtises, un petit peu entre l'humain et la créature. Comment tu dis? Une sirène avec des pattes, je sais pas comment on pourrait dire. C'est une créature qui ensorcelle un peu les hommes en fait. Et ça, c'est pas montré dans le film. Il est parti, donc c'est un petit peu déroutant. Non, mais c'est un peu comme Flaubert vient de se lever pour aller chier, donc je suis un petit peu par les grosses commissions. Donc je continue du coup, mais il sera pas là. Vas-y. Ok. Et plus tard dans le 4, Ron tombe complètement amoureux, abruti, devant Fleur de la cour. Oui. Mais en fait, ce qu'on n'explique pas, c'est que Fleur est une enfant issue d'une maman Vélane et d'un papa. Sorcier, oui, mais humain. Oui. Et que du coup, comme elle est moitié Vélane, elle dégage un truc qui rend Ron complètement abruti. Oui. Et ça, c'est jamais expliqué. On se dit juste que c'est un espèce un idiot bête. Un cœur d'artichaut de merde. Exactement. Et ça m'énerve parce qu'il passe pour un abruti fini et c'est pas vrai en fait. Après, pourquoi maintenant lui, il est plus touché par les pouvoirs de Fleur, ce qu'elle dégage que par les autres, ça, j'en sais rien. Mais ça me rend folle. Ouais, mais je suis d'accord. Et en plus, ça m'a rendue encore plus folle parce que c'est la scène de la chorégraphie. Ça va, Flo? Donc, Flo est de retour pour ceux qui ne sont pas avec nous ce soir. J'ai essayé de faire pipi discrètement. Tu me out. Ouais, super, Mélodie. On peut. Mais en fait, je te parle. Tu peux expliquer peut-être Flaubert ce qui vient d'être discuté. Est-ce que vous tu peux répéter ce que je viens de dire? Bien sûr, j'ai tout entendu. Alors, Ron, c'est pas un cœur d'artichaut. Non, mais c'est qu'en plus, moi, quand j'ai lu le livre, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je les ai pas relus depuis très longtemps. La scène des Vélanes pendant la Coupe du Monde de Quidditch m'a rendue dingue. J'ai tout adoré. Et même au-delà de ça, l'histoire des toiles de tente qui s'agrandissent quand tu rentres dedans. Enfin, il y a eu un truc pendant la Coupe du Monde qui m'a rendue folle dans le livre et qui m'a déçue dans le film. Parce que ça prend 5 minutes du film, alors que dans le livre, ça prend, je sais pas, sans doute 200, 300 pages. Et ça m'a rendu ouf. Ça m'a rendu ouf de pas voir ça. D'autant plus quand c'est important dans l'histoire pour l'après. Voilà. Dans le 4, il manque énormément de choses. Déjà, Ron a un animal de compagnie, enfin, qui s'appelle Coq, qui est un petit oiseau qui a complètement été enlevé dans le 4e. Qui, en fait, est un pédophile. Le mec n'a pas de chance. Tous ces animaux, c'est des mecs vraiment dégueulasses. C'est mon Patronus. Je rigole. C'est le Patronus de Mélo. Coq, en fait. Je ne me rappelais pas du tout de cet animal. Oui, en fait, il arrive. Il y a eu un petit peu une jalousie. Enfin, Ron a toujours un peu une jalousie par rapport à Harry, mais une jalousie d'amitié, pas du tout un truc. Mais Coq a Ron a enfin une toute petite chouette, une toute petite hibou. Je ne sais pas trop ce que c'est, Coq, en vrai, c'est un petit canari. Mon patronus, c'est un hibou nain qui tient dans la main. C'est un hibou scop. C'est ça, c'est Coq. Scop nul, qui ne peut pas porter de lettres, qui ne sait rien faire, qui se cogne dans les fenêtres, mais qui est chamé. Il est chamé. Qui a complètement été effacé. Hermione crée carrément une assoc pour défendre les elfes de maison. Putain. Qui a complètement été enlevée aussi dans le film. Dans le labyrinthe. Ah oui, l'assoc des elfes de maison, il est revenu. Ça me rend ouf parce que j'ai la baguette d'Hermione, parce que justement, c'est une personne syndicaliste et révolutionnaire. Elle aurait été, dans un film français, elle aurait été jouée par Vincent Lindon. Exactement. C'est ça. Et Sandrine Tiki Berlin, tu vois. C'est vraiment, c'est ça. Et c'est fou. Et c'est vrai, t'as raison. Ouais, putain, on a enlevé toute cette partie qui est trop bien. L'elfe du Winky. Winky. Ouais. Winky n'existe pas là. Ouais. Y a plein de détails. Alors après, toujours, c'est vrai que c'est toujours la réponse de tout, c'est que effectivement, si c'est on une adaptation, tout, c'est une adaptation. Non, mais en fait, ça y est, à partir du 4, on arrive à avoir des pavés de livres qu'on n'arrive pas à adapter correctement au cinéma, en fait. Et tout est décevant, en fait, jusqu'au dernier. Après, le dernier, ils l'ont séparé en deux films de 3 heures. Donc, merci, monsieur. Déjà, tu vois la gueule du dernier, dernière partie. Non, non, bah, on va en parler après. Oh, attends, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez. Et il faut aussi, pareil, on essaye de un peu introduire ce qui nous touche par rapport à l'adolescence d'Harry Potter. Harry Potter tombe amoureux de Cho. Alors oui, c'est quand même... ça c'était un peu la surprise parce que les gens attendaient justement ce qu'ils allaient faire de ce trio d'amis parce que dans les histoires, dans les histoires qu'on a vues sur Star Wars, il y a toujours à un moment ça devient plus que de l'amitié, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, pas du tout. Harry Potter, il est parti sur complètement un autre dos. Qui est Cho, qui est l'attrapeuse de l'équipe de Serdaigle, qui est aussi pas dit, en tout cas ce n'est pas notifié dans le film, mais que c'est notifié dans le livre. Cho est l'attrapeuse des Serdaigle. Et donc, il tombe amoureux de cette jeune serre d'aigle qui, en fait, aussi un petit faible pour Harry, mais du coup, a préféré partir plus sur Cédric Diggory, qui est du coup le candidat qui devait être choisi, enfin, qui est choisi en tout cas pour jouer sur la. Vous êtes un peu fier. Vous avez fait. Ah, il meurt. Vous êtes un peu. C'est un peu votre fierté de chez les Serdaigle, cette demoiselle, Cho. Alors moi, pas du tout. Ah oui, tu l'aimes pas. Non, je l'aime vraiment pas. Je trouve qu'elle dégage rien. Alors dans le livre, à peu près, il y a un peu un truc cool parce que du coup, elle est attrapeuse et du coup, c'est stylé. Ouais, c'est un peu cool. Mais moi, personnellement, c'est Luna Lovegood à la vie à la mort. Ah, qui est Serdaigle aussi. Ah ouais. Bien sûr. Qui arrive dans le cinquième et qui est incroyable. du coup, Cho, vraiment pas. Pas tout le temps. Robert Pattinson, il dégage un truc. Ah bah il est beau gosse. Il en a fait tomber plus d'une. Il est pouf souffle. Je vous rappelle qu'il est pouf souffle. Ah, il en a fait tomber plus d'une. Je vous rappelle qu'il meurt. Oui, mais pas de sa faute. Hein. Oui, alors justement. Il est quand même champion des trois sorciers. Tomber les trois sorciers, c'est pas rien. Bah non, mais c'est pas rien. Il est mort. Ouais, mais c'est pas de sa faute. C'est vrai que alors. On a parlé de Pré-Aulard tout à l'heure. On a parlé de Pré-Aulard très rapidement. Donc si tu veux faire un focus, le créateur de Pré-Aulard. Et pouf souffle. Il faut le dire. J.K. Rowling et pouf souffle. Eh bah, tu lui diras de mettre de la bière dans sa bière. Non, elle est Gryffondor, mais elle aurait adoré être pouf souffle. Mais elle est Gryffondor. Son école préférée est pouf souffle. Ouais, elle est Gryffondor. Oui, bon, ça, c'est ce qu'elle a dit derrière pour mettre tout le monde un peu content. Oui. On la connaît, hein, la J.K. De dire oui, c'était prévu. Oui, voilà, on commence à. Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Il est pouf souffle. C'est vrai. Il est pouf souffle. C'est vrai. Moi, en ressenti, pardon, je termine sur le cas, je vois que tu allais enchaîner. J'ai l'impression que, moi, la grosse différence de loin, parce que je me souviens plus trop du bouquin 4, parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Le ressenti global que j'en avais, c'est qu'en fait, le bouquin sort beaucoup moins des enjeux principaux de la saga, à savoir Voldemort, etc. Et tout. Alors que du coup, le film, vu qu'il oublie de se concentrer sur l'essentiel, à savoir la coupe de feu, qui est quand même anecdotique dans l'histoire d'Harry Potter, bah, du coup, sort complètement des enjeux de la saga. Et du coup, tu te retrouves à voilà, les Jeux Olympiques, comme tu disais. Quoi. Et du coup, il n'y a plus rien autour, parce qu'il n'y a plus la place, du coup, parce que c'est compliqué à faire en un film, en effet. C'est, je pense, un des gros soucis du truc, hein, c'est que c'est compliqué à adapter. Et du coup, bah, on oublie tout ça, et pop, ça repop qu'à la fin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Voldemort, ah oui, il est de retour. Et du coup, ça n'a pas l'effet escompté que ça devrait avoir, parce qu'à aucun moment, ça sort de mémoire dans le bouquin autant, en fait, ces enjeux-là, tu vois. Bah, vas-y, pardon, je t'en prie, Vanessa. Non, j'allais dire, ouais, et puis en plus, je pense que dans le film, ils ont voulu le rendre un peu teen movie. Ouais. Et qu'ils ont voulu faire un peu le bal, ouais. Le machin, qui sont, c'est dans le livre, hein, d'accord, mais là c'était vraiment les filles sont bien habillées, les mecs savent pas danser, les filles attendent que ça. Hermione, elle a trouvé son gars, Ron, ouais, il l'a pas encore trouvé. Ah là là. Et je pense qu'ils avaient besoin de foutre un peu de comédie en se disant on fout de la comédie un peu au milieu, et comme ça, vu que le dernier acte il est vénère de ouf. Ça sera cool, ça sera un peu plus léger, mais en fait, comme tu dis, non, les enjeux, en fait, ils ont pas changé. Et la toile de fond du bal de Noël, ok, c'est là, mais ça devait pas prendre autant de place non plus. Ouais. Et Hermione qui danse dans une robe violette, il y a plein de gens qui ont adoré, parce qu'à ce moment-là aussi, Hermione devient sexuée aussi un peu, elle est magnifique. On s'en foutait, en vrai, on s'en foutait un peu. Il est fan, Valentin Vincent. Dans un podcast qu'on a fait à Frames, il nous parlait un peu d'Emma Watson, je vous invite. Ah oui, je l'ai vu. Il était sur un forum de discussion, non ? C'est ça. Non, ah oui, on va pas refaire là. Mais voilà. On a écrit une chanson d'amour sur Emma Watson avec Julien Josselin, mais je voulais la mettre justement à la fin. Il ne faut pas réécouter. Ah ouais, tu veux pas ? On peut, mais je l'assume bof. Ok, bah elle est un peu grasse en fait. Ah bah oui. Écoute. Mais je trouve que dans le bouquin, enfin moi c'est ça qui m'a surplus dans le bouquin, c'est que les 150 dernières pages, mais je les lisais genre le souffle coupé, tellement que c'était fou tout ce qui se passait entre le prieur incontatum, enfin toutes les, c'est genre l'arrivée de Voldemort, enfin il prend vie pour de vrai, oui, c'est plus un animal chelou bizarre là, on sait pas c'est quoi, c'est vraiment un gars, ça y est, c'est un sorcier, il prend sa vraie forme, tu vois, c'est incroyable, ces 150 pages, elles sont incroyables. Et le film, il y a un truc de genre aïe. Ouais. Putain, c'est un peu foiré, parce que c'est pas exactement comme ça que ça se passe non plus. L'arrivée des Mangemorts, c'est un peu cheapos. Enfin, je trouve que c'est un peu raté, quoi. Moi, j'ai adoré. Mais toi, tu les as tous aimés. Moi, j'ai adoré la métamorphe. Enfin, dans le film en tout cas, l'arrivée de Voldemort. Ah ouais? Bah, en fait, moi, j'ai Ralph Fiennes, hyper bon choix de casting. Ah ouais, de ouf. Un des meilleurs choix de casting, d'ailleurs. Enfin, vraiment, la gueule de vent, enfin, de serpent, pas de nez, vraiment. Il joue hyper bien, il tient sa baguette comme personne. Enfin, fou. Les Mangemorts, je suis d'accord. Je suis un peu. Mais j'ai trouvé ça fou, là. Tient sa baguette comme personne. Maman, elle l'a jamais dit. Pardon, continue. Ah merde, je vous ai genre, c'était un peu secret. Non, mais je t'ai coupé, Vanessa, en plus. Mais moi, j'ai trouvé que. Au cinéma, quand Voldemort est arrivé, j'ai presque, enfin, c'était fou. J'ai trouvé ça trop bien mis. Non, mais l'arrivée de Voldemort, je suis d'accord. Mais après toute la suite, je trouve que c'est pas exactement comme ça se passe dans le bouquin, et j'ai tellement pas ressenti l'attente. Mais après, voilà, c'est débile de dire ça. C'est bâclé de ouf. C'est bâclé de ouf. Bah oui, mais c'est le prior incantatum. Enfin, les gens ressortent de la baguette magique, les parents. Ah putain. Enfin, tu vois. Oui, je suis d'accord. Non, mais dur, quoi. C'est un peu bâclé, ça va un peu trop vite. Ah ouais. Moi, j'ai pas trop compris quand Cédric Diggory est d'un coup devenu un vampire. C'était pas un vampire, enfin. Non, c'est un autre film, Julien. Ah, parce que moi, c'est celui d'après. Pardon, c'est pas ça. Je plus sur le... C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Oh là là. Il parle de Cosmopolis, c'est ça. Oh là là, c'est chouette, Twilight. Moi, je peux lancer un débat si vous voulez, j'ai bien aimé Twilight. Parce que moi, j'adore. Non, moi, j'ai rien. Ah non, moi, j'adore. Moi, j'adore. J'adore. Ah ouais, il y a du Twilight. Ah là là là là. Je connais pas du tout. D'accord. Le 2 a chier. Le 1 est total. Pas mal. Oui, donc c'est vrai que la coupe Robert de feu, c'est le premier où ça décède violemment chez les enfants, parce que c'était effectivement la mort de Cédric. Qu'est-ce que t'as dit? Pas Cédric, pardon. Le cas décès, premier décès. Premier décès dans Harry Potter, surtout. Oui, c'est ça. Premier décès d'une personne. D'un gamin. T'as petit mioche. Oui, ou d'une personne qui n'est pas méchante. On commence à pleurer dans Harry Potter. Ouais, voilà. Les larmes nous coulent sur les joues. Et là, j'ai senti quelque chose. Ah, oui, c'était des larmes. C'était des larmes. Non, mais c'est un peu l'épisode Game of Thrones, quoi. Enfin, c'est un peu les pourpres d'Harry Potter, quoi. C'est le dernier est bien vénère aussi, le tout dernier. C'est le pire. Hein. Ouais. Le dernier, tu dis, jusqu'au bout, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Jusqu'au bout. Mais à partir du 4, c'est l'enfer. Mais c'est vrai, les histoires d'amour, c'était pas le truc qui m'avait le plus kiffé. Après, il faut savoir, c'est assez rigolo, parce qu'après Alfonso Cuarón, ils ont appelé le gars qui avait fait. Alors, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je vais faire une petite recherche Google en même temps. En tout cas, c'est le gars qui a réalisé 4 mariages et un enterrement. Donc, tu vois, je pense que même dans le choix du réal, ils étaient partis un peu sur. C'est pas déjà David Yates, le 4? Non, c'est 4 mariages et un enterrement. Et donc, c'est. Petit jingle peut-être, Bélo. Oh pardon, est-ce que c'est moi qui suis en train de tripoter ma baguette? Mike Newell, c'est bon. Non, c'est bon, il a trouvé. Non, ça va jusqu'au bout. Voilà. J'accélère du coup. Sortez vos baguettes. C'est Mike Newell qui l'a réalisé et qui a fait du coup 4 mariages notamment. Donc voilà, je pense que c'est un choix aussi évident du coup. Ouais. Mais ce qui explique aussi sûrement pourquoi les histoires d'amour prennent autant de place, c'était une volonté de la prod d'orienter un peu tout ça vers des histoires d'amour. Non, mais dans le livre aussi, c'est le cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, non, elle écrit, parce que dans le livre, si je dis pas de conneries, Hermione se prend un sort avant le bal par Drago et qui lui fait pousser les dents. Ouais, oui, ça n'est pas dans le film. Et c'est pas dans le film. Et en fait, pendant les trois premiers et le début du 4, Hermione, c'est une fille mignonne mais adolescente qui a deux dents un peu plus longues devant. D'accord. Et en fait, elle prend un mauvais sort qui lui fait encore plus, qui lui caricature encore plus les dents. Et quand elle va se faire soigner chez Madame Pomme Fraîche, qu'elle se fait limer les dents, elle ne lui dit pas de s'arrêter à la longueur qu'elle avait avant. Ouais. Elle les fait vraiment limer jusqu'à ce que tout soit aligné. Ah, et donc, quand elle arrive au bal, en plus d'être très jolie, elle a des dents qui sont plus alignées que d'habitude parce qu'elle se les a fait limer plus que de raison. Mais du coup, ça, oui, c'est pas et mal. Et donc, du coup, elle est encore plus. Donc, toute cette mascarade. Sachez-vous, de... ne vous limez pas les dents, ça ne marche pas. Non, ne le faites surtout pas. Toute cette mascarade de Hermione apparaît en haut des marches et sublissime, dans une robe sublime, coiffée, jolie, maquillée, mascarade et compagnie. Mais c'est aussi dans le film, c'est aussi dans le livre, pardon. Oui, c'est ça. Parce ça, qu'en c'est... plus non, de ça, elle a des dents. Ouais. Enfin, c'est. Non, puis en plus, c'est pas mal ça. C'est... Elle pas... Enfin, c'était pas joli avant. Mais... On parle toujours de ce truc de l'adolescence aussi bien représentée dans Harry Potter. Les mini défauts physiques qui prennent de la place dans ton cerveau, c'est vraiment un truc de l'adolescence qui est vachement bien retranscrit. Oui, oui, complètement. Mais du coup, on peut pas reprocher au film d'avoir mis l'accent sur ce moment-là dans le film, parce que c'est le cas aussi dans le livre, en fait. D'accord. Oui, ça arrive. Mais ouais. C'est juste que la scène d'entraînement au bal n'existe pas dans le livre, par exemple. Avec Madame Magodaga. Ah, ouais. Quand Ron y danse. Alors putain, quelqu'un dira si je dis de la merde, mais je suis quasiment persuadée que ça n'existe pas. Non, elle n'existe pas. Ouais, voilà. Mais elle est jolie, elle est rigolote, cette scène, quand elle danse. Non, vous aimez pas ? Je sais pas. Ah, vous détestez ? Bah, non mais parce que moi, les potes en raid, vous me faites marrer. Voilà. Enfin, moi après tout le truc autour, ça m'intéressait moins. Écoute, mais... est-ce que c'est pas le moment d'invoquer le non mais les studios, tu sais la pression des studios. voilà. En l'occurrence, on l'invoque maintenant. Non elle mais est prod, en... J.K. Rowling hein, en l'occurrence ouais. Sur les oui, films. Oui, elle est prod, mais il y a Warner derrière, etc. Je suis pas sûr. Je pense que Warner, quand t'as une poule aux œufs d'or comme Harry Potter, je sais pas. Ou alors J.K. Rowling a été déçu du 3, mais moi je trouve quand tu vois le 3, quand tu vois le 4 derrière, tu sens qu'il y a une vraie machine arrière qui a été faite. C'est très étrange. C'est très étrange. Et du coup, il y a un Et moi, c'est ce qui m'a déçu de plus en plus dans les autres films, justement, c'est qu'on n'a pas continué le travail de Cuarón de rendre ça adulte et qu'on s'est arrêté vraiment au 3, quoi. Et mais à partir du 4, on a redit... Non, on a essayé au maximum d'en faire des films familiaux alors que les bouquins n'en étaient plus du tout, quoi. Mais si et tu veux mon avis, même, je trouve ça extrêmement décevant. Alors après, les deux premiers étaient du même réal, mais j'aurais adoré que Harry Potter, à chaque fois, un film soit fait par un réal différent. Et je trouve ça trop dommage qu'après, ils ont dit « Bon, bah, c'est David Yates, c'est terminé. » Ouais, c'est bien ça... arrangeant, je pense, David. Oui, je pense que David, il a fait. Oui, ok, pas de souci. Et moi, j'aurais trouvé ça génial, un peu comme les vieux Star Wars ou comme les James Bond ou les machins, où à chaque fois, c'est un réel qui reprend un peu l'univers à sa sauce et le fait un peu comme lui le voit et tout. Et je pensais que ça allait devenir ça, Harry Potter. C'est en fait... le jeu aussi. Hein c'est le jeu aussi. Bah oui, mais là, plus du tout, quoi. Après Mike Newell, ça dégage et c'est David Yates jusqu'encore aujourd'hui, les Animaux Fantastiques, c'est encore lui qui les réalise. Il fait quasiment plus d'autres films que des trucs d'Harry Potter, donc effectivement, je pense qu'il est plutôt arrangeant. Juste à savoir que à la base, J.K. avait écrit Hermione qui n'était pas forcément très jolie. Mmh. Et que Emma Watson est quand même très très belle, et qu'ils ont essayé de l'enlaidir dans le premier, en avec lui faisant les cheveux crépus, des fausses dents. Voilà. Ouais. Donc à la base, Emma Watson est plus belle que le perso que J.K. avait écrit. Ouais. Voilà. Non, mais tu as raison de le dire. C'est le petit détail qui fait la différence. Après, ils les prennent jeunes, ils peuvent pas non plus trop savoir, quoi. Elle est pas non plus. C'est une gamine quand ils l'ont castée, quoi. Et on adore Emma Watson. Qu'est-ce qu'il y a, Ginny? Ah bah non, mais parce que ça y est, elle craque au bout du... J'ai attendu le quatrième. Je me suis dit, au bout du combien, elle allait craquer. De quoi? Ginny, je comprends pas ce choix d'actrice. Tu l'aimes pas? Ça me rend complètement d'accord. Ah ouais? Ça me rend complètement taré, cette histoire. Ouais, on la déteste. Ah d'accord, très bien, bah écoutez. C'est pas possible. Je sais même pas qui c'est, pour être tout à fait honnête. C'est la sœur de Ron, c'est ça? Qui du coup sort avec Harry Potter et qui devient la femme d'Harry Potter, et oui, c'est compliqué. Ah oui, d'accord. Ah oui, il finit avec elle. Oui. Ah oui, non, wow. Mais ils se marient, ils ont des enfants. Putain, ça devient son... Est-ce qu'il appelle Ron son beauf, du coup? Bah ouais. Ouais, trop bien. Bah, son ouais. Barbecue. Nous passons au cinquième épisode de la saga. Ça va si vite. Je suis obligé. Ça c'est bien. Attends, c'est bientôt vraiment... la fin. Et en même temps, ça va pas si vite. Je ne partirai pas d'ici tant que la moitié. On te prévient. Et attendez, il reste quand même encore trois livres, quatre films, et il y a plein de sujets autour de Harry Potter dont on va parler. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais ça fait déjà 1h50 qu'on parle. Ah, c'est fou. Oui. Ça passe vite. Et bah quand on s'amuse. L'ordre. Le cinquième tome, l'ordre du Phénix. L'arrivée de Luna Lovegood. Alors, elle a fait une pause, vous ne le voyez pas. Je sens ma baguette. Qui est la baguette de Luna. Elle a vraiment sa baguette. Hein. J'ai vraiment la baguette. Oui, il faut savoir qu'on a fait les choses à fond. D'ailleurs, ça, c'est une petite question. Les films et les livres, ça se télescope à partir de quand? Genre, le premier film, il sort quand quel livre est sorti? Je crois que c'est le 5, ouais. D'ailleurs, non? 4 non ou 5, ouais. Quoi? On est dans l'attente du 6, je crois. Ouais, oh putain, j'y étais pas du tout. C'est un truc comme ça. Je crois qu'on est dans l'attente du 6 quand le premier sort. Oui, t'as raison. Donc, l'ordre du phénix, les trucs qui pop dans votre cerveau quand je dis ordre du phénix, Julien? L'ordre du phénix. Non, mais le véritable ordre et tout ce qu'on découvre, le lieu avec la maison, tout ça, c'est assez cool. C'est ce que j'ai préféré, moi, dans le film, qui est, je trouve, le plus fidèle à ce que moi je me souviens du bouquin. C'était toute cette ambiance un peu glauque de cet ordre du phénix où on ne sait pas si c'est vraiment des gentils ou des méchants. Oui, ils sont là dès le début du 5 en plus. C'est eux ça qui viennent très vite. Ça arrive très très vite. Clara? Alors, moi, c'est assez drôle parce que, en fait, le 5. Parle bien dans le micro. Pardon, excusez-moi. En fait, c'est assez drôle parce que, en fait, le 5, quand j'ai lu le 5, je ne l'ai pas forcément aimé. Pareil. Je l'ai trouvé... il était long. Chiant. Il était long, ouais. Il était chiant, il y avait beaucoup d'infos et j'étais un peu déçue. Et en fait, j'ai adoré le film. Vraiment. Je suis trop d'accord avec moi. On s'adore. Il faut savoir que les Sœurs d'Aigle et les Griffons d'Or t'entendent très bien. Mmh, évidemment. De mon Et en fait, j'ai trouvé que le film était hyper bien adapté. Et en fait, le 5 est très, très, très, très sombre. Et en fait, il faut savoir que pour moi, le 5, donc effectivement, Luna arrive et Luna était une espèce de coup de foot pour moi parce que c'était effectivement une Sœur d'Aigle. Et tu savais déjà que tu étais Sœur d'Aigle à ce moment-là? J'ai toujours su. D'accord, pardon. Elle m'a mis à taquet. Que j'étais une Sœur d'Aigle. D'accord. Toujours. Bitch please. Très bien. Non mais j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça hyper courageux de la part de J.K. d'introduire encore à partir du tome 5 un personnage aussi fort de Luna qui D'accord. est extrêmement important parce que Luna reste une des personnes qui rentrera dans l'armée de Dumbledore et le père de Luna est la personne qui va expliquer à Harry, Ron et Hermione ce que c'est que les reliques de la mort. Ouais. Donc en fait, c'est très important. Ouais. Et ensuite, l'Ordre du Phénix, c'est du coup la prophétie, ouais. qui est très importante. C'est également la mort de Sirius Black. Attends, bah, allons-y doucement. On va peut-être pas. Mais ça, c'est les trucs. Ouais, quand tu dis Ordre du Phénix, c'est. Pour moi, c'est tout ça. Ouais, c'est mort de Sirius Black. Ouais, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper sombre. On voit pas trop dans la coupe de feu d'ailleurs Sirius Black. On le voit pas du tout. Ah oui, non, ça, parce il est pas dans est l'idée. Reclus, oui, c'est ça. Okay. Il s'enfuit d'Azkaban, mais il est reclus avec un hippogriffe dans les montagnes. Okay. De mémoire, il y a des cartes qui ne sont pas dans le film, je crois. Ils échangent par carte. Exactement, ils envoient des courriers. Il lui envoie un Imbus 3000 17000 à ce moment-là. Ah oui, 3000, ouais, là, il est présent dans ou le film. Ou un éclair de feu, ouais. Non ouais. Du coup, non, il envoie un balai, en tout cas. Et après, il a un éclair de feu. C'est ça. Ouais. Mais donc, un balai pour le Nimbus, un balai c'est... Alors, le Nimbus, il lui a envoyé sans savoir que c'était son parrain et l'éclair de feu, il lui envoie en sachant que c'est son parrain. D'accord. Je dis pas de bêtises. C'est ça, je crois que c'est ça. Et juste, je finis avec le 5. Pour moi, ça a été fou parce que ça a introduit le ministère de la magie. Ah, ben j'allais y venir. Voilà. C'est drôle. Pour moi, c'est parce que l'Ordre du Phénix est souvent qualifié comme presque le plus politique même des Harry Potter, car c'est l'arrivée un peu effectivement du ministère, en tout cas du gouvernement, dans les affaires d'une école. Ce qui n'est jamais très, très bon signe. Bah, ça s'appelle le début d'une dictature, en fait. Exactement. Alors, à l'heure où Macron, il veut mettre des flics dans les écoles, c'est quand même fort de café, je trouve, J.K. Rowling. Vanessa Bria, toi, quand je te dis Ordre du Phénix. Alors, pour le coup, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Clara. Et là, c'est le seul où je préfère le film. Ouais. Et la scène, on en parlait encore avec elle il n'y a pas longtemps, la scène incroyable, c'est la bataille entre Voldemort et Dumbledore. Mon Dieu de la fin, qui est mais folle enfin et tellement bien réalisée et tellement cool. C'est tellement bien. Enfin, c'est là où on voit toute la puissance d'un sorcier de très, très haute volée. Qui disent même pas le nom des sortilèges. Enfin, il y a un vrai truc. C'est incroyable. Et puis il y a de la fumée noire. Enfin, il y a un vrai travail de direction artistique qui a été fait où du coup, c'est plus du tout ce truc un peu carton-pâte. Ah ouais. Les c'est vraiment bien, très mal, genre. Voilà, c'est vraiment la vraie vie. Et comme tu dis, c'est la politique. Tu vois tous les lobbies, toutes les galères internes, les gens qui ont qui doivent se placer. Bellatrix. La résistance. Ouais. Bellatrix qui arrive. Harry qui se retrouve en frontal, le fait que eux ils arrivent en plus en groupe, moi j'adore ça, c'est le moment de la Dumbledore's Army. Toi qui adore les gangs là pour le coup. Ah putain, ouais. C'est quand ils arrivent tous ensemble. Moi je suis là genre ok, j'espère que toute ma vie ça sera ça, des gens qui sont toujours autour de moi et tous ensemble et qu'on sauvera toujours le cul des uns des autres quoi. Voilà pour le coup. Fou. L'Ordre du Phénix à la fin de tous les Harry Potter, il reste plus beaucoup de gens quand même. Comme dit Julien, tout le monde est mort. Mais bon, je préfère mourir moi que vivre d'une vie de merde. Oui, voilà, c'est ça. Mélo, toi? Là, il y en a eu beaucoup qui ont été dit. Non, mais là, désolé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas du tout rajouter quoi que ce soit. Moi, depuis le début, tu as demandé ce qui nous avait touché, ce qu'on avait apprécié dans Harry Potter. Bah, ça continue. En fait, moi, je suis hyper touchée depuis le 1. Par le fait que Harry n'ait pas de famille, puis à partir du moment où on apprend qu'en fait potentiellement il a un bout de famille, il a Sirius, puis là il a Remus et puis il a tous les potes de son père, et là on a une maison désormais, on a un lieu où potentiellement c'est la maison de Sirius, de famille, donc oui, ça pourrait être potentiellement la sienne. Donc en fait on a l'espoir tout le temps d'une vie meilleure qui, bon, On va y venir, se casse constamment la gueule pour arriver. Mais parce dès que la fin de celui-là, il a une même... vie de merde. Mais en tout cas, moi, c'est un truc qui m'a vraiment bouleversée quand j'étais gamine. C'est vraiment ce truc en dents de scie de ah putain, il va avoir une vie meilleure avec une famille et un truc aimant, enfin proche de lui. Et non. Jamais. C'est tout le côté un peu pervers de celui-là d'ailleurs. Ouais. C'est que Sirius... Mais là, donc on a connu Sirius, donc on a un lien familial très proche, et maintenant on a carrément un lieu en fait. Ouais, c'est on ça. On pourra vivre ici quand tout ça sera fini. On vivra dans cette maison-là, et là tu fais ah j'imagine plus coloré, plus sympa. On pourrait. Enfin, on met un peu de lino, on met du lino au sol. Fenêtres, déjà, on met aérer, cette, il y a la thune pour mettre du parquet. Cette maison où clairement ça sent la clope. Ça daube. Vraiment, on ouvrait les fenêtres quoi. Il y a déjà un elfe en plus qui est super sympa quoi. Il est super sympa. Créature, il est super. Il personne est n'a nommé la scène où il y a le frère Gogol de Hagrid. Ok, je suis très surpris. Tout le monde a oublié cette scène. Je l'ai pas. Moi, j'ai pas du tout aimé cette scène. C'est un demi-géant chelou. Pire effet spécial de la terre entière. Ça a très mal vieilli. C'est le Cadoc de. Oui, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Attends, on se calme. C'est le Jar Jar Binks. Tu sais que Hagrid, c'est un. C'est l'ogre dans la forêt là. Ouais. Oh non, c'est horrible. Mais comme c'est raté, c'est un enfer. C'est gênant. Tout ça n'est gênant. Non, c'est gênant. Dans les trucs que je m'étais noté aussi, moi le look dans le film du fils d'Ursley, je sais pas si vous vous souvenez, il a une espèce de veste argentée qui brille. Vous vous souvenez pas de ce truc? C'est genre un panneau photovoltaïque. Dans le parc où il y a la canicule. C'est là au début. Les trackers arrivent et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, mais le look de Dursley, vous le googleriserez, il fait partie d'un groupe de New Wave. La réelle, elle est trop bien. Là. Elle est incroyable. Ah, elle est hyper, trop bien. C'est hyper le incroyable. Plan où il court et que c'est un peu shaky avec et tout, la elle est trop soir, bien. Là. Ouais, ouais, sort sa baguette pour menacer Dursley, le temps s'assombrit, les trackers arrivent et Dursley, tous ses potes se barrent et Dursley reste en disant « Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Et en fait, les trackers arrivent et du coup, c'est la première fois où il y a une connexion entre les moldus et le monde de la magie. Et le ministère de la magie menace Harry Potter de le virer de Poudlard. Alors ça d'ailleurs c'est assez intéressant. C'est un peu les gens ce que les gens d'ailleurs. Il y a la voisine aussi. On apprend qu'en fait la voisine qui depuis la nuit des temps est un enfer pour Harry parce que c'est ça un peu sa nounou. Quand sa famille part faire des trucs sympas et qu'ils veulent pas l'emmener, ils le foutent chez la voisine et pour lui c'est un enfer. En fait il se rend compte que depuis la nuit des temps c'est une sorcière. Ouais. C'est une craque molle. Ouais. Mais c'est une sorcière. Ouais. Mais c'est fou. Et là tu es envoyé par Dumbledore pour surveiller depuis le début. Ouais. Suite à un petit problème technique, nous revenons dans un instant. Non. C'est la version jazzy. Un peu. La, la, la, oh là là, les cœurs. Le cauchemar. Je viens le cauchemar. Edwige, j'attends. Edwige, attends, il ne dit jamais ça. C'est un moine. Jamais. Edwige, j'ai vu, non, pardon, mais ça a coupé, on a eu un petit souci technique. J'aimerais beaucoup avoir des commentaires de gens qui sont pas plus fans que ça d'Harry Potter qui écoutent ça depuis plusieurs. Mais ils écoutent pas. Je pense qu'ils se sont fait battre un peu les couilles, ils écoutent pas. Ils ont lâché depuis une demi. Ouais, désolé, j'ai mis un petit. On a eu un petit souci technique. Donc on voulait parler des gens qui font les sports dans la vraie vie, les gens qui font les sports de Kiddish. Non, je vais le dire de plus en plus mal. Non, c'est un effort. Bah, moi, effectivement, j'ai vu sur on était sur un tournage et à côté dans un terrain, il y avait des gens qui s'adonnaient à la pratique du Quidditch sur des balais qui volent pas du coup. Ah c'était ouais terriblement gênant. C'était vraiment terrible, c'était horrible. Putain. C'était oui, parce vraiment que, gênant. À la limite, refaire un sport qui est dans un film ou dans un livre, pourquoi pas. Mais là, il manque un truc un peu important. Oui. Oui. Mais alors après, par contre, pour les défendre, moi j'avais vu une vidéo mais il y a longtemps d'un vrai match où en fait le délire c'est que le Vif d'Or c'est un gars, c'est ça le truc, et en ceinture. Fait et il peut partir et il revient quand il veut. Et c'est génial. Et du coup dans la vidéo il partait en bagnole. Il part bière à la buvette. Part en bagnole et à tout moment il peut débarquer, tu sais pas quand. Oui, c'est génial. Ça c'est drôle. Je sais pas si vous aviez vu ces gars qui font une partie de chat, jouer à chat depuis 25 ans aux États-Unis. Oui, oui. Et chaque année, ils rejouent à chat. Et du coup, les gars se cloîtrent chez eux pour ne pas être touchés, pour ne pas devenir le chat de l'année suivante. Et c'est génial. Je crois que c'est d'ailleurs adapté en film et raison. Ça serait meilleur scénar. Donc on parlait de l'Ordre du Phénix. Dans les grosses nouveautés de l'Ordre du Phénix, c'est aussi l'arrivée de Bellatrix Lestrange. Lestrange. Très bon casting. Incroyable. Helena Bonham Carter, merci. De toute façon, il y a tous les meilleurs acteurs. C'est ouf. C'est tous les meilleurs acteurs et actrices britanniques. Il y a toutes les grosses restas en fait, britanniques dans la saga, quoi. Alors là, même dans le livre, c'est une vraie méchante là. Elle, on est, y a pas de doute au niveau de la méchanceté de la personne. J'ai envie de faire une vanne, mais c'est trop tard. Ah merde. Non. Pardon, mais il est 4h du matin, nous, quand on enregistre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est celui où il y a le plus de baltringues quand même dans le, parce qu'il y a tous les sbires de Voldemort, donc il y a Malfoy, il y a Lestrange, il y a aussi l'arrivée de Ombrage. On dirait Madame Bédoussac, ma prof de chimie quand j'étais en 5e. Qu'on embrasse, mais qui est peut-être décédée. Qu'on n'embrasse pas du tout. Non. Qui a failli me mettre fin à ma scolarité à l'âge de 15 ans. Parce qu'elle était horrible. C'est embêtant. Ah ouais. Et elle lui ressemble vachement et dans tout. Dans le côté faux cul, parce que, alors je sais pas si dans le bouquin c'est déjà à ce point, mais dans le film c'est horrible. Physiquement à quel point c'est et dans la maltraitance avec les élèves. Voilà, je dénonce. Jeanne de la Treille, Aurillac, petit collège sans prétention, Madame Bédoussac, professeure de mathématiques et de chimie. Qui a en plus le nom d'un personnage d'Harry Potter, ouais. Madame Bédoussac. Oui, elle lui ressemble vachement, mais dans tout, tout. Et ça, moi, ça m'a... En fait, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on a toute une ombrage dans nos scolarités. Oui. Ah, bah la preuve. On est toujours sur ce truc de... Ouais. Elle a quand même bien réussi l'autre à retranscrire l'autre. Elle est gonzesse, hein. Elle a quand même réussi à retranscrire vraiment bien des souvenirs d'ado sur les profs qu'on détestait. Ah quoi. Ouais. À fond. Et puis même politiquement, ce qui est génial de choisir un personnage comme ça pour être grande inquisitrice ou en tout cas pour être vraiment la main du ministère, c'est de prendre quelqu'un hyper mignon avec des chats trop mignons, tout en rose, génial et tout, et qui fait passer les pires douilles. Et que tu mets pas de quelqu'un de frontal pour baiser la gueule du peuple, en fait. Tu peux mettre quelqu'un de potentiellement gentil et consensuel qui, en fait, va te faire un enfer, quoi. Bah, de toute façon, tout Harry Potter, il y a vraiment ce truc de méfiez-vous des apparences. L'habit ne fait pas le moine. Parce que Rogue qui est horrible tout le long et en fait, quelqu'un de bien et tous ces trucs-là. C'est souvent. Oui, Hagrid est le contre-exemple total. Ouais, Hagrid, je suis gentil. Ouais, à aucun moment tu doutes de sa gentillesse. Je suis un gentil. Je suis Hagrid. Oui, mais Rogue, c'est un peu plus sournois. Je trouve que Ombrage, c'est plus du rentre-dedans. Il y a plus en espèce. Il y a un véritable défi, une espèce de prise de pouvoir par rapport à Dumbledore qui, en fait, dès le début, est quand même. Bah, c'est Dumbledore, en fait. On se calme. Donc un peu de respect. Déjà de base. Et en fait, moi, c'est une des scènes qui n'est pas une mort, mais qui est juste de l'émotion et une vraie prise de parti, où en fait, Ombrage décide de virer la prof de la voyance. Ah oui, celle qui a les grosses lunettes. Qui l'affiche en fait devant tout Poudlard, qui lui dit « ça dégage en fait ouais. ». Et ce moment, il est hyper dur, parce qu'en fait, elle se retrouve... complètement abattue à dire qu'en fait elle n'a pas d'autre endroit que Poudlard et qu'en fait Poudlard c'est sa maison et qu'en fait elle sait pas aller où elle est et qui est extrêmement bien interprétée par Emma Thompson que j'adore en plus. Magnifique. Qui est sublime et j'étais au cinéma à ce moment-là et je me rappelle que j'ai pratiquement oui en fait je vais pas avoir honte de dire que j'ai un peu pleuré parce que ça m'a vraiment bouleversé où en fait on était tous en mode genre c'est de l'injustice vraiment. Ah, puis c'est une humiliation publique hein, là, c'est, vraiment, c'est public, c'est un enfer et en fait Dumbledore arrive et Dumbledore je pense que il n'y a pas une seule personne fan d'Harry Potter qui n'aime pas le Dumbledore, c'est impossible. Après vraiment. Ça se dit des fois que Dumbledore il gère quand même un peu difficilement son école parce qu'il y a quand même beaucoup de merde qui arrive et que des fois il pourrait faire des efforts pour un peu arranger les choses. Bah ça va avec ce que je disais, c'est que t'as envie de mettre 35 milliards de gardes du corps autour d'Harry Potter et que des fois il l'envoie au front, tu fais oh mec il a quand même mollo quoi. Enfin, tu vois c'est sûr. Et puis si la forêt est interdite, on peut peut-être la clôturer. Enfin, oui voilà, des trucs un peu comme ça quoi. De toute façon, au début du 1, il fait genre alors il y a deux endroits où faut pas y aller. Hein. Je fais oui, bon bah, vraiment, tu veux qu'on y aille. Puis il a une dark side hein, d'ailleurs, mais ça on verra après dans les prochaines étapes. Oh, on va y arriver. Il y a aussi ce truc, donc je disais, qui est un peu politique. Là où aussi, c'est le moment où les élèves se font un peu court tout seuls. Il y a un peu la contre-armée contre, là pour le coup, très syndicaliste, qui est on se fait court nous-mêmes dans la salle sur demande, c'est ça le nom ? Exactement, voilà. Incroyable. Ça, c'est un peu le truc en plus dont tous les ados ont rêvé, quoi. Fait voir, on va se faire court nous-mêmes et nique leur race, nique sa race, les profs. C'est génial, en fait, à un moment donné, l'institution est bancale, s'effrite et même se, potentiellement se détruit de l'intérieur avec, à cause d'ombrage, et que du coup, merde, qu'est-ce que tu fais ? Soit t'abdiques, soit tu t'organises entre gens qui sont là, et que t'as beau avoir 15 ans, en fait, tu peux avoir une conscience politique. Et tu, enfin, une conscience politique, non, on va trop loin, mais une conscience de genre, merde, attendez, il faut qu'on fasse quelque chose, on va pas laisser passer ce qui se passe actuellement. Et ils s'organisent bah, comme tu fais comme quand t'es dans la merde, en fait. Tu regardes autour de toi, tu te rassembles, et t'essayes de t'apprendre et des trucs... Enfin, il y a un vrai truc de transmission en fait, quoi. Moi, je suis complètement d'accord. Et c'est là où je trouve quand même qu'Harry Potter sont assez bien branlés, c'est que les derniers actes sont toujours un peu vénères. Et dans l'ordre du Phénix, on est vraiment sur un dernier acte très vénère, parce que comme vous le disiez. Et je suis désolée, je coupe encore une fois, mais je trouve ça hyper intéressant parce que J.K. Met le spectateur sur le fait accompli que en fait, on voit en même temps que Harry que Voldemort est de retour. Ouais. Et en fait, le 5. Le ministère de la magie est contre Harry Potter, ne croit pas au fait que Voldemort est revenu, oui. Qui fait qu'en fait, le ministère fait tout pour que Dumbledore s'extirpe de la protection d'Harry, de tout ça. Et en fait, c'est pour ça que l'armée Dumbledore se crée, parce qu'en fait, Harry est le seul à essayer de dire que Voldemort est vraiment de retour. Et en fait, je trouve ça beau, en fait, cette espèce de position que nous, téléspectateurs, on est dans la position d'Harry et nous, on est au courant que Voldemort est revenu, en fait. Il est là, en fait. Oui, donc tu vis aussi l'injustice de... Ouais, en fait, on est dans la position d'Harry Potter, en mode genre, mais les gars, réveillez-vous, Voldemort est revenu, en fait. Genre, si, on le sait. Et il foire un peu tout, hein, d'ailleurs, Harry, dans celui-là. Enfin, le pauvre, il enchaîne les merdes, hein, quand même. Le cinquième, c'est quand il est anti-héros. Ouais, ouais. Donc, il y a un moment donné où tu fais... « Waouh, merde, il est hyper en dep. » Dès le début, c'est procès, déjà. Voilà, c'est d'emblée, avec Hermione et Ron, il se frite un peu. Ouais. Enfin, tu sais, il y a un moment où il se sent tout seul dans sa quête. Il est hyper dark. C'est en même temps parce qu'il est teinté de... Il ne veut pas mettre les gens de son entourage... Enfin, faire crever encore des gens. Ou Diggory, ça l'a quand même hyper marqué à ce moment-là et tout. Mais du coup, il s'isole. Et le 5 raconte ce que moi, j'aime le plus dans la vie. C'est-à-dire, il faut tout le temps te rapprocher de tes amis. C'est tes amis qui te sauveront et tout seul Luna tu feras rien. Le dit. Exactement. Et que l'ego de se dire j'y arriverai seul et machin, et ça c'est un ego de Gryffondor que j'admets profondément, c'est de se dire c'est la fausse modestie, c'est ce truc de genre non non mais je veux pas que les gens souffrent autour de moi donc je vais le faire seul. Mais non, en fait on n'est rien tout seul, en fait. Enfin, la vie n'a aucun sens seul, et il faut qu'on s'entoure. Et ça c'est vraiment dans le 5. Ouais, vraiment. Il y a vraiment Luna qui... je suis encore la plus grande combattante de Luna là, par rapport à ça. Mais... Et alors, tu combats contre personne. Hein, parce qu'en fait, je trouve que Luna est pas plus importante que n'importe quel ami d'Harry Potter depuis le début. Mais c'est vrai que Luna a une belle scène dans le 5 qui en fait, dit à Harry, effectivement, que peut-être que le fait que Harry Potter s'isole dans le 5, c'est tout ce que Voldemort veut. Ouais. En fait, faire que, en fait, il est tout seul. Et que du coup, il est plus facile, c'est plus facile pour Voldemort d'attaquer Harry Potter seul qu'avec ses amis. Et c'est à ce moment-là où Harry Potter switch et du coup décide de faire que l'armée de Voldemort existe, existe. Et c'est le switch devient fou. Enfin, c'est le rassemblement des écoles. C'est pour le coup Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle font bloc. Exactement. Avec les qualités de chacun. C'est le moment où en fait les gens se rassemblent. Dumbledore n'est plus là, plus personne n'est là, et en fait les élèves sont contre l'autorité et contre les adultes, et du coup. Ça, elles sont très stylées ces scènes en plus. Ah je ouais, ça vraiment, c'est ça, magnifique. C'est assez chouette. C'est ah merde, je sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Donc oui, mort du Sirius Black. Toi, Mélo, ça t'a chialé ou pas? Ah bah chagrin total. Chagrin. Non mais c'est affreux parce qu'encore une fois, c'est un futur potentiel un peu sympa pour Harry qui une fois de plus s'effondre. C'est foutu quoi. C'est que déjà il lui restait pas grand chose et il y avait ce mec là qui rentre dans sa vie pas longtemps et hop terminé. Bah voilà, fin du bal. C'est affreux. Enfin, rideau. Mais rideau, mais c'est affreux. Moi j'ai chialé. J'ai chialé. Ben, je comprends. C'est affreux. Mais il y a un truc aussi, manipulation de Voldemort. Tu sens qu'il essaie. Là, il fait un peu une phase à la Palpatine dans Star Wars. Je suis désolé, je ramène toi Star Wars. Quand il lui fait. Donc il y a la meuf de Tim Burton. Béatrix Lestrange. Tue Sirius Black. Ouais. Et là Potter il est en mode bon là vraiment t'as fait le truc un peu trop, donc il commence à la poursuivre en essayant de la buter, et t'as Voldemort derrière en pute qui fait genre oui laisse la colère te submerger, qui est un peu un move à la Palpatine. Voilà, donc je voulais rendre un big up à Star Wars. C'est incroyable parce que c'est je suis désolée hein, j'interviens à chaque fois parce que c'est quelque chose qui est incroyable pour moi, mais en fait c'est la... parler de Luna peut-être. Non. Et ben justement justement non, c'est la première fois que Dumbledore en tant que enfin lui-même intervient pour protéger Harry, qu'il utilise sa magie en mode baguette. Il arrive, c'est pas trop tôt. Il arrive enfin en fait. Et bon ok, là il y a un élève de mort, il y a le parrain de l'autre. Ok, ouais, je vais peut-être d'autres moments. Mais Luna n'est pas très loin. On passe à la suite. Le prince de Sang-Mêlé. Alors là, je vous laisse, j'ai tout oublié de ce truc. Donc je ne sais même pas sur quoi vous lancer. Mélodie Collange, prince de Sang-Mêlé. Non, la première. Ah non, merde. Non. Bah c'est. Là, Julien Josselin, prince de Sang-Mêlé. La main noire. C'est quoi la main noire? La main noircie de Dumbledore. Ouais. Ah. Qui est un peu le mystère qui traîne quasiment tout le long de l'histoire. Sur un côté un peu dark side, comme tu dis, de Dumbledore. Il est très louche, Dumbledore, dans ce tome-là. Moi, j'étais très déçu. C'est le film qui m'a le plus déçu par rapport au livre, parce que c'est un de mes préférés dans les livres. Et le film est très, très compliqué. Et en quoi pourquoi c'est un de tes préférés? Parce que justement, il est très dark, très mystérieux. C'est vraiment un bouquin d'enquête, quoi. C'est vraiment... T'es dans la tête de Harry qui comprend rien, parce que c'est Dumbledore qui l'emmène, on ne sait où, et Dumbledore sait tout, mais il lui dit rien. C'est très perturbant pour Harry qui est vraiment qui subit tout ça, mais qui, visiblement il faut faire ce que Dumbledore dit, parce qu'à ce moment-là on a bien compris que c'était le patron. Ouais. Mais en même temps on a des doutes parce que Dumbledore lui dit pas tout, et donc cette main noircie la représente tout le mystère, je trouve, qu'il y a dans ce film de mais dis-moi juste c'est quoi cette main toute noircie, juste déjà pour commencer, tu vois. Mais c'est vrai que en plus moi j'ai pour préparer un peu l'émission, parce que je l'ai quand même un peu préparé, dans les moments cultes d'Harry Potter il y a très très peu de scènes du prince de Sang-Mêlé, à part évidemment le décès de la... Enfin, peut-être pas le décès, mais un des plus grands des le départs. Plus grand. Ouais, le c'est le plus grand, grand pour grand toi. Décès. Ah oui, c'est voilà. Sûr. C'est la mort est sordide. À savoir de Dumbledore. Vanessa Bria, toi, un moment un peu culte pour toi, si je te dis Prince de Sang-Mêlé? Alors, outre la mort de Dumbledore... Moi, j'aime le fait qu'on soit extramuros, qui est ce truc de on sort chercher les Horcruxes. Bah, déjà, il y a les Horcruxes, enfin ouais. Déjà de base, enfin en vrai, ça voilà, enfin ça c'est voilà, comment ça pose quand même toute la fin mort, du quoi. Truc. Ouais, voilà, c'est genre on a quand même des clés du truc. Oui, parce que jusque-là, on savait pas comment le buter. Bah, il y avait la prophétie. Enfin, ouais. On a quand même la prophétie dans le 5. Mais anyway, il y a quand même pas que ça, et il y a quand même un truc qui cloche, tu vois. Donc que Dumbledore commence à expliquer à Harry, où effectivement là tu comprends moins pourquoi il lui donne pas plus de clés. T'as envie de dire mec, enfin tu savais qu'à un moment donné Rogue t'avait calculé ça, qu'il allait te tuer à la fin. Donne un peu plus de bif. On parle de la fin du monde. Fait Potter, croquer en fait le pauvre. Enfin tu vois c'est un peu l'enfer quoi. Mais moi c'est tout ce truc de voyage entre deux où Dumbledore considère Harry comme son égal. Et comme la personne qui va poursuivre en fait la quête, bon après et, évidemment puisque c'est lui qui est concerné, mais ce truc d'aller chercher les trucs ensemble, il y a toute la pancine aussi, putain je me mélange, mais toute la pancine quand il rentre dans les souvenirs de Tom Riddle à l'époque, il y a tous les flashbacks qui sont géniaux et qui permettent de mieux comprendre Voldemort aussi, de commencer à capter qu'en fait il va foutre des Horcruxes dans des endroits qui sont très iconiques, très emblématiques et très symboliques pour Voldemort. Et que ils partent, quand Dumbledore il boit la potion là au milieu des Inferi, tout ça machin, nan, c'est fou. Et tu vois Dumbledore dans une position de faiblesse que tu ne vois jamais, où il chiale. Oh, t'as beau savoir qu'il est ensorcelé, c'est un truc mais crève-cœur, mais de l'enfer quoi. Et en même temps tu te dis mais et Harry doit gérer ça, il a 16 piges quoi. C'est dur fou. Quoi. Ouais. C'est fou. C'est la quête quoi. Ouais. C'est le début de la quête extramuros quoi. C'est ça. Alors, moi, c'est mon tome préféré. Ah, d'accord. Vraiment. En quoi, pourquoi donc? Alors, parce que, du coup, comme disait Vanessa, c'est la découverte des Horcruxes, qui est folle. Je trouve ça... meilleure idée. Je trouve ça génial, en fait, que en fait, je trouve que le Slughorn, Slughorn, je ne sais pas comment on le dit vraiment. Moi non plus. Bah, en fait, Slughorn, je ne sais pas. Bertrand, qui est le nouveau professeur des forces contre le mal. Et la le personne, 34e de Poudlard. En fait, c'est lui qui a un peu expliqué comment... qui était en fait l'ancien professeur de Tom Jedusor, qui est Voldemort, la découverte des Horcruxes. Et qu'en fait, il y a un souvenir dans la pancine qui est de... combien d'horcrux, combien de divisions d'âmes on peut faire, ouais. Et qu'en fait Voldemort le divise en 7, qui est vraiment fou. En fait, je trouve que le 6, et en fait, je suis hyper déçue par rapport au film, c'est qu'on a énormément de souvenirs de la vie de Voldemort qui n'est pas retranscrit dans le film. Elle approfondissait le méchant dans le livre. Vraiment, ouais. L'enfance, ouais. Les parents, la mère sorcière, profondément amoureuse d'un moldu qui n'en a rien à faire et en fait qui a réussi à le faire tomber amoureux grâce à un ouais. Enchantement, à une potion ça, d'amour. Ça, c'est horrible en vrai. C'est horrible. C'est un bon background de méchant quand même. Ouais. Le couple qui a forcé et le père s'en branle. Et, dans le film, t'as juste l'impression que c'est quelqu'un qui a un peu d'ego et qui a été orphelin. Ouais, c'est alors ça. Qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça. Oui, c'est ça. C'est un enfer, il a hyper mal vécu, il rejette complètement son père, qui est quelqu'un qui a complètement abandonné sa mère et qui en plus est un moldu. Mais c'est pour ça qu'il veut pas, il change son nom d'ailleurs, il veut donc, pas le nom qu'on lui a donné. Exactement, et en fait c'est très très très très très dark le 6, il y a vraiment tous ces, voilà, c'est un crux et tout. Et de plus, une petite anecdote pour de ma vie, en fait j'ai acheté le 6 avant de partir en grandes vacances avec mon papa. Qui nous avait offert des vacances en République dominicaine, qui est quand même un lieu paradisiaque. La thune des lesages. Pas du tout, mais qui est, pas du tout. C'est un lieu un peu paradisiaque, dans un club de vacances 5 étoiles, tout à volonté, etc. Le buffet gratuit. La mer des Caraïbes, c'est parti. Et donc là, il y a nos 7 esclaves qui me dit, tu veux lire Harry Potter. Alors, toi, t'es le genre de meuf qui achète le chariot complet de bonbons dans le Poudlard Express, quoi. Bien sûr. C'est clair. Bien, t'as des lingots sûr. Chez Gringotts. Non, mais l'histoire est que mon père a un rapprochement avec Harry Potter qui est très compliqué parce que il a toujours trouvé que j'étais un peu trop too much avec Harry Potter. Ah bon? Vraiment. Et en fait, mais qui a cette Luna? Et après, il a vu qu'elle n'existait pas. Il a fait ah merde. Non, mais en fait, je suis partie avec le 6 en Guadeloupe. Non, en Guadeloupe, c'était un de tes 1000 autres voyages que tu as dû faire. Un sketch show Studio Bagel qui était extrêmement éprouvant et qui a fait que j'ai eu un burn. Bref, mais on en passe. Moi, j'ai fait jamais rentrer pour cause d'otite. Donc, on a failli laisser Mélo Coco dans un hôtel. Rébuminéken, vacances paradisiaques. J'ai le 6e tome qui est pour moi incroyable, que je dévore et que du coup, mon père ne comprend pas que je préfère rester dans la chambre d'hôtel plutôt que d'aller sur la plage. Parce j'ai que, tellement vécu ça. Voilà, c'est genre, et il y a un espèce de truc d'incompréhension que j'ai 16 ans à cette époque-là, à peu près, ou 17 ans, et que je suis en mode genre, mais papa, tu comprends pas ce qui est en train de se passer, c'est fou. Et en fait, je vis la mort de Dumbledore oh, en République dominicaine, et que je tombe en profonde dépression en République dominicaine, ce qui est très compliqué, et que je pars en larmes, en crise, en tout, et que du coup, tout mon monde s'effondre, et qu'en face de moi, j'ai mon père et mes frères. Tu m'étonnes qu'il a un rapport compliqué, non, le père. Voilà, vraiment. Putain, j'ai claqué 5000 balles. Pour toi. Je voulais aller en Alsace, et tu m'as cassé les couilles pour aller en République dominicaine. Non, mais en fait, ça a été très compliqué, parce que en fait, je me suis... On s'y attend pas. Et donc, Dumbledore a été fou pour moi. Où Dumbledore, c'est l'effondrement. Pour nous, Dumbledore, il ne peut pas mourir dans le 6e. Il reste encore tellement de choses pour que Harry Potter affronte Voldemort. Et en fait, je me suis retrouvée à être extrêmement triste et à voir mes frères qui détestent la lecture, ouais. Vraiment, qui me critiquent en me disant genre, mais tu chiales pour un livre ? Non, mais vraiment, on était à ce point-là. Tu leur expliquais que des gens ont tué pour des livres ? Ça s'appelait la Bible, la Torah et le Coran. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pardon, excusez-moi. Non, mais il y avait un... Des fois, des passages que ouais, tu lis. Ouais, je coupe de trois trucs. J'espère. Non, mais il y avait un rapport hyper compliqué avec mes frères qui n'aimaient pas la lecture. Et qui, en fait, je comprends leur positionnement de genre, putain, elle est grave un peu quand même. En fait, c'est le timing plus. C'est le timing où je suis, effectivement, il fait 45 degrés, il fait hyper beau, il y a la plage, et qu'en fait, moi, j'ai juste envie de rentrer chez moi. On a jet ski et massage. Bon. En fait. Non, mais même pas. Non, mais en vrai, j'ai juste envie. Je suis pas du tout au bon endroit. Je suis pas du tout. Je suis complètement perturbée. Et en fait, c'est resté quelque chose dans ma vie qui m'a marquée. Parce que je me suis retrouvée à appeler ma mère, qui est la seule personne qui lisait en même temps que moi les Harry Potter. Oh, trop mignon ça déjà. Et que j'ai appelée en lui disant « Maman, tu sais ?» Elle me fait « Oui, je sais !» Et c'était horrible parce que... Et en même temps très beau ce moment, merci. Super beau, parce que c'est ma mère qui m'a, comme j'ai expliqué au début du podcast, que c'est ma mère qui m'a introduit Harry Potter, qui m'a acheté les trois premiers, et ma mère qui suivait le truc, donc c'est ce qui a fait que genre, c'était fou. Et donc, j'étais en pleurs et ma mère qui me disait « Tu rentres dans 2 jours, c'est bon, profite de tes frères, de tes parents, profite de la plage et quand tu rentres, on en parle et tout. » Et ça m'a gâché les vacances. Dumbledore m'a gâché les vacances. Ouais, c'est fou. Il fallait que tu rentres pour faire ton deuil avec ta mère. Exactement. Exactement. J'ai perdu quelqu'un de proche et c'est fou que ça s'est passé dans un endroit paradisiaque. Très jolie histoire. Très jolie histoire. Très belle histoire. Excusez-moi. Je raconterai le 7 parce que le 7 alors j'étais au Sri Lanka. Je comprends parce que j'avais tendance à les bouffer aussi ces bouquins et le 6 je me rappelle l'avoir fini en plein milieu de la nuit sûrement avec école le lendemain et donc à me retrouver à 4h du mat dans mon lit seule chez mes parents. Ouais. Avec le deuil de Dumbledore à faire et c'est l'enfer en fait. Ah bah, le 11 septembre à côté c'est rien hein, franchement. Surtout quelques tsunami merci. Moi, je me souviens du il me semble le dernier chapitre qui s'appelle la tombe blanche ou l'enterrement blanc ou un truc comme ça. Et en fait c'est le titre du chapitre qui m'a confirmé le truc en fait. Je me souvenais c'est genre ouais mais non mais c'est Dumbledore ouais, c'est la magie c'est genre machin. Et là tu vois la tombe blanche bah quoi tu fais. Mais moi aussi. Et tu sais, c'est comme Sirius. Il est mort parce que un sort l'a propulsé à travers la porte. Oui, en plus c'est un peu flou. Ouais, on n'est pas bien sûr, tu vois. C'est vrai. Et moi, du coup, je continue à lire en me disant, mais c'est pas possible. Il est juste quoi, il a un petit mal à la tête, quoi. Trois fois rien, il va se réveiller, ça va aller. Vraiment, la pomme fraîche, ça va être vite réglé. Et là, Dumbledore, c'est pareil. Oui, Réparo. Et là, Dumbledore, c'est pareil. Il y a un truc, tu te dis, non, mais il est tombé. Ok, de tout en haut. Puis en plus, c'est sordide, je trouve. C'est vrai. Il y a un truc de ça y est, c'est une merde, quoi. C'est horrible. Il est tombé du haut de la tour et c'est une vieille merde en bas comme tout le monde. Et oh, ça démystifie Dumbledore, c'est affreux. C'est et affreux. Puis, c'est, en plus, c'est et Rogue. Même dans le film, quand c'est... C'est fou. Tous les gens qui sont autour, il est posé comme une merde et t'es là... Oh, non. Non. Putain. C'est trop dur. Il a même pas une mort un peu stylée, quoi, vraiment. Ouais. Et en même temps, avec le recul, si, du coup. Enfin, il y a des trucs ah avec... Ah, quand tu sais apprécier. Voilà, ça, c'est quand stylé. Quand tu sais apprécier. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux faire une parenthèse où je critique les Animaux Fantastiques 2 sans critiquer, sans spoiler? Alors, vas-y. Ah, vas-y. Sur le moi, bout j'ai pas des vu doigts. Attention. Je pense que ça passe. Parce que, typiquement, tu vois... Parce que le héros pouf souffle. Non, mais parce que les c'est ça que tu vas dire. Les personnages dans les Animaux Fantastiques 2 sont beaucoup trop forts. Et ça ridiculise, je trouve, c'est ce qui est dommage dans les Animaux Fantastiques 2, c'est que du coup... Plus personne n'est fort dans la saga d'origine. Typiquement, Dumbledore, là, sa mort, elle n'est pas possible dans l'univers des Animaux Fantastiques 2. Voilà. Et parce je trouve que c'est ce qui médiocre. Gâche un peu tout le truc. C'est un peu comme toutes les sagas qui durent trop longtemps, qui ont de la magie. On t'ajoute de la magie à tous les sur épisodes. Sur la magie. Et du coup faut tu crées de la nouvelle magie au bout d'un moment, parce que sinon, on ne va pas te mettre les mêmes sorts qu'à l'époque, etc. Et du coup, au bout d'un moment, tout est magique, tout est possible. Ouais. Et du coup, ceux d'avant, qui est censé, en plus, ça s'est passé avant. Ouais. Pourquoi Dumbledore, il ne savait pas faire ce genre de truc? Enfin, tu vois, tout ce genre de truc. Ouais, pardon, je ferme la parenthèse. Non, mais t'as raison, mais ça ne devrait même pas exister les Animaux Fantastiques. Harry Potter s'arrête au 7e et puis on aurait rien à faire. On aurait arrêté de faire des franchises. Mais non, mais de toute façon, là, en plus, c'est très intéressant. Il y a le scénariste de Solo, donc le spin-off sur Han Solo, qui a vu les Animaux Fantastiques 2 et qui, justement, a partagé un article. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais vous le rechercherez sur vos réseaux sociaux favoris, sur la difficulté d'écrire une préquelle, en fait. Il expliquait qu'en fait, le simple concept de la préquelle, à savoir, parce que les Animaux Fantastiques, ça se passe avant Harry Potter, est un espèce de truc d'une complexité émotionnelle avec les personnages. Pas tant, forcément. Non, et puis même, c'est très compliqué. Enfin, tu vois, Star Wars, par exemple, c'est l'exemple où tout le monde disait, mais en fait, c'est beaucoup trop... Enfin, c'est presque plus logique dans l'univers. Les vaisseaux, ils sont magnifiques dans le passé. Et en fait, dans plus tard, ils sont dégueulasses. Enfin, tout était un peu en mode genre... les Jedi font des saltos arrière, alors que dans ceux d'avant, ils font tac, tac, tac. Et du coup, il y a l'espèce cet entre-deux qui est très compliqué de... Il faut que ça ait de la gueule, parce que le blockbuster, actuellement, ça pète de partout. Sauf que Harry Potter, c'était pas non plus ça pète de partout tout le temps. Donc, c'était tout ça qui était un peu compliqué. Surtout, c'est ça, avec l'évolution des technologies. Mais après, moi, je trouve que justement, tout ça nous fera peut-être remarquer au final que les meilleurs préquels, c'était ceux de George Lucas, en fait. Hein, même si ça a été les plus critiqués. C'est ceux qui sont dans les plus cohérents, franchement, en termes de... Parce que justement, il a créé un univers d'abord détruit. Donc après, il peut en faire un magnifique, tu vois. Alors que là, dans Star Wars, c'est déjà au summum, c'est déjà splendide, tu vois. Dans Harry Potter, Donc moi, du coup, quand tu fais avant, Hobbit, c'est censé être moins bien. Et donc du coup, c'est compliqué de montrer des gens moins bien. C'est pour ça que pour moi, le Hobbit est raté. C'est que le Seigneur des Anneaux, c'est... Mais non, mais pardon, le Seigneur des Anneaux, c'est l'apothéose du truc. Et après, on va te raconter une toute petite histoire que le mec avait écrit avant. Et du coup, ça peut pas être aussi épique, tu vois. Et si on essaie de le rendre plus épique, c'est compliqué. Oui, quand c'est plus épique que ce qui est censé être déjà très épique dans ton cœur, bah tu fais, bah j'aime moins. Bah, tu vois, c'est compliqué quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est plus facile d'écrire des suites, c'est ce que disait le gars. Non, mais c'est vrai, c'est juste. Moi, je voulais juste parler de la mort de Dumbledore où tout le monde laisse sa baguette. Je voulais Vanessa, je voulais parler de toi, Vanessa, qui. Genki Dama. Qui. qui récemment m'a dit que si un jour elle mourait, oui. Elle, moi, elle je suis pas quelqu'un de mélancolique, hein, pas du tout. Mais pas qu'elle du tout. Elle aimerait pendant sa mort qu'on lève tous sa baguette. Voilà. Pour, donc, pour faire et que le Harry même lève sa grosse baguette. Ouais, surtout, alors, baguette non. Pas... Oh non, mais on lance pas. Oui, parce que j'allais dire, non pas que vous pensiez que je me prends pour Dumbledore, pas du tout. Non, mais l'hommage est beau. Du coup, oui, je veux bien que vous leviez votre baguette, mais qu'il y ait une pancarte, parce que je suis quand même une sorcière de très bas niveau, mais qu'il y ait effectivement cette pancarte, Harry, ramène ta grosse baguette, comme ça on m'en rira. Oh mon Dieu. Je t'assure que même sur la pancarte, si tout le monde laisse sa baguette, on va rire. Je promets que j'aurais du mal à me retenir. Ça sera magnifique. Je pars du principe que je vais mourir après toi, c'est horrible. Oui, je serai là, tu l'entends. Oh c'est acquis dans ton cerveau. Oui, c'est ça. Nous passons au dernier tome, mais aux deux derniers films. Alors, d'ailleurs, deux. Même ça, on pourra discuter. Est-ce qu'il vraiment fallait deux films? Est-ce que c'est oui, pas un peu étiré? Non, il fallait deux films. Déjà, depuis le 4, on s'en sort pas. Il était même temps, ça aurait dû être fait bien avant. Par pitié. Hein. Je vais avoir 14 quoi. Films. Bah, bon, on a vite répondu à la question. Les reliques de la mort, dernier tome de la saga Harry Potter. Là, comme ça, dernier tome d'Harry Potter, Mélodie Collange. Une image comme ça de Les Reliques de la Mort qui te... Bah là, je spoil. Ah, on spoil je depuis très le début, loin on direct, s'en fout. Hein, mais quand on comprend tout sur Rogue, en fait. Ouais, bien vraiment. Sûr. Vraiment. Scène mythique. Tout est fou, quoi. Ouais. L'amour... Là, le... tu comprends ouais. tout ce qui vient de se passer pendant les six, enfin, durant les six autres livres. Et c'est... Et tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il a vécu avant qu'Harry arrive, enfin c'est fou, fou, fou. Et en fait tout ce qui se bat always. Et tout ce qu'il manipule et en fait le fait que il est pourquoi il a buté Dumbledore dans le tome d'avant, tout s'explique. Et moi ça m'a bouleversé quoi. C'est vraiment genre ouais. Ah depuis le début tu crois que c'est un bâtard et en fait non c'est vraiment le meilleur d'entre tous quoi. Moi j'adore quand il fait Harry regarde-moi dans les yeux pour qu'il puisse voir une ouais. dernière fois les ouais, yeux parce ouais, qu'il a les yeux de arrête, sa mère. Ouais, ouais. Ça c'est très très joli. Très jolie scène. Julien Josselin ? Oui. La scène, pardon. La scène un peu qui t'a marqué sur les deux derniers. Je ne les ai pas revus récemment, moi je me souviens plus de souvenirs de lecteur, quoi. Mais non, mais vas-y, le premier choc vraiment de genre ah, tiens, un mort. Ah, tiens, deux. Enfin, tu sais, genre. Et de oui, vraiment le être choqué. Ah, ouais. Ouais, et de me dire là, on n'est plus dans un bouquin pour enfants du tout, quoi. Là, ouais. C'était... Ah, et bizarrement, c'est ce que je me disais à chaque tome. Je me disais, ah oui, non, là ça on décolle plus. Là, on n'est plus dans le premier. J'avais relu le premier ou quoi. Je me disais, oui, non, là, tu sais, tu te sens adulte, t'es content, tu lis un bouquin d'adulte, quoi. Mais là, le dernier te fout une claque. C'était Game of Thrones avant l'heure, quoi. C'était ouais, genre l'hécatombe totale. Donc, c'est un vrai souvenir de ne pas pouvoir m'arrêter de lire et en même temps d'avoir peur de lire, quoi. Parce que tu sais vraiment plus arriver à un moment s'il n'y a pas ton préféré qui ne va pas crever. Tu sais plus si Harry Potter va mourir ou pas. Tu sais plus. Ça, c'est très malin, ça. Tu doutes jusqu'à la fin. Tu dis, mais il ne va pas s'en sortir, en fait. Ouais. Et ce serait en plus très logique et cool bah, aussi. C'est enfin, moins le cas serait... aussi. Enfin, après, ouais, c'est cool, la astuce aussi. Mais... mais... Cool, c'est peut-être pas pris le bon adjectif. Cool, pas ouf. Clara Le Sage bon. Bah, non, mais moi, ça va être hyper long. Je suis vraiment désolée, encore une fois. Non, mais sinon, on reviendra. Que... Dis-là juste ce qui t'a marqué comme image. Mais il y a mille bah, trucs qui l'ont marqué. Ouais, en fait, la partie 1, moi, j'ai adoré... Ou dans les livres. Bah, oui, dans les ouais. livres, mais en tout cas, partie 1, j'ai adoré la sortie de Gringotts. Ouais. Où, en fait, Hermione... décide de que tout le monde saute sur le dragon et du coup s'évade de Gringotts. J'ai trouvé la scène ah incroyable. Ah oui, dans le film, c'est stylé. Fou. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, mais putain, Hermione, à chaque fois, hein, faut quand même se le dire. C'est quand même le perso. Harry ne serait pas Harry Potter s'il n'y avait pas Hermione Granger. Ah, ben il y a même des théories de gens qui disent qu'il oui, oui. Est mieux, il est mieux que. Enfin, elle est mieux que lui. C'est elle un peu la vraie héroïne. On voilà. En fait, ils forment un groupe. Hein. Les mêmes oui, mais... ouais, oui, bien sûr. Avec des défauts et des qualités. Toujours. Ouais. Et en fait, non, dans le set, qu'est-ce que j'ai pu aimer? Moi, j'ai tout aimé. J'ai aimé toute la recherche des Horcrux. J'ai aimé enfin. Ce baiser de Ron et Hermione oh qu'on mon attend Dieu enfin oh depuis il est tellement ouf longtemps. Tu sais que je l'ai regardé il y a pas longtemps et je l'ai remis en moi, boucle j'ai regardé pareil 10 fois je l'ai remis en boucle pour voir comment dans on fait dans la salle du basilic là moi j'ai jamais oui, fait donc c'est incroyable mais ça marche ouais ça marche vraiment elle vraiment. Est ouf cette c'est... Ah, j'en ai des je trouve que donc Vanessa va intervenir dans 5 secondes Harry et Ginny non nous sommes pas d'accord avec cette relation oh non elle a été pas mal écrite parce que J.K. Ah non parce que toujours. dès le 2 t'as Drago Malfoy qui fait alors c'est ta petite amie qui te défend et en fait il finit avec elle ouais ça, mais c'est ça a été mal en fait Ron et Hermione vraiment trop bien Ouais, vraiment dès le début, la frustration dès le 4, où Ron est jaloux de voir que Hermione va au bal avec Victor Crumb. Bah, elle sort vraiment avec un quarterback. Hein, voilà. Donc, le 5e. Mais c'est pas prenant pour autant. Enfin, ça paralyse pas la vraie histoire non plus. Mais du coup, il y a une logique du 7e où en fait les deux s'embrassent avec passion. Donc il y a un truc qui marche. Ouais, et puis pendant tout le 7, il va doigter et rouler des pelles la blonde là. Dans le 6. Ah, la vente. Oui, elle est insupportable. Mais oui, Dieu. Mais quelle connasse. La vente, bien sûr. Mais ça marche. C'est l'enfer. Il lui a calé un ou deux wads. Ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Parce qu'on a pitié d'Hermione. Ça marche de ouf parce qu'en plus il est tanké de ouf. T'y crois à fond. Ouais. C'est trop bien. T'y crois à fond. Donc il y a ça qui marche. Neville. Mon Dieu, ça y est. Putain, c'est un putain d'héros ce mec. Tu n'as guigné quoi. Dire ça, tu vois. C'est un diesel hein, quand même. Hein. C'est un diesel du temps. Un petit diesel du temps. Oui, mais il est fiable. Et ces gens-là, je les adore. Et ses parents sont fait buter par les Lestrange. Enfin, il y a un passif qui marche, en fait. Le mec réussit, avec l'épée de Gryffondor, en putain de ralenti dans le film, à trancher Nagini, qui est le dernier Horcrux avant que Voldemort soit complètement tout seul, en fait. Donc, c'est fou. Et du coup, je veux juste parler de ça, comme ça, parce que sinon, je vais trop m'étendre. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de déceptions par rapport au combat final de Voldemort et d'Harry Potter. Oui, ça... Forcément. Tu parles de l'adaptation ciné, oui. De l'adaptation ciné, même du bouquin, en vrai. Ah ouais, d'accord. Parce que du coup, c'est vrai que tout le monde s'attendait un petit peu à un combat incroyable. Bah, c'est vrai qu'après le Dumbledore-Voldemort, tu te disais, alors Harry Voldemort, là, ça va être... Ouais, mais enfin, Harry, ça reste un élève qui a pas trop... Enfin, il y a eu... Exactement, je suis d'accord avec Mélo. Il y a eu beaucoup de... Ah putain, je voulais faire une comparaison avec les facultés du Mireille quand il y a les... Non, je voulais faire un... Non, mais c'est pas grave. Mais donc oui, il faut rappeler que Harry Potter est un élève qui a fait 6 années, mais qui sont pas jamais ouf, quoi. Qui sont remplis de grève comme une faculté du Mireille à Toulouse, chaque année. Voilà, merci beaucoup. Non, mais qu'on n'aura jamais le combat final qu'on attend parce que. Qui était dans le livre hein, quand même. Hein. Oui, ah ouais qui était dans le livre. Ah, le combat, il est ouf dans le livre Non, il n'est pas si fou que ça. Mais dans le film, c'est. Ah, moi, j'ai été mais triste. Et après, pouf, ok, ça s'arrête. Et du coup, après, ils sont dans la salle où il y a pomme fraîche, la salle de l'infirmerie, quoi. Et puis, pouf, pouf, c'est fini. Tu fais, souffle, c'est le mot par contre. Ah oui. Parce que t'as dit pouf. Je sais pas, enfin il y a truc qui est mal branlé dans le film qui est vraiment vraiment fou quoi. Vraiment fou. Alors que tout le reste est cool. Tu vois Rogue effectivement le hallway. Tu trouves que c'est bâclé ou que c'est mal branlé. Le tout dernier truc au moment où en fait Harry se réveille des limbes, enfin revient des limbes, pas se réveille des limbes, revient cette des limbes. Ah putain, mais je suis pas sûre de comprendre en fait. Ah bah ça a été un débat entre Clara et moi. Mais Alors, mais très long débat. Ah ben, allons-y. Alors, moi, pour moi, les limbes, c'est... c'est un purgatoire. C'est une forme de purgatoire. C'est-à-dire que c'est un moment donné où, en fait, Voldemort lui fait le Avada Kedavra, tue l'Horcrux dans Harry. Abracadabra, c'est le mot, par contre. Avada. C'est Abracadabra. Depuis tout à l'heure, vous vous trompez sur la formule. C'est Abracadabra, d'accord ? La magie. Pardon, excuse-moi. Et en fait, donc, il a la Kedavra. Il tue l'Horcrux dans Harry. Mais pas Harry. C'est-à-dire que par contre, il le sèche, vénère. C'est pour ça qu'il se retrouve dans cette espèce d'entre-deux. Qu'il est un peu entre la vie et la mort. Voilà, il a quand même tué l'Horcrux dans lui. Donc, c'est une partie de lui, tu vois. Il se retrouve dans ce purgatoire où il a toute cette, ce moment très spirituel avec Dumbledore où, en fait, Dumbledore lui donne quelques clés, mais en même temps, c'est très, très vague sur, effectivement, le choix de se dire « bon, bah, stop » ou de se dire qu'il y a encore une quête à accomplir et, en tout cas, une conclusion à donner à la vie réelle. Et tu vois la petite chose qui est sous le banc, qui machin. Pour moi, c'est l'Horcrux qui était dans Henri. Henri Poitiers. Henri Poulain. Henri. Oh, cette adaptation québécoise que j'ai faite. Mais oui, tu viens de me faire imaginer qu'ils auraient pu mettre Henri. Dans Harry, c'est pas très français comme prénom. Oh, allez, Henri Poitiers. Henri Poitiers. Oh la loose. Et pour moi, c'est vraiment. Cet entre-deux-là, c'est les limbes, c'est-à-dire que c'est vraiment une forme de purgatoire. J'aime pas vraiment ce mot non plus. Donc, il choisit de revenir parce qu'en fait, il est encore là, en fait. C'est pas fini, il a encore son enveloppe corporelle, il a encore des trucs à dire, quoi. Avec Clara, là, on n'était pas totalement d'accord, mais je pense qu'on se rejoint, en fait, finalement. Oui. C'est qu'il y a ce truc de la pierre de résurrection, c'est-à-dire que aussi, on n'a pas dit depuis le début, c'est que le septième bouquin, c'est les Deathly Hallows, et donc c'est les reliques de la mort, donc c'est la baguette du sureau, la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité qu'on voit quand même déjà depuis le premier putain de film. C'est ouais. là où c'est encore fou, c'est qu'elle a mis depuis le début... le gros dos, quand même. Qui est le meilleur tricks de la magie de Chambé, tout l'univers Harry Potter. Et qui là, effectivement, il découvre la pierre de résurrection dans son vif d'or, I open at the close, et qu'il l'apprend un peu en cherchant avec Hermione dans la forêt, quoi. Et la pierre de résurrection, c'est là où on n'était pas tout à fait à raccord et tout, c'est que pour moi, ça faisait revenir les morts, mais ça faisait revenir l'âme des morts et les fantômes, mais c'est pas non plus les faire ressusciter. Du tout. Bah non, parce que dans le conte des trois frères, justement, il y en a un qui fait revivre sa meuf. Et qui suicide. Et il suicide parce qu'elle est genre sans Exactement. Âme, toute froide. Et donc, voilà. Quand Harry Potter, il sait, quand il comprend dans la pancine avec Rogue qu'en fait, il est condamné, qu'il faut qu'il crève, il y va en. C'est sacrificiel. C'est la prophétie du 5, en voilà, fait. Voilà, c'est sacrificiel. C'est genre, bah ok, j'y vais, je vais crever. Donc il arrive, il se bat même pas. C'est genre, c'est fini. Juste avant, il arrive à ouvrir le vif d'or avec la pierre de résurrection. Et il revoit sa mère, Lupin, Sirius, tout ça, et il parle et il l'accompagne. Et ça, c'est tout ce que représente la saga Harry Potter, c'est l'amour. C'est une saga où les gens meurent tout le temps, comme tu disais, c'est vraiment Game of Thrones avant l'heure. Mais en vérité, c'est une saga qui parle avant tout d'amitié et d'amour. Et c'est juste l'accompagner dans ce moment où, en fait, bah, c'est fini pour sa gueule, quoi. Le gars s'est battu pour tout le monde et il va crever. Et Dumbledore le savait depuis le début. Ouais. C'est et ça. C'est beau. C'est très joli. D'ailleurs, pour le côté un peu body count de les reliques de la mort, donc je vous le fais un peu vite fait, on va un peu énumérer tous les décès. Donc, Severus Rogue, pardon, on en a déjà parlé. Edwige, la ouais, chouette. C'est dur. Ouais, c'est un détail, ça, c'est, mais c'est ça dans la mal, fuite, hein. Mais c'est le ouais. début. Ouais. Oui, c'est dans le bouquin, c'est 4 lignes en fait. C'est 4 lignes du bouquin, ouais, mais vraiment, pour te dire, ouais. elle aussi, hein, elle dégage, hein, vraiment ouais. très clairement. Alastor Maugrey, avec son œil chelou. Ouais. Et là, celui-là, bon, il a fait grincer. Non, c'est même un des moments les plus traumatisants selon un top 50 qui je ne sais pas du tout à quoi il fait référence. Le top 50, je ne sais pas qui la a voté ou quoi que ce soit. Non, la mort de Dobby. C'est terrible. Apparemment, la mort de Dobby, ça a pas, voilà, ça a un peu piqué la gueule ouais, à des gens. En plus, ça va jusqu'au bout, tu vois. On le voit l'enterrer et tout. Il y a tout un truc. Ouais, donc, il y a un vrai rituel d'enterrement. Ouais. Rémus Lupin et Nymphodora Tonks, Nymphodora Tonks, qui vient d'avoir un enfant, je porte sa baguette. Doucement. C'est le perso de Mélococo, de mettre au monde Teddy Lupin, exactement. Qui D'accord. sera Poufsouffle plus tard, je le rappelle. On l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse. C'est qui nous écoute. Ça, on t'embrasse. C'est horrible. Ça, c'est horrible. Voilà. Excusez-moi. Il y a un des frères Weasley. Et voilà, j'allais venir. Fred Weasley aussi. Décès de Fred Weasley. Mais moi, ça m'a trop mal. Le cranker, comme on l'appelle. Là, en revoyant le film ce week-end et tout, quand je voyais la mort de Fred et George. Enfin, je sais pas si c'est le Fred ou George qui est mort. C'est Fred. Quand Fred meurt. Et je vois tout le monde chialer et son frère chialer. En fait, je me suis imaginé, et j'ai chialé du coup, si Poulpe crevait. Oh. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a fait un espèce de truc de genre... Ah, l'enfer ! Tu ouais. vois ? C'est genre les deux frères de la Loose qui ont un magasin de farce et attrape et qui passent leur journée à rigoler et qui ont décidé de monter une boîte pour faire ensemble. Ça. Ouais. Et qu'il y en a un qui crève. Ah ! L'enfer du dos. C'est quoi. Le côté très gratos, enfin pas gratos parce que ça a du sens, mais c'est vrai qu'elle a eu peu de pitié. C'est pas que les héros qui meurent, c'est aussi non. juste lui. Il était marrant, hein ? Ça te dégage ouais. également, ça se Puis prend. Puis il y avait un vrai lien avec son frère et tout. Ben non, top, terminé. Et pareil, J.K. a plus tard avoué que en fait, la mort de Fred n'était pas si... Oh, elle aurait pu faire à l'éviter sorte. Ouais, l'éviter, elle l'a dit. Ouais, mais ça... Il ne faut pas dire ça, hein. Bah, elle a rien elle dit parle, du alors, tout. J.K. parle beaucoup hein, sur Internet ouais, à base de beaucoup, oui, j'ai voulu dire ça ouais. et puis j'ai voulu dire oui, si. Bon, J.K. laisse passer. Elle a aussi dit qu'à l'origine, elle voulait qu'Hermione finisse avec. Enfin, elle a fait finir Hermione et Harry ensemble parce ouais. que pour l'histoire, c'est mieux, mais que dans non, le. Ron, f... Ron, Ron ouais. J'ai dit quoi Harry. Alors, pardon, ouais. j'ai bu du vin. Voilà, je te le dis. On est hors chasse. Je suis quoi de mon bourré. Elle a fait finir Ron et Hermione ensemble pour des raisons qui nous font faire le basilic et tout machin. N'empêche que elle maintient que Hermione aurait été beaucoup plus heureuse si elle avait fini avec Harry. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord non plus. Je pense mais qu'Harry elle est le relou dit. En couple, en vrai. Elle le dit. Harry, il a l'air chiant. Non mais attends, ouais. on peut parler de la toute fin du set quand on voit sur le quai du Poudlard Express, Ginny, Harry et ses enfants. Et il se dégueule. Mais c'est tout ce que je veux pas. Et il y a sa femme. Elle, c'était gosse, hein, tu les gères. Hein, c'était brushing. Gosse. Elle a un brushing. Elle je un brushing. Je finirais pas comme ça. Mais c'est vraiment tout avec ce que je ne veux pas. Avec des ballerines et un brushing. On n'y croit pas. Non, l'imper Burberry, on n'y croit pas. C'est tout ce que je ne veux pas. Non, mais en fait, je me souviens plus trop. Mais est-ce que Ginny a pas souffert de l'adaptation ciné aussi, parce qu'on la voit très peu. Oui, on la voit très peu au cinéma. Quoi. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on se fout de sa gueule et bah tout. Oui, mais c'est ça. C'est que du coup, l'actrice, on dans la les connaît bouquins, pas. C'est cool. Ouais. Mais voilà. En fait, dans le film, ce qui lui manque et ce qu'ils ont pas foutu dans le scénario, c'est une scène où elle est badass, où il y a un truc où tu dis, ok, là, elle met d'accord tout le monde. Cette meuf, c'est une putain de bonne sorcière. Elle a du charisme. Et il y a un vrai truc qui fait que c'est normal qu'Harry Potter tombe amoureux d'elle, tu vois. De par le passif ou par... je parle pas de beauté, tu vois, mais c'est juste un truc de... Il y a un truc à un moment donné où c'est genre, ah ouais, putain, elle est de mon sang. Enfin, on se rapproche, on est fait pour être ensemble, c'est sûr. Et il y a pas cette scène-là. C'est d'un coup, ils se regardent et ils font... Ah, et elle est là. Bon, après, elle est super c'est dans la Dumbledore's Army. Il y a un truc, là, dans la salle sur demande, qu'elle ouais, l'envoie. C'est ouais, nul, et là, c'est nul. Nul. Et tu fais, putain, c'est pas possible. C'est un nul. Oh là là là là. Mais en fait, là, c'est au début, pas... on sait que donnez-lui une belle scène, quoi. À elle, toute seule, quoi. Ouais, ouais, c'est nul. Est-ce que la solution qui met pas tout le monde d'accord, c'est pas un trouble? On arrête et puis voilà, ils sont un tous les trois ensemble avec Hermione. Ah, ça convient à personne. Non, c'est pas que ça nous convient pas. Non, c'est moi, je suis pas sûr qu'Harry soit chaud pour un troupe. Ron, oui. Mais moi, il a l'air un peu, ouais, cul. Ouais, il je est sais pas. Chiant. Il a l'air chiant. Il est chiant. En vrai, Harry aurait pu finir seul et puis c'était. C'est bien qu'il oui, ça va être le héros. Moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Ron, moi, j'y vais. Ah, moi, Ron, j'y vais direct. Ah, il est cool. J'y vais. Moi, je me souviens que c'était une de mes déceptions de lecteur du dernier. C'est que pour moi, j'étais convaincu qu'il y allait avoir une scène de sexe. Et il n'y en a pas eu. Non, mais c'est horrible, mais c'était pas du tout en mode voyeur. C'est que justement, on en parlait. C'est les vieux, tellement... ça. Non, mais Harry Potter parle tellement de devenir un adulte, grandir, l'adolescence, etc. Oui, et tout, bout, pour moi, c'était l'évidence, en fait, qu'il y ait une scène de sexe qui soit écrite ou qui soit même sous-entendue, tu vois. Ouais. Et à aucun moment, on sous-entend ça. Et non, mais c'est con. À cette époque-là, moi, je regardais Skins, etc. Et, tout, et je sentais un vrai décalage avec tout ça, quoi. Et je me disais, bah, c'est dommage. C'est presque un peu trop pur à ce moment-là. C'est ça, elle parle bien de l'adolescence. C'est ça. Alors que tu tues des gens, tu peux te permettre de au moins sous-entendre. Au moins une pipe. Non, mais au moins sous-entendre, en fait. Pas besoin de le voir, tu vois, mais... Après, il y a une image dans Harry Potter où vraiment il lit un bouquin avec sa baguette sous un drap, où vraiment on dirait qu'il se branle. Enfin, le plan est fou. C'est vraiment genre la baguette est mise au niveau de la tub. Ah, se lève, et se lève, il regarde parce le bout de la baguette en disant ouais, moi j'adore la queue. Qui la branlette alors, ça vient se branler ou quoi? Moi j'adore me branler. Mais d'ailleurs, on va faire un podcast spécial On se branle. C'est super. Tu veux dire des nouvelles, 17 invités qui vont venir. Ah bah, si il est question de doigts et les copines, tu peux m'inviter. Oh bah, t'es la première sur la liste, Mélodie. Je vais vous partager cette théorie. J'ai l'impression que Vanessa, tu la connaissais. En fait, il faut savoir qu'il y a énormément de théories autour de Harry Potter. Et J.K. Rowling en a validé une sur Twitter, en disant en tout cas qu'elle fonctionne et qu'elle la trouve magnifique. Puisqu'on parle des reliques de la mort, une théorie dit qu'en fait, vous vous souvenez du conte des reliques de la mort? Je pense que les gens qui écoutent jusqu'à 2h30 de podcast sur Harry Potter s'en souviennent, je ne vais peut-être pas tout resituer. Mais qu'en gros, Dumbledore serait donc la mort du conte, que Voldemort représenterait le premier frère, que Rogue représenterait le second frère, et Harry Potter serait le troisième frère. C'est-à-dire que Voldemort aurait du coup la baguette du sureau, Rogue la pierre de résurrection et Harry la cape d'invisibilité. Ouais. Et voilà, selon J.K. Rowling, elle dit c'est une très bonne idée. Enfin, elle dit je valide cette théorie. Elle dit pas c'est une bonne idée parce qu'elle fait genre peut-être que je l'ai fait exprès. Mais en tout cas, c'est un truc, ça vous parle ou pas ce truc? Bah, t'as un peu quand même ce truc où t'as l'impression que Dumbledore, même s'il cherche, il maîtrise un petit peu quand même tout de A à Z et qu'à un moment donné, il est quand même en possession de tout. Ouais. Enfin, même si c'est James Potter qui lui a filé pour Harry la cape d'invisibilité, donc elle lui a jamais vraiment à proprement parler appartenu. Elle appartenait à Henry. À Henry, putain, mais c'est l'enfer. Une adaptation de merde est horrible. Mais elle appartenait à Harry. Il a juste été passeur. Mais il n'empêche qu'il l'a eu dans ses mains. Oui, et t'as ce truc dans le conte aussi, où d'ailleurs il se cache de la mort jusqu'à la fin. Bon, ce que James a pas trop fait, parce qu'il s'est vraiment fait buter comme une merde, mais où il donne la cape à son fils. Exactement. Le conte se finit là-dessus. Donc genre, il a la baguette de Sureau, il a la pierre de résurrection. Et il a, à un moment donné, la cape d'invisibilité qui retransmet et tout, mais... Enfin, c'est pour ça que je la trouve pas déconnante, cette théorie. Après, le truc de, effectivement, Voldemort, c'est la baguette de Sureau, machin, nan, nan, ça, je suis moins... Sur le dispatch des persos... Ouais. je suis moins convaincue du délire, tu vois. Mais ouais, en tout cas, sur le fait que Dumbledore, en fait, maîtrisait un truc depuis le début... Pourquoi pas ? Moi, j'y crois pas du tout, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir pensé à ça, en tout cas. Dans les autres théories, il y a les 7 Harry Potter. 7, c'est un peu le chiffre important de la saga, parce qu'il y a 7 tomes, il y a 7 Horcruxes, voilà. Et ça reprendrait les 7 étapes du deuil. Ah. Voilà, c'est sur Fabien Olicard qui fait une vidéo que je vous invite à regarder sur internet où il parle de ça, où l'école des sorciers c'est le choc, la chambre des secrets le déni, Azkaban la colère, coupe de feu la tristesse, l'ordre du phénix la résignation, le prince de sang mêlé l'acceptation et les reliques de la mort la reconstruction. Voilà. C'est très beau. Ouais. Et lui, il t'explique ça dans sa vidéo. Je vous l'invite à la regarder. Après, voilà, c'est des thèmes tellement larges que peut-être tu peux faire rentrer un peu ce que tu veux dedans. Moi, j'en sais rien, je connais pas du tout assez Harry Potter. En tout cas, quand lui en parle, ça fit complètement. Putain, et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et ce serait logique avec tous les thèmes qu'elle aborde autour de la mort, J.K. Rowling. Et que, encore une fois, c'est un événement qui, dès la création d'Harry Potter, la mort de sa mère a pris, on l'imagine bien, beaucoup de place dans sa vie. Après, il y a des théories bien plus débiles que même J.K. Rowling, elle a dit arrêtez, les gars. Ron et Dumbledore seraient donc la même personne, t'en as parlé au début. Genre Dumbledore aurait pris le truc du temps et qu'en fait il s'est envoyé jeune, enfin un bordel quoi. Et pourquoi dire ça ? Après il y a une théorie, je pense, qui est vraiment expliquée, que je me suis pas emmerdé à lire et après, tout. Après les gens s'emmerdent. Ouais. Mais c'est chiant. Non, mais de toute façon, les animaux fantastiques a tout balayé maintenant, mais bon, on bref. On va en parler ou pas ? Oui, oui, on va en parler, mais on arrive doucement mais sûrement à la fin du podcast. Drago n'est pas un loup-garou. Ah oui, Drago serait un loup-garou et Severus un vampire. Ah, oh, ça me saoule, ça. Voilà. Je vois pas à quoi ça sert, en fait, voilà. Dos, non, mais c'est des gens, ils partagent. Mais oui, mais pourquoi dire ça, en fait ? Parce qu'en fait, il faut se remettre un peu dans la tête des gens qui sont... Ça reste des fans hein, qui disent ça et qui essayent de... Clara se casse. Clara se lève et Clara m'enquiquine. Et quand Clara se lève... Attends, on allait parler de ou est-ce qu'il paraît Dumbledore et cosmonaute ? Reviens. Ouais. Mais Draco, il est pas, et c'est pas un loup-garou, je suis sûre qu'on l'a déjà vu. Eh ben, mais la preuve. Ah, mais non. Mais. Écoute. Écoute, ça m'agace. Harry Potter aurait tout inventé dans son imagination parce qu'il a une vie de merde. Bon, ça, c'est vraiment les pires fins. S'il avait vraiment fait ça, c'est genre. Il est dans son lit. Ouais, oh, la barbe. Ça t'arrive depuis le début. Sirius et James étaient plus que des amis. Étant donné que Sirius est le parrain d'Harry, mon frère se sont demandé ces derniers. Ah non, oui, qu'il serait de la famille. Que Sirius serait de la famille d'Harry Potter, plus que juste le parrain. Quoi, en fait. Mais ouais, ça apporte quoi en fait tout pas ça du tout, mais Karen a quand même dit pas du tout, c'est que des potes. Voilà, elle a quand même important de le dire. Et enfin, les Dursley seraient exécrables avec Harry parce que c'est un Horcrux. Et que c'est pour ça qu'ils réagiraient, que des moldus, réagiraient très mal à Harry Potter. Alors ça, pour le coup, d'un truc très théorique, ça peut être. Vrai, après, en même temps, quand t'es là que 2 mois par an chez Watt... Après, elle, il était là 11 ans avant. Ouais, mais bon, est-ce que ça crée vraiment... Elle, en tout cas, en 2007, J.K. Rowling a dit, vu que Harry n'était pas... Mais les Moldus, ils sont dépourvus de pouvoir magique, donc pourquoi ils seraient réceptifs ? Après, ça peut t'atteindre. En tout cas, on nous le justifie bien de pourquoi ils sont désagréables. Surtout pourquoi la daronne est désagréable, parce qu'il y a une histoire avec la frangine. C'est des cons, vraiment, c'est juste ça. Oui, en plus, c'est expliqué. C'est justifié depuis le départ. Encore une fois, comme j'allais vous le dire, J.K. Rowling a expliqué que pas du tout, parce que de toute façon, Harry Potter n'était pas entièrement un Horcrux, car le héros en est devenu un par accident. Il n'est donc pas un objet maléfique. Voilà. Les points ont été mis sur les i. Je préfère vous le dire. On n'a pas trop parlé des maisons. Ça me donne envie de repartir sur cette scène, ce bout de vie dans le set, quand du coup ils ont le collier Horcrux à porter autour du cou les uns après les autres et qu'ils se rendent compte que ça les rend complètement fous et exécrables, et jusqu'à ce que Ron se tire. Moi je trouve que ça c'est fou. Ouais, voilà. Ça c'est carrément. C'est un peu bouleversant. Il y a un truc de waouh, tout le monde se maîtrise, tout le monde se calme et. C'est fou. Ouais, elle allait me lancer Vanessa Bria, mais c'était prévu dans mon petit conducteur. J'allais parler des différentes maisons. Ah, parce que vu que je vous ai invité tous les quatre et que vous êtes chacun d'une maison différente, évidemment, vous le savez, c'est le choix-peau qui décide. Dans ma bouche, ça sonne bizarre. Le choix-peau qui décide. Moi, je ne veux pas faire le relou, mais quand même, clairement, Harry fait Gryffondor. Non, mais attends, t'as le droit de le choix-peau décide, mais tu as le droit de donner au ton. C'est un conseiller d'orientation. On peut te demander directement. Voilà. Harry le dit à son fils Albus, Severus, à la toute fin, quand son fils lui dit « Et si jamais je suis Serpentard ?» Donc il lui explique que c'est pas grave d'être Serpentard. Et déjà. Il dit de toute façon, si c'est si important pour toi, le choix-peau en tiendra compte. Voilà, donc, comme pour lui. Exactement. Donc, on peut choisir, donc franchement, on s'en fout du choix. C'est un conseiller d'orientation. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'un conseiller d'orientation. Monsieur Robert. Qu'on salue encore. Qu'on salue d'Aurillac. Aurillac doit être ravi. Monsieur Robert. Web designer. Qui m'a clairement déconseillé. Plutôt community manager, ça marche très bien en ce moment. Le métier que j'exerce aujourd'hui, je le salue bien fort, monsieur Robert. Dans les bâtiments, peut-être. Tu es bon en EPS. Oh, je devrais aller en CAP vente. Oh là là. Merci, monsieur Robert. Virez tous les gens qui font le conseil d'orientation en province, s'il vous plaît. Je vous en supplie. N'écoutez quoi, Clara ? Jamais vos conseils d'orientation. Je fais la relou. J'enchaîne par rapport à ce que Mélo a dit. Toujours pareil, le huitième joue beaucoup avec du coup le fait que l'un des fils de Harry Potter va à Serpentard. Oui. Albus Severus, c'est très important dans le. Eh ben justement, genre, ça aurait été mieux que tu me le dises plus tôt, ça aurait fait ma transition, mais tant pis. Serpentard, alors j'ai quand même un peu l'impression que c'est un peu l'école des émos, Serpentard quand même. C'est un peu genre on est fier, on est un peu dark. Si t'écoutes du métal, t'es obligé de faire Serpentard. Ouais, de toute façon, voilà. Expelliarmus. Ouais, t'as la pop indé côté poussou. Mais oui, c'est toujours contre moi. Mais pas du tout. Mais c'est un l'électro. Truc de ouf. Gryffondor, c'est Daft Punk. Je pense que c'est l'écoute de l'électro. Donc, les on est plutôt métal. Émo. Okay. Plutôt ouais, métal. Je disais que Serpentard était un peu les émos d'art qu'on écoute du métal. Les Pouf Souffles, c'est vrai, c'est peut-être un peu plus Coldplay ou tout, je pense. Ouais. Des trucs Serdex, un petit c'est peu de chansons françaises. Ouais, Serdex, écoute Alain Souchon, je pense. Ouais, clairement. Pardon. Si, pardon, vas-y. Faut le sentimental. Tout est Michel Sardou. C'est Mylène Farmer, les Serdex. Et Gryffondor, je pense t'écoutes un peu Red tout. Hot. Non, t'écoutes un peu tout. Non, mais t'es ouf. T'es ouvert d'esprit. Va, c'est Johnny Cash. T'écoutes énergie et t'écoutes ce qui cartonne, je David pense. David Guetta. Et ouais. Mais vous êtes complètement. Mais je suis Gryffondor, je te le dis en toute sincérité. Non. Nous, on est David Bowie, les Serdex, pardon. Non, en fait, vous mettez vos chanteurs préférés dans l'école que vous avez, en fait. Moi, je crois qu'on est plus Steven Spielberg et Jésus-Christ. C'est vraiment les deux trucs. Donc oui, Julien, toi, le côté Serpentard, parce que toi en plus, donc tu n'as pas fait le test, mais tu te sens Serpentard. Oui, non, mais c'est vraiment juste. Oui. En fait, j'ai remarqué que quand tu disais que t'étais Serpentard, les gens te détestaient. J'adore ce que ça crée chez les gens. Et non, mais après, moi, c'est plus aussi en termes de mon âme, je pense, de scénariste, où les méchants, je les trouve toujours intéressants. Et du coup, il y a beaucoup de profondeur dans les personnages qui sont à Serpentard, notamment dans le sujet de Dragon. On l'a évoqué un petit peu, mais Dragon Malfoy, il est hyper intéressant. Le parcours qu'il a dans la saga est super chouette. Donc voilà. Donc, et puis, il y a toujours ce suspense de est-ce que Serpentard, c'est les méchants, et en fait, pas totalement. Et voilà. C'est juste des ambitieux. Voilà. Qu'on ait des gens qui ont une vision et qui la tiennent. Monsieur Jocelyn. Monsieur Jocelyn. Je crois pas une seule seconde que tu sois Serpentard, Julien. C'est mais vrai. Vraiment, c'est impossible. Je te jure. Vanessa Bria. Oui. Toi, du haut de ton école somptueuse, Gryffondor, tu te sens Gryffondor au fond de toi quand t'as fait le test, tu t'es dit un peu surprise quand même. Ah non, mais moi c'est comme Clara, c'est genre je l'ai toujours su. Et quand je dis ça, c'est pas genre je suis pas fait parfois c'est des Gryffondor qui vont dire genre. Parce que c'est le héros, genre. Ouais, voilà. Où il y a plein de gens qui disent genre ouais t'es Gryffondor, mais tout le monde veut être Gryffondor parce que c'est les gens en gros qui ont mené le film entre guillemets. En vrai, c'est un peu handicapant d'être Gryffondor dans la vie normale. T'as fait l'équivalent de c'est du racisme anti-blanc. Pardon. Non mais enfin tu vois il y a un truc de moi mes quêtes personnelles m'agacent profondément. Ouais. C'est-à-dire que c'est des quêtes de Gryffondor, mais de chevalier à la merde, tu vois. Enfin, moi, il y a un truc où je suis Gryffondor, mais je suis pas genre dans la revendication totale de genre c'est la meilleure école, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un truc où. Comment dire? Enfin, ça va avec le tatouage que j'ai fait à l'époque et tout. C'est ce truc de dompter une forme de mélancolie chevaleresque un peu pétée. Et de ça s'agir un peu, enfin, pour moi, ça a pu être un peu compliqué. Et du coup, c'est une école que je trouve très belle et je pense qu'il faut des gens un peu. Entre guillemets, pas révolutionnaire, ce mot il est un peu pété, mais des gens un peu genre drainants, on va dire, drivants peut-être, je sais pas. Non, mais si, ça marche. Mais en même temps, j'ai aucun ego et aucune. Comment dire? Je suis pas dans la fierté de genre je suis Gryffondor et je vais le crier sur tous les toits. Parce que c'est juste profondément comme ça. C'est juste pas que du tout de l'héroïsme. C'est un peu le hasard du fait que. C'est comme ça, c'est la quête personnelle. C'est-à-dire que pour moi, la quête collective est plus importante que ma quête individuelle. Mais je crois qu'en plus, en l'occurrence, J.K. Rowling, alors après, on en parlera peut-être un peu avec Clara. Mais non, tu l'as lu, toi, la pièce. Non, justement, moi, je veux pas. La pièce non plus, d'accord. Moi, je veux pas, ouais. Bon, on n'en parlera pas trop, mais en tout cas, je sais qu'elle a fait un peu en sorte de faire évoluer les écoles pour que ce soit plus juste. Alors, eux, c'est les gentils, eux, c'est les rigolos, eux, c'est les méchants. Tu vois, elle a essayé un peu de mélanger un peu le bordel. Moi, je veux juste parler d'un truc, c'est que Vanessa parle du coup du fait qu'elle est Gryffondor. Et ce que je trouve fou, et dont elle ne parle pas, c'est que sa famille entière est Gryffondor. Ouais. Ah, t'as fait faire le test à tout le monde ? Non, mais Lewis l'est. Hein. C'est le, voilà. Mais je crois que ça va avec un espèce d'énorme passif de. gaucho syndicaliste, j'en sais rien, mais ouais, ma mère est Gryffondor, ma sœur est Gryffondor, mon frère est Gryffondor, donc on est vraiment les Weasley. Mon père est Poufsouffle. Ah. Et il y a rien d'étonnant. Enfin, Mélo a fait un petit. Eh, allez. Non, non, mais c'est je n'ai bah, adore mon père. Rien en plus. Fait. Déjà, je n'ai rien fait. Et en plus, j'adore son père. Bah oui. Mais je n'ai rien. Son père est mon père. Bah oui. Je n'ai rien fait. Mais donc c'est logique. Je n'ai pas bougé un poil. Je ne critiquais pas Mélodie Collange. Mais en fait, chez les, notre famille, enfin, je trouve, en tout cas, enfin, on représente vraiment ce genre de personne qui brasse beaucoup, beaucoup d'air. Ouais. Parce qu'ils se sentent animés par une quête qui les dépasse. Ouais. Et mais sans égo, ouais. Sans l'égo des serpentards. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas pour nous, c'est que le monde est trop dur. Ouais, ouais. Moi, je vis l'injustice. Je pourrais pleurer maintenant. Non, non, mais en vrai, l'injustice est très violente. Ouais, tu la vis très mal. Très, très mal. Ouais. Et en fait, il y a ce truc de vouloir changer le monde, mais en même temps, en mettant trop de cœur et trop de romanesque ouais, là-dedans. Ouais. Et ce qui est complètement con. Enfin, je veux dire, c'est ouais. pas comme ça qu'on résout des conflits. Et c'est là où moi, je modère vachement ma maison Gryffondor. C'est qu'il y a un truc où c'est, on est too much. Ouais. On est à fond too much. Ouais. Voilà. Clara Le Sage, toi, tu es Serre d'Aigle. Il finit oui. par moi. Bah oui. Ouais, mais c'est très bien. Moi, je trouve ça génial parce qu'il y a plein de choses à dire. Ouais. Non, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai toujours su que j'étais un peu Serre d'Aigle. En fait, moi, je me suis jamais sentie Gryffondor parce que, en fait, la maison ne me touchait pas particulièrement. Et du coup, on rebondira aussi avec Vanessa sur le fait que, professionnellement parlant, vu qu'on travaille ensemble, on fait le test Pottermore à tous les gens qui travaillent avec nous. C'est très important. Donc, j'allais avoir un dose dans deux ans sur Twitter de discrimination à l'embauche. Il y a moyen. Mais en fait, c'est important pour nous parce que je trouve que c'est assez fou que J.K. Rowling a réussi à créer ça. C'est parce que ces quatre maisons arrivent à caractériser quatre caractères qui sont en fait tout ce qui peut englober un peu les caractères de chacun. Alors après je me lance un peu parce qu'effectivement je suis un peu passionnée là-dessus, mais je trouve ça assez intéressant. Et donc en fait moi Serre d'Aigle me plaît parce que il y a un côté très créatif, très ordonné qui me plaît. Et en fait c'est une pure intelligence. Ouais, c'est ça, mais sans être trop ordonné et travailleur. En fait, on est très dans nos pensées, on est très dans notre monde à nous. On est un peu à l'écart, c'est peut-être un peu notre c'est vrai qu'en fait ce qui n'est pas expliqué dans le livre, et c'est un peu le combat qu'on a un peu avec Mélo, on trouve que Poufsouffle et Serre d'Aigle est un peu effacé des films. Ouais. C'est un peu les maisons qui sont mises un peu à l'écart. Et en fait, quand on lit les livres pendant le combat final, il y a un peu les maisons qui se... Donc en fait, Serpentard se met complètement à l'écart de ce combat final, ouais. parce que forcément, beaucoup de Serpentards sont... des mange-morts, c'est ouais. un peu triste, mais pas tous. Hein. Hashtag Noto le Serpentard. Voilà, ouais. tous les Poufsouffles vont dans le combat, ouais. ce qui prouve que les Poufsouffles sont extrêmement fidèles et ouais. Extrêmement loyaux. Ouais. Et pas tous les Serre d'Aigle vont au combat, ouais. en vrai. Ouais. mais ça n'empêche que c'est ma maison quand même, oui. et que je comprends qu'il y a aussi un esprit de danger et qu'il y a aussi un esprit de bah on va crever. donc il y a aussi un truc un peu rationnel de genre qu'est-ce qu'on fait. Mais à part ça, c'est vrai que ça a toujours été un peu la maison. Ouais, j'ai toujours un peu aimé cet esprit. Et puis j'aime le symbole, j'aime l'aigle, j'aime un peu tout ça. Donc ouais. ça m'a toujours un peu touché. Voilà, j'ai pas plus. Non, mais c'est bien. Voilà. Mélodie, Poufsouffle. Je sais pas si on l'a mentionné depuis le début de ce podcast. Je suis pas certaine. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Non, mais comment tu te reconnais dans ton école? Qu'est-ce que tu. Alors, moi, déjà, il faut savoir que j'ai passé le test bien après les filles. C'est-à-dire, il y a pas si longtemps que ça, en fait. Ouais, l'an dernier, je crois. Oh, un peu plus. Mais ah ouais. il y a 2 ans à tout péter. Ouais, ouais. Grand max. Et je me suis souvent rapprochée de Gryffondor, en fait. Dans la quête dont Vanessa parlait. Et un jour, j'ai fait le test et le verdict était sans appel, je suis Poufsouffle. Waouh. Et donc là, j'en reviens à ce que dit Clara. En fait, le problème, c'est que les livres sont une fiction axée sur dans un monde qui existe, pardon, mais pour moi, ça existe, de 3 personnages qui sont Gryffondor. Donc forcément, ouais. on parle énormément des Gryffondor. Les méchants sont les Serpentards. Donc forcément, on va beaucoup parler des Serpentards. Serre d'Aigle, vous avez eu des personnages qui sont super forts, comme Luna qui apparaît au... Ah, et... Luna, t'en as pas parlé, Clara, je crois. En fait, Luna apparaît au... à l'épisode 5. À l'épisode 5. tome 5. Et en plus, Cho que Harry a gentiment doigté pendant quelques... J'allais dire dans les toilettes des filles, mais non, il y a la chambre des secrets. Enfin, c'est la bordel, leur truc. Et en fait, elle raconte rien sur les Poufsouffles. Et du coup, Cédric Diggory est Poufsouffle. Non, mais d'accord, oui, mais oui. Voilà, tout ce que tout le monde retient, c'est il est mort. Super, ça reste le champion du tournoi des trois sorciers quand même. Oui. C'est pour ça qu'il y a des animaux fantastiques. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il y a des animaux fantastiques. Mais Dieu merci. Newt et Poufsouffle. Et du coup, on a cette réputation de tocard qui est un peu dure à porter et qui est complètement fausse. De rêveur, si on veut dire. Qui est complètement fausse. Alors, moi, je me suis. Donc, au début, ça a été un petit peu dur d'encaisser ce truc-là parce que forcément, j'avais des idées un peu arrêtées de ah, bah, les Poufsouffles, on n'en parle pas et c'est sûrement pas pour rien. Et du coup, en me renseignant, je me suis rendu compte au combien. En fait, cette maison, elle me correspond totalement, dans les caractéristiques. Donc, alors, effectivement, on n'est pas aussi. Enfin, on n'est pas aussi intelligent que les Serres d'Aigle. N'empêche qu'on est, très volontaire, ouais, et qu'on est acharné du travail. Puis après, on est très. On est plein de loyauté, on est gentil, on est passionné de botanique, de la nature, etc. Et je pense qu'on est fun. On est un peu les cool kids, en fait, de Poudlard. Et ça, il faut le dire, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. J'ai appris récemment... Les premières ailes, un peu, j'ai l'impression. C'est un peu alors, artiste, non. Un peu... Ah non alors, les oui. Premières ailes, ce seraient lesquelles? Mais alors, oui, les premières ailes. Ou vois, alors, qui font du djembé, un peu. Putain, tu bah, mets... Non, mais bon Dieu. Crois, ouais. En fait, ça reflète totalement la réalité. C'est-à-dire qu'au lycée, de qui on se moque? On se moque des mecs qui sont en L ou en art plastique, ouais, qui font du djembé et qui portent des sarouels. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils sont créatifs et que ça nous déplaît parce qu'on ne sait pas faire ce qu'ils font. Ouais, donc ouais, on se moque. Non, le djembé, c'est chiant. Hein. Et ouais, en fait, non, mais toi, tu trouves ça chiant parce que c'est un truc que tu ne maîtrises pas, qui ne t'intéresse pas. N'empêche que... On est très écoutés chez les joueurs de djembé, donc attention avec vos propos. Je vous salue. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est les Poufsouffles, c'est exactement la même chose. On se moque de nous parce qu'on est des gens qui sont un peu lunaires, un peu créatifs, un peu zinzin dans la tête, mais en fait, on est cool. Et j'ai appris récemment, très très récemment, il y a 2 semaines, que pour accéder à la salle commune de Poufsouffles, contrairement à vous autres, donc pour accéder à Gryffondor, il faut donner un mot de passe. Pour accéder à Serres d'Aigle, il faut résoudre une énigme. Oui. Et pour accéder à Serpentard, c'est aussi un mot de passe. Pour accéder à la salle commune de Poufsouffles, il faut jongler. Il faut taper en rythme sur un tonneau. Je trouve ça génial. Ah, mais j'étais pas loin avec le djembé. C'est génial. Mais c'est génial. C'est génial parce que déjà, c'est créatif. Ça me représente tellement de taper sur un tonneau comme une tocarde pour ouvrir une porte. C'est tellement moi. C'est tellement moi. Et du coup, ça évite vraiment les intrus parce que tout le monde n'est pas capable de taper en rythme sur un tonneau. Oui, c'est vrai. Et oui, oui, oui. Je vais vous faire un petit... Alors attends, je peux faire une petite intervention? Vas-y. J'ai fait le test pendant qu'on discutait. Oui. Oh, t'es quoi? Alors, je ne suis pas Serpentard. Ah non. Je suis Gryffondor. Ah. Mais j'étais sûr, Julien. Bah, écoute, voilà. Il faudrait que je le refasse plusieurs fois, non, pour être sûr, c'est ça? Ah non, il faut le faire une fois. Non, c'est le une seule fois. C'est comme ça. Une seule fois. Je peux pas retester, c'est le mec. Ça aurait été un si attends, beau mais moment. T'as bien répondu et tout, parce que j'ai que t'aies été Poufsouffle, ça aurait été un très beau moment. Ça aurait été une superbe fin pour ce podcast. Moi, je pense que je suis du genre. Attends, c'est pas tout à fait fini, mais vas-y. Poufsouffle sur une seule chose. C'est que. Donc, on se moque des Poufsouffles. Et n'empêche que. Un peu arrangé ces dernières années, il faut non, le dire. Franchement, non, j'y suis beaucoup la preuve de quand tu réécouteras ce podcast. Tu écouteras. Un petit bilan. Quand on arrive en fin de lycée, avec qui on a envie de sortir? Sûrement pas avec le scientifique qui a du psoriasis dans la tête et qui passe son temps à bûcher ses maths. On a envie de sortir avec le mec qui est batteur dans un groupe de rock et avec qui on peut boire des pintes de bière le samedi soir, et c'est sûrement un Poufsouffle. C'est vrai. C'est j'en beau ce que tu dis. J'ai aucun doute. Mais j'ai répondu batterie à une des questions du test. Mais pardon, pourtant, je suis Gryffondor. T'as dit quoi? J'ai répondu batterie. Il y avait une question sur l'instrument. Mais tu sais, on n'est pas 100% quelque chose. Ah. Tu es peut-être. D'ailleurs, tu es peut-être 55% Gryffondor et. Et 0% Poufsouffle, je pense. Non, mais. Oh Julien, tu fais exprès. Mais parce que t'as vu comment elle était gentille avec moi, je voulais un peu casser tout ça. Non, mais on n'est jamais 100% de quelque chose, mais en oui, fait. Oui, parce qu'en plus, c'est. Tu peux être au-dessus de la moyenne Gryffondor, mais être très proche des Serpentards, ouais, en fait. Ouais. Écoute, on va faire un mini-jeu. Après, on parlera vite fait. J'ai plus que 2-3 trucs. Hein. On est bientôt fini. On parlera vite fait de la pièce de théâtre des animaux fantastiques, pardon, des attractions Harry Potter et des studios de Londres, mais ça va aller très vite parce que je sais que tout le monde les a pas fait, mais voilà, on va en parler un petit peu. Avant tout ça, je vous propose un tout petit jeu. Je vous dis des noms de célébrités et vous me dites à quelle école vous pensez qu'ils appartiennent. Oh non, je pensais qu'on allait jouer au jeu Jean-Marie Bigard, je suis dégoûtée. Ça se mélangeait moins bien avec Harry Potter. Je suis dégoûtée, Flo. Je suis désolé. Me dis pas ça, tu l'as pas fait. Bah non, bah avec Harry Potter, c'est dur quand même. Des blagues d'Harry. C'est compliqué. Bigard, il serait de quelle. Vas-y, ouais, pas mal. Jean-Marie Bigard, de quelle école il fait partie, vous pensez? quoi, il fait Jean-Marie Bigard sans pantin. Wow, c'est une super c'est un crack molle. Non mais il a la raison. C'est un crack molle. C'est un moldu en fait. Non, jouez le jeu. Imaginez que c'est des sorciers et tout. C'est dans quelle école on les met? Crack molle. Ils n'ont pas, d'école, les crack molles. Bravo. Alors, super. Pour savoir, les crack molles sont dépourvus de pouvoir magique. Exactement. Oui, mais ils sont forcément, ils ont le droit d'aller à l'école quand même, non? Non, ils, justement, ils sont pas convoqués. Ruzard et crack molle. On est d'accord? Comment? Oui, Ruzard et crack molle. Oui, mais du coup, il a bien. Il faut l'équivalent d'une formation. Il faut l'éduquer quand même, non? Ouais, il faut quand même lui apprendre des trucs, non? En même temps, dans Harry Potter, ils apprennent pas les maths, la grammaire. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir appris des maths et de la physique? Moi, franchement, j'aurais préféré qu'on m'apprenne la vie des astres et de la botanique, en fait. Oui, et déterrer les petits trucs qui gueulent. Donc, exactement. Donc, allez, moi, mon père est poufsouffle. Allez, c'est bon. Je me sens très proche des poufsouffles. Mais alors, attention, je vous dis d'autres noms. Serge Gainsbourg. Attends, j'ai pas compris. Ah, comment c'est un faut deviner de quelle école fait partie les artistes. J'ai pas la vraie réponse, mais selon vous. C'est un poufsouffle parce que c'est mon père. Serge Gainsbourg. Oui, je m'appelle Mélodie parce que c'est mon père. Ah, d'accord, bien joué. Non, mais en vrai, c'est un hommage ou pas? C'est mon père. Ok, bon, j'arrête. Il est pas assez structuré. Moi, je pense qu'il est un peu Serdaigle, non? Ou Gryffondor. Serdaigle, les gars, vous êtes Asperger, tous, là. Déjà, tu vois... Ah, pardon, pas Serdaigle, je voulais dire Serpentard, pardon. Je pense qu'il est soit Serpentard, soit Gryffondor, moi. Est-ce que Gainsbourg n'est pas Gryffondor et Gainsbar serait Serpentard? C'est un artiste. C'est un artiste. Alors... Non, mais il gerbe dessus. C'est pas... Oui, c'est un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste qui dit « vous êtes une pute » à une meuf qui se fout à poil. C'est désagréable. C'est un Serdaigle. Tout Serdaigle. Non, il n'est pas Serdaigle. C'est parce que tu kiffes Gainsbourg et que tu as envie qu'il soit dans ton école. Mais non, tu peux pas dire Gainsbourg, il est Serdaigle. Tu m'entends? J'aimerais bien que tu sois à Serdaigle. Je pense qu'il est Serpentard. Bonjour, c'est Gainsbourg. Bah, Gainsbourg, vous avez mis un... Alors, vous avez trop serré votre cravate. C'était la soirée Lycée Moon. J'ai oublié. Je me suis trompé. Non, il doit être Serpentard. Moi, je pense qu'il est Serpentard, Gainsbourg. Oui, oui, Gérard Depardieu. Ah, il a... plus il vieillit, plus il se serpentalise. Quand même. Putain, mais c'est dur, hein. Moi, je pense qu'il est Gryffondor. C'est une blague ou quoi? C'est qui les bons vivants? Les bons vivants, c'est les pauvres souffles. Moi, je trouve que c'est pote avec Kim Jong-un et compagnie. On est un court EPS, là. On a envie de les avoir dans nos équipes, en fait. Qui veut Depardieu? Ah, moi, j'en veux pas, moi. Mais moi, j'ai envie de dire que Depardieu, il vient chez nous, puisque vous en voulez pas. Moi, j'aurais des pauvres souffles, en vrai. On va l'accueillir. Ce côté un peu artiste. On tapera sur des tonneaux pour entrer sur la salle commune, j'aime autant vous dire que. Et vous serez tous autour. On tape sur des bambous et ça. Sur des tonneaux. Mais non, mais allez, le podcast, à quel moment on coupe? Ah non, t'inquiète, j'en ai encore plein. Emmanuel Macron? Pouf-souffle. Non, non. Serpentard. Ouais, peut-être un peu, hein. Peut-être, je sais pas. Il n'y a pas des matheux dans les écoles? C'est un moldu, hein. Oui, non, mais ça, on a compris. Les matheux, ils sont chez Serdaigle. Catherine Deneuve? Ouais, moi, j'allais dire plutôt Serdaigle. Ah, c'est une Gryffondor. Ouais, j'allais dire Gryffondor. Deneuve, Gryffondor, ouais, je pense aussi. Oui. L'abbé Pierre? Gryffondor. Ouais, je pense aussi, en vrai. Pour la quête? Ouais, ce côté-là. Michel Drucker. Alors là, je sais pas comment est cette personne dans la vie. Je en sais fait. Pas. En tout cas, il a la pierre philosophale. Ça, on est sûr. Ça, c'est certain. Oui. Attention. Moi, je pense que c'est un pouf souffle, Michel Drucker. Ah ouais? Non, mais de toute façon, dès que c'est des toquins, tu le chez Moi, j'adore Drucker et j'aimerais l'avoir chez Serdaigle. Ah bon, d'accord. Attends, mais il est hyper fédérateur, Drucker. Je pense qu'il est hyper loyal. Et que... Enfin, vous mettez quand même Depardieu et Drucker. Franchement, les gars, c'est pas où. Attention, je savais pas où le mettre. Britney Spears. Bah, j'ai envie de dire pouf souffle parce que c'est une artiste et que je l'avais avec moi. Moi, je pense qu'elle est pouf souffle. Non, mais en vrai, je pense qu'elle est pouf souffle. En vrai, ouais. Ah ouais? Elle était un peu Serpentard à une époque. Mais non, mais attendez, on va remettre les choses correctement. Donc, moi, j'ai moi déjà, j'ai Britney, j'ai Natou, j'ai Monsieur Poulpe, mais vous vous rendez pas compte en fait. Ça fait beaucoup de gens chez les poufs souffles. Mais c'est un truc de ouf. Et moi, tous mes amis sont poufs souffles. Mais. Presque. Imagine. Ah, merci. Non, mais déjà, t'es plus Serpentard. Oui, ben. Imagine les mi-temps Quidditch. Ah, imagine, ça te met une tête comme ça. Ah, mais... ah oui. voilà, et sinon... J'espère. T'as pas Hitler? Non, bah, on se devine un peu, hein. Je crois qu'on va pas se le donner bon, dans... C'est un moldu, lui, non? Ouais. C'est un moldu. Ah bah, oh putain, j'ai failli dire de la merde. Enfin, on va avancer. Le site Pottermore, bon, on en a un peu parlé. Les contes de Biddle le Bard, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est en tout cas, on a encore... Juste vite fait sur Pottermore.com. C'est, ce qu'il faut dire déjà, c'est que J.K. Rowling approuve Pottermore. Bah, celle qui... C'est elle qui a bossé le truc. Ouais, voilà. C'est pas juste des fans, moi je croyais que c'était ça. Quand on parle du test, on parle du test Pottermore écrit par J.K. Rowling. Qui est le test officiel. Et bon, pas les trucs à la con sur Topito, par exemple. Exactement, ne le faites pas, c'est celui-là. Après, si vous êtes encore en train d'écouter ce podcast, on va pas vous convaincre d'aller faire ce test, c'est que vous l'avez potentiellement déjà fait. Mais faites celui-là et dites-vous vous que même si vous n'avez pas lu tous les livres, vous n'êtes pas surtaqué sur geek du truc, c'est pas des questions qui ont attrait particulièrement au bouquin. Moi, je l'ai fait et franchement, c'est des questions de personnalité. Un peu de la... oui, voilà, c'est très intéressant. Et surtout, répondez pas en vous disant, genre, qu'est-ce que justement, souvent, comme les gens se disent, qu'est-ce qu'un Gryffondor répondrait pour être dans les héros ? Non, faut pas ça le faire. Ça marche pas en plus. Ça marche pas en fait du tout à chaque fois. Et on peut faire aussi le test pour savoir quel est son patronus. Tu l'as fait, Julien ? Non, j'ai pas eu le temps. Ah, on le fera après. Mais t'as pas fait ta baguette non plus, du coup. Ah, ouais, génial. Un petit lapin. Bon, bah, la soirée n'est pas finie. Un petit lapin. Vous avez vos patronus, c'est quoi, vite fait, autour de la table sans... Alors, moi, j'étais dégoûtée au départ. C'est une jument blanche, alors que j'aime pas les chevaux. Mais en fait, après réflexion, ça me va. Ouais, on va pas. De toute façon, on va pas. Mélo, toi ? Moi, c'est un mini hibou. C'est comme, donc, on en parlait avec Clara. C'est le petit hibou que Ron a après Croutard. D'accord. Moi, je suis une chouette blanche. D'accord. Et moi, je l'avais fait, je sais plus, je crois que je suis un chevreuil, je crois, un truc comme ça. Oh, c'est chou. C'est ça, hein, c'est ça. Mon ça frère est le chien de Télépoche. C'est avec les Z. Le Télé-Z. Un basset. Un basset. Ouais. C'est l'enfer. Ouais, c'est un peu, il est un peu dégoûté. Bah, c'est très ramolo comme animal. Enfin, c'est pour ça qu'il est très dégoûté. Surtout, je vois mal, du coup, Harry dans la scène où il fait son expert. C'est un vieux yinche. Bah, ça devient nul à chier. Ça devient nul à chier, ouais. C'est juste pour tuer Voldemort. J'ai un chien. J'ai pas mieux. J'ai le vieux chien de Télé-Z. Les contes de Beedle le Bard. Je sais pas. Je sais pas qui les a lus. C'est cool. C'est sympa pour les enfants. Non, c'est... Oui. Pardon. Oui. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, non, bah c'est cool. C'est sympa. Vrai, c'est cool, mais c'est... Fin... C'est un petit bonus. Mais après, pour moi, Harry Potter s'est arrêté à la fin du 7. Oui, d'accord. C'est pour ça que je fais pas oui, les mais genre, trucs. Les contes, c'est dans le film. Oui, oui, c'est dans le dans film. Les bouquins, pardon. Non, mais c'est pour ça, c'est cool. Mais voilà, enfin, c'est cool. En fait, j'ai aimé l'introduction de... En fait, à la base, ces contes-là ont été introduits dans le début de la... du tome 7, quand Dumbledore donne son héritage. Et en fait, Hermione, qui est d'une famille de moldus et a été bercée comme nous par le Chaperon Rouge, Blanche-Neige et tout, et Ron, qui a été bercé par ces contes-là, du coup, la regarde un peu en mode « tu connais pas ces contes ?» Donc en fait, c'est les contes de l'enfance. En fait, c'est une Blanche-Neige Cendrillon de nous pour le monde des sorciers. Oui, bien sûr. Voilà. Mais du coup, j'ai trouvé ça cool que... Mais genre, il y a des comment dire, une morale à la fin de chacun et tout. Toujours. Ou... Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment des contes, quoi. Ouais, toujours. Mais le plus important, c'est les reliques de la mort. Oui, c'est dans celui-là où il raconte les reliques de la mort, les trois frères et compagnie. Exactement. Vite fait pour parler aussi, parce que bon, alors, on va pas parler de la machine commerciale que c'est devenu, mais c'est quand même un peu fou. Du Wizarding World. Le Wizarding World. On va juste parler des studios de Londres. J'imagine que tout le monde les a un peu fait. Non, moi je les ai pas fait. Figure-toi que non, moi j'ai fait Universal Los Angeles. Pareil. Ouais. Ah, c'est fou. Ah, donc toi, Clara, t'as fait le studio de Londres. Oui, je les ai fait deux fois. C'est très sympa. C'est les décors, en fait. C'est les décors, les vrais décors de cinéma de Harry Potter. Ils les ont pas recréés. C'est les vrais de. Non, non, le c'est tournage. Les vrais décors. Alors après, il y a toujours eu des scènes qui ont été tournées en Écosse, par exemple, ou des décors un peu naturels, mais en fait, tout a été tourné sur quand Marne. Même. Et, oui, oui, exactement. chez Kien, private joke. Ah, ouais, bon, je l'apprends, j'aime bien. Je l'apprécie. Ceux de Bagel se reconnaîtront. Et après, il est 19h, je coupe, il est 19h. Lundi, je suis à Kien, voilà, c'est cadeau. voilà. Ça ne s'arrêtera jamais. Skippel, en tout cas, je conseille aux gens qui vont à Londres et qui ont financièrement l'argent. Qui ont de la thune, ouais. En vrai, c'est un peu un pass Disneyland Paris pour aller à Londres, d'y aller. Et en fait, c'est incroyable. Vraiment, c'est bien. Moi, ayant un peu fait un peu tout, un peu les trucs un peu commerciaux de Harry Potter, je pense que c'est la plus belle expérience que j'ai fait d'Harry Potter, c'est les studios à Londres. Ah oui, c'est... d'accord. Ouais, genre mieux que Orlando, tout ça, là. Ouais, vraiment. C'est fou. En fait, tu vois... Tout. En fait, tu es complètement immergé et t'as tous les objets, t'as tous les costumes, t'as tous les décors, t'as toutes les situations. Ouais, c'est un gigantesque musée, en fait. Ouais, et en fait, t'as beaucoup d'écrans qui t'expliquent, en fait, comment ils ont introduit en fond vert, comment ça a été, du coup... en fait, faut savoir que Poudlard n'existe pas, on le sait tous, c'est bien malheureux. Doucement. Horrible. Hein. Et en fait, Poudlard est une maquette qui a été du coup construite et qui est du coup en ce moment donc dans les studios de Warner Bros à Londres. Donc on voit la vraie maquette et en fait tous les cadrages de l'extérieur de Poudlard a été tourné via cette maquette. D'accord. Voilà, donc c'est un peu tous ces petits détails. Quand on est passionné de cinéma, en plus, c'est assez intéressant. Oui, mais t'y passes la journée, en fait. C'est la journée. Ouais, ça prend la journée. Ouais, la journée. Il faut prévoir la journée. Il y a les restos, il y a les boutiques, il y a les pipi rooms, il y a tout ce qu'il faut pour y rester. Généralement, sur le site, ils prévoient entre 6 et 7 heures de visite. Pour faire le truc bien, quoi. Ouais. Ok, et donc oui, les attractions, alors il y en a deux. Il y a Orlando et Los Angeles, je crois. Oui. Ouais. Mais après, le vrai qui est cool, c'est Orlando, je crois. Qui est vraiment, nous, on a le vrai, c'est Orlando, ouais. Et c'est vrai que moi, j'étais très, très impressionné de... Enfin, en plus, ils ont fait ça très vite, j'ai l'impression. et ça a vraiment de la gueule de ouf. Ouais, quoi. Moi, j'y suis allé aussi, c'est incroyable. Ouais. En fait, on peut raconter vite fait. T'as vu les deux parcs ? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. En fait, tu prends le, c'est ça. Tu prends le train déjà, donc le Hogwarts Express, pour aller sur les deux parcs. Et tu te balades et le et train t'as une espèce de spectacle dans le train dans ça, le train c'est incroyable, c'est-à-dire que bon on va pas tout spoiler, si vous voulez y aller il y a des chouettes surprises, mais il y a un système d'écran qui fait que t'es vraiment dans Harry Potter comme si tu prenais le train quoi, et c'est vraiment fou parce que vraiment il y a les acteurs qui sont dedans, ouais, enfin il y a tout le monde de l'univers quoi qui sont dans les attractions, donc tu prends le train. Il y a un truc, il y a une espèce de grand 8, mais qui n'est pas si fou, je crois. L'espèce de grand 8. À Gringotts, là ? Ouais, les deux dragons. À la base, c'était deux trucs qui n'avaient rien à voir avec Harry Potter, c'est ça ? En fait, déjà, de base, il faut savoir que J.K. check tout. C'est fou. Elle a complètement checké Universal Studios, parce que du coup, c'est Warner. Donc, quand même, J.K. a checké Universal. Et il faut savoir que du coup, il y a deux parcs. Et le premier parc représente Pré-Aulard, donc Poudlard. Oh là là. Et le deuxième parc représente le chemin de traverse. Donc, oui, c'est vrai qu'ils ont recréé tout le chemin de traverse. Et en fait, tu passes d'un Gringotts pour aller à Poudlard. Et en fait, du coup, t'as tout le. Et en fait, en vrai, donc nous, on l'a pas fait sur place parce que ça prend beaucoup de temps et qu'on avait envie de faire tout le parc. Mais en fait, parce qu'il y a une attraction Fast and Furious aussi à Orlando. Et moi, voilà, je vais la faire, l'attraction Fast and Furious, doucement. Y a King Kong, faut pas déconner. En fait, les vrais fans vont à Pré-Aulard. Tu as une vraie boutique Ollivander. Tu as un vrai mec qui est à Ollivander qui te fait tester des baguettes. Ah là là. Et qui te dit c'est ta baguette, donc tu fais des vrais tours de magie. Et oui, la baguette marche dans tout l'univers. Exactement. Où tu marches en fait par un système de, de wifi. Enfin, je ne cache pas que tu achètes une baguette qui coûte 120 euros. Ouais, bon, ouais. Bah, voilà, c'est un prix, mais c'est ta baguette. Hein. Elle est la baguette choisit son sorcier, pardon. Et en compte 120 balles quand même, mais toujours, oui. Et en fait, cette baguette là, dans tout le parc, il y a des systèmes de connexion Bluetooth ou je ne sais quoi, qui fait qu'en fait n'importe où, tu peux faire les sort de Harry Potter et en fait la magie se fait dans tout le parc. Alors ça j'avais pas fait, mais ça genre c'est très cheap parce qu'à Los Angeles il y a la boutique Ollivander, il y a une vieille activité de merde du Club Med. Ouais. Ça fait genre il y a des boîtes qui s'ouvrent mais c'est une mascarade gênante. Tu vois, c'est jamais fou. C'est ça, ça reste petit, mais c'est sympa. C'est sympa à la queue pour les enfants, c'est chambé, tu vois. C'est cool. On peut parler de la déception de la bière au beurre quand même. Qui ne contient pas de bière. Et puis c'est hyper écœurant. C'est juste une glace fondue. C'est glace fondue, c'est ignoble. Ouais, c'est ignoble. Il y a quand même un dragon qui crache du feu toutes les demi-heures. Ça, c'est quand même très stylé. Ça, c'est cool. Ça, c'est stylé. À Orlando, vous avez le truc où vous êtes à 4 et vous faites. Vous avez les lunettes 3D, enfin, mais genre 3D, pas Futuroscope de Poitiers à la con, mais vraiment vénère. Le grand 8, là. Et tu passes sur un stade de Quidditch et que t'as l'impression d'être sur un ballet. Oui, c'est ça. Ça, c'est très cool. Ça, c'était génial. J'ai fait 3 fois de suite. Ouais, il y en a deux. Il y a le truc où t'es sur les ballets Quidditch et t'en as un autre qui est aussi un truc 3D. À Orlando, où t'es dans la banque. Il n'y a pas à LA. Celui-là n'y est pas à LA, il est que à Orlando. Et celui-là, il est super. Enfin, vraiment, l'ambiance. Tu as un coffre-fort à Gringotts. Et t'es poursuivi par les dragons. C'est la scène du début des reliques de la mort. Et non, c'est vachement bien. Et surtout, moi, ce que j'ai apprécié, et du coup, ça a fait vieillir très vite Star Tour pour le fan de Star Wars que je suis. C'est-à-dire quoi, il n'avait pas vieilli, tu trouves ? Non, mais c'est que t'es vraiment dans l'ambiance jusqu'au. Il n'y a pas un truc qui fait attraction de Disneyland. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, les gens sont à fond, les animatroniques sont extrêmement bien faits, le mélange d'effets d'écran 3D et de Harry qui fait allez-y, c'est par là pendant la file d'attente. C'est d'une beauté, c'est incroyable. En fait, t'es content de faire la queue, c'est vraiment magnifique. Ouais, ça, c'est pas mal. Et en plus, à un moment, je sais que le truc dans la banque, là, tu prends un ascenseur et vraiment, t'as l'impression que tu vas dans une banque. Ça fait plus du tout attraction. Tu ranges par rangée de 10. Je comprends même pas comment ça marche parce qu'il y a quand même énormément de gens. Ouais, t'as les animatroniques avec les gobelins et c'est tout. Fou, c'est d'une beauté. Et pareil, en fait, comme à Disney, en fait, tu as des mondes dans le parc, ce qui est normal par rapport à des thématiques spécifiques. Et en fait, tu sais que t'as un monde Harry Potter. Donc, moi, j'étais un peu en train de chercher Pré-Aulard. Et en fait, tu arrives vers le monde de Harry Potter sans le trouver. Et en fait, tu te retrouves face à la garde King Cross reproduite à Orlando en te disant, bon, bah, King Cross, c'est Harry Potter. Et en fait, tu passes un espèce de chemin hyper étroit. Et en fait, en passant ce chemin, ça devient un peu le chemin que Hagrid tapote avec son parapluie dans le premier pour que les briques s'enclenchent, pour que le chemin de traverse s'ouvre. Et tu te retrouves sur le vrai chemin de traverse. Et je trouve que c'est fou dans un parc d'attraction qu'en fait, ils ont réussi à reproduire un espèce de nouveau... D'effet, ouais. Ouais, d'effet, alors qu'on est quand même à Orlando. D'espèce de tout petit monde avec un effet visuel et sonore où d'un coup, t'es plus à Universal en fait, ouais. T'es sur les chemins. C'est ça qui est très bien bossé, c'est qu'en fait d'un coup t'es dans un vrai parc d'attractions, ouais. Harry Potter dans un parc, ouais. Universal. Et toutes les boutiques du chemin de traverse correspondent au monde d'Harry Potter. D'autant qu'en plus à Universal, vu que c'est très américain, c'est vraiment, toutes les boutiques c'est des écrans géants, des trucs, t'as les prix, alors que là d'un coup les prix ils sont écrits en petit, c'est très très Harry on Potter quoi, prix. Joli, somptueux, c'est presque, si les prix sont pas écrits à la main quoi, derrière les objets, enfin ouais là, je sais pas si c'est parce que elle est derrière ça, mais c'est vrai que c'est vraiment, moi j'étais, alors que je suis pas fan d'Harry Potter, j'étais impressionné à quel point ils ont bossé, qu'ils ont bossé le truc de ouf, tous les vendeurs ils peuvent te répondre à n'importe quelle question du monde d'Harry Potter, les mecs sont des génies, ils te vendent tous les trucs, les goodies sont des fois du coup très moches parce que c'est vraiment des goodies comme si tu pouvais les acheter dans le monde d'Harry Potter, genre t'as le pull de Ron tricoté, de Noël, ouais, tricoté, ouais. Dégueulasse qui pique vraiment, ouais. Je voulais l'acheter ça m'a vraiment gratté la gorge, j'ai fait je vais jamais le mettre, mais parce que c'est le vrai, tu vois, enfin, ouais, c'est très bien bossé, donc moi j'étais très impressionné par ça. Et enfin pour terminer, ça fait 3 heures de podcast, je suis désolé, tous morts de fatigue, on va aller très vite parce qu'en plus tout le monde l'a pas vu autour de la table, donc on va pas spoiler. Je vais commencer avec la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Je sais que Vanessa, tu ne l'as pas lu, même pas. Est-ce que tu ne l'as pas lu? Est-ce que tu préfères le découvrir sur scène? Ou est-ce que tu t'en fous un peu? Pour toi, Harry Potter, ça s'arrête à 7 bouquins. Alors pour moi, j'ai tellement souffert à la fin du 7e bouquin. Ouais. J'ai tellement pleuré longtemps que en fait, ça a été un vrai deuil perso, tu vois. Et en fait, quand ils ont sorti ce 8e, j'étais là, genre putain, non, me refoutez pas dans ce. Ouais. Pour moi, c'était fini, c'était une phase de ma vie. Et en fait, me relancer dans un truc comme ça, j'avais pas envie. Ouais. Quand même, on m'a quand même offert la pièce. Ouais. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à voir Hermione, Harry dans leur vie de Quadra. Ça t'a un peu mis en dep. Ça m'a foutu en dep de ouf, en fait, parce que j'ai pas envie de savoir ce qu'ils sont devenus, j'ai pas envie d'avoir leurs problèmes de quotidien, de gens yeuvent, en fait. Surtout, tout ce chapitre où ils doivent payer la taxe d'habitation. Non, mais ça me fait flipper. Parce que moi, le problème, c'est que maintenant. C'est sur 40 pages. Non, mais c'est ça. Et moi, j'ai 34 piges. Et en fait, ça m'a foutu mal. Il y avait un truc de genre. Non, ça va. Enfin, c'était cool de grandir avec eux. Par contre, maintenant, j'ai plus du tout envie de grandir avec eux. C'est bon, stop. Tu vois, enfin, ça va. Et du coup, je me dis, si je le vois, c'est comme ça a été conçu par J.K. Rowling. Donc, dans l'essence même du truc, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Et donc, j'attendrai le temps pour voir la pièce, mais je ne veux pas lire. Les Animaux Fantastiques, j'y suis allée, mais ça me coûte, ça me casse les couilles. En vrai, ça me saoule de revoir cet univers rebooté, prequelé. Enfin, j'ai pas envie. Moi, c'était fini comme ça, et ça allait très bien avec une phase de ma vie, quoi. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que souvent, les gens qui ont lu n'ont pas aimé, les gens qui ont vu ont adoré la pièce. Toi, Clara, tu l'as vue sur scène. Oui. Je sais que t'as des petites réticences sur 2-3 trucs qu'on dira pas parce que ça spoilerait, mais t'as vraiment kiffé. Ouais, moi j'ai adoré. En fait, moi j'étais à ce moment-là à Londres et en fait j'étais complètement dispo pour pouvoir être toute seule et pouvoir trouver une place un peu au dernier moment. Et en fait, j'en avais parlé avec Raph Descrac, qui était allé avec sa copine et qui m'avait conseillé de y aller et de prendre une place très centrale. Parce qu'en fait, du coup, c'était fait pour qu'il y ait de la magie pendant le spectacle. Et que, en fait, si on n'était pas central, on pouvait un petit peu voir les fils de toute la magie. Donc, j'ai réussi à trouver une place un peu centrale pour pouvoir voir un peu le show. Tu sais que déjà, trouver une place, c'est un peu fou hein, pour les fans d'Harry Potter, parce qu'ils galèrent tous hein, quand mais même. Mais si je me souviens bien, c'était un mercredi, enfin vraiment un plein jour de semaine. J'étais un peu toute seule entre plein de couples et plein de groupes. Donc, c'était un peu en mode la place un peu bâtard de quelqu'un d'être tout seul. C'est un peu, un peu facile quand t'es un peu tout seul et que tu peux un peu te remplir les trous. J'ai adoré parce qu'en fait moi j'avais lu le bouquin quand il est sorti, j'étais un peu déçue et effectivement je m'étais rendu compte que il fallait le voir jouer parce que c'était vraiment fait pour ça. Et en fait la pièce de théâtre, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. J'ai trouvé ça vraiment, en plus en étant une très grande fan des comédies musicales et de tout ce qui peut un peu se faire sur scène, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très bien joué. J'ai trouvé des comédiens super. Et il faut savoir que j'ai payé ma place cher, mais que c'est cher hein, c'est cher mais il faut savoir que c'est deux actes et que en fait tu rentres à 14h et que tu ressors à 22h30 avec une pause au milieu quand même. Avec ça, c'est une fou. Pause mais en fait la place est chère mais ça te prend quand même la journée. Pour quelqu'un qui part genre en Guadeloupe ou au Baléares et tout, ça va c'est pas ça. En fait, 200 balles, c'est une place que tu peux payer pour une place de concert pour U2. Ouais. Ouais. Mais le show, il est de 2 heures. Ouais. Alors que là, c'est la journée entière. Donc en fait, ça les vaut, en vrai, parce que du coup, tu te... Pour quelqu'un qui est fan, quand même. Pour quelqu'un qui est fan, et pour quelqu'un qui aime le théâtre et la magie, et tout ça, ça marche. Et en fait, en fait, j'ai vraiment adoré. Et si c'était à refaire, je le referais. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. C'est... Je conseille en tout cas aux gens qui vont à Londres et qui ont l'occasion ou de à New York maintenant, c'est aussi à New York. Et en Australie. Sydney. Si les gens ont l'occasion de pouvoir le faire, je vous en supplie, prenez une place centrale, vraiment, vraiment, parce que je me suis rendu compte que, en fait, sur le côté, c'était l'enfer. Et les comédiens sont super et ça marche bien. Et en fait, on a beaucoup de flashbacks des anciens tomes qui sont cool parce qu'en fait, on retrouve un peu le monde de la magie. Et elle fait pas trop de fanservice parce que c'est un truc qu'on peut reprocher parfois aux Animaux Fantastiques. Non, je rejoins Vanessa sur le côté de genre, est-ce qu'on a vraiment envie de voir la vie de fonctionnaire de Ron, Hermione et Harry Potter parce qu'elle est présente. Mais sans trop en dire, c'est pas trop le centre de l'histoire. Et c'est ça ne l'est pas du tout. Oui, voilà. Ça ne l'est pas du tout. On parle des enfants. Voilà, c'est de ça. Harry, Ron et Hermione. Voilà. Mais on n'en dit pas plus. C'est très cool. Voilà. En tout cas, je vous le conseille. Ça coûte un peu cher, mais je vous le conseille. T'avais lu la pièce avant d'aller la voir ? Oui, j'avais lu la pièce. Et t'avais aimé la pièce là, en la lisant ? J'avais adoré le premier acte. Et après, ça t'avait saoulé. Le deuxième acte m'avait déçu, mais follement. Ouais. Et effectivement, J.K. l'a écrit pour que ce soit joué. Et Je crois qu'elle ne l'a pas écrit toute seule. Je le dis quand même au cas où. Je sais qu'il y a d'autres auteurs. Et les Animaux Fantastiques. Alors, Julien Josselin, toi, tu les as vus ? Oui, moi, j'adore les Animaux Fantastiques. Ouais. Non, vraiment, j'ai le premier. Ouais. Parce qu'on vient de voir le deuxième et j'étais vraiment déçu. Oui, on va pas en parler parce que même là, les gens qui vont écouter, le film n'est pas sorti. Hein. Ouais, voilà, le film sort mercredi. Que moi, je suis déçu. Je préfère le sous-vendre en vrai aux gens parce que comme ça, dans le pire des cas, ils seront contents. Parce que moi, par exemple, qui n'aime pas du tout Harry Potter, j'ai beaucoup aimé le Animaux Fantastiques 2. Moi, franchement, je trouve que les Animaux Fantastiques 1, c'est le meilleur spin-off que j'ai jamais vu. Et j'ai trouvé ça fascinant de la part de J.K., comme on dit, J.K. Rowling. Parce que je trouve que ça ressemblait en fait à un spin-off fait par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se réappropriait l'œuvre de quelqu'un d'autre alors que c'était son propre univers par le même réal que les derniers, par le même réal. Enfin, ça m'a fasciné parce que c'est ce que j'ai trouvé génial dans le premier et qui justement m'a déçu dans le deux, c'était que ça remet pas sans spoiler hein, c'est juste que ça récupérait l'essentiel de l'univers, à savoir les codes, le fonctionnement, les ministères de la magie, etc., les sorts, toute la structure, en gros, de comment marche ce monde-là, mais sans reprendre aucun personnage, sans reprendre la même époque, ni même la même ville. Tout se passe à New York il y a longtemps. Et du coup, c'est une toute nouvelle histoire qui répond au même code. Et du coup, moi, en tout cas, j'avais tout ce qui m'avait plu dans l'univers, plus plein de nouveautés avec un nouvel axe qui se concentre sur les monstres, qu'on a assez peu vu, en plus, du coup, dans la saga principale. Il y en a quelques-uns emblématiques, mais il n'y en a pas tant que ça. Là, elle s'est fait kiffer que les trucs technologiques ont avancé pour mettre de la bestiole animatronique. Voilà, là, c'est que les créatures fantastiques. Et en plus, elle est très très forte, je trouve, pour ça. J'ai juste envie qu'elle écrive le film Pokémon parce que, non, mais pour moi, c'est le film Pokémon quasiment, quoi. Animaux Fantastiques, c'est super. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je trouve que les personnages sont super. Tout est hyper moderne. Toutes les personnages qui sont dans le film sont hyper modernes. Tout est très bien écrit, assez peu attendu. Et pas du tout dans ce qui se fait beaucoup à Hollywood. Enfin, je trouve ça vraiment un très très bon film. Du coup, le 2 m'a déçu, mais je m'y attendais avant même qu'il sorte parce que j'avais tellement aimé le 1 que j'étais forcément déçu par le 2. Enfin, quand t'as beaucoup aimé un film, c'est compliqué de voir une belle suite. Et voilà. Et malheureusement, pour moi, le 2 a les défauts que n'ont pas le 1, à savoir d'aller raccrocher beaucoup trop les wagons avec la saga d'origine, du coup, tomber un peu dans du fanservice qui est assez peu utile et du coup, faire une œuvre molle qui est entre les deux, là où les Animaux Fantastiques, c'est hyper singulier et hyper autonome. Peut-être qu'il souffre un peu d'être le deuxième aussi. Enfin, je dois amener l'histoire. Mais ça t'a pas sursoulé le cosplay raté de Johnny Depp en chanteur de Tokyo Hotel? Ouais, ça c'est le raté de l'enfer. Ouais, surtout, non, mais je suis d'accord. Avec Lara, on a pris un fou rire. On avait vu le premier ensemble. Ce qui est dommage, c'est que c'est à la fin. On a pris un fou rire de. Ouais. Qui sortait nulle part. Oui, c'est surtout qu'en plus personne n'avait annoncé que c'était Johnny Depp. Donc d'un coup, en fait, ça devient un gars super connu. Et puis Johnny Depp avec des lentilles, on l'a déjà vu quoi. Ah là là, c'était vraiment. Non, je suis d'accord. Gênant, mais c'est gênant. C'est 5 minutes à la fin du film, quoi. Donc, ça peut pas gâcher tout le film, tu vois. Mais oui, c'est ce qui déjà teasait un peu. Ça a bien gâché. Moi, ça m'a bien gâché. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, j'ai vu, c'est terrible, hein, mais j'ai vu le 2 sans avoir vu le 1 de Fantastic Beasts. Et j'ai beaucoup aimé Johnny Depp, pas par son jeu ou quoi que ce soit. Enfin, il fait du Johnny Depp, voilà. Mais j'ai trouvé le méchant très bien écrit. Et j'ai et trouvé. Toi, Julien, t'as aimé Johnny. Enfin, genre, tu l'as trouvé. Donc, on appelle tout le monde par ses prénoms, Clara. C'est Jojo. Jojo, on est du métier. Je parle de Jojo, ouais, Jojo Dédé. Non, mais j'ai trouvé un... Je trouve ça intéressant que tu dises que du coup, t'as bien aimé. Dans le deuxième, tu parles. Parce que dans le premier, on le voit très peu. Oui, mais même que tu. Colin Farrell, en gros. T'as bien aimé Colin Farrell. Colin Farrell, ouais. Colin Farrell. La transformation. Ouais, ouais. Non, mais le reveal, moi, m'a pas plu du tout. Parce que, en plus, j'en ai juste marre de le voir avec des lentilles. Ouais. Genre, c'est pas possible. Des lentilles, des cheveux, des trucs. Créer un personnage aussi fou. Tim Burton a usé ce truc-là avec lui, et donc j'ai... c'était assez décevant. De... Ça pouvait être n'importe qui d'autre avec une lentille, ça m'allait presque. En fait, c'était pas tant le look, c'était plus que ça soit Johnny Depp. C'est genre, oh non, quoi, en même temps, Johnny Depp, il est devenu tellement dégueulasse qu'il ressemble à un personnage de Tim Burton vraiment maintenant. Bah, maintenant, il y a presque plus besoin de lentilles, ouais, c'est clair. Le mec, il a le bon passif aussi, j'ai l'impression qu'il se brosse les dents avec du gravier. C'est très bizarre. Il a la pire dentition, Johnny Depp, il est dégueulasse. Puis il a des casseroles au cul aussi. Oui, voilà. Oui, oui. Pas des morts. Ouais, non, mais ça, c'est décevant. D'ailleurs, J.K. Rowling s'est expliqué là-dessus, c'est assez intéressant. Ouais, elle galère à s'expliquer d'ailleurs. Hein. Elle galère un peu à t'expliquer, genre oui, elle galère un peu. Ouais, il a quand même des bonnes grosses accusations au cul, Johnny Depp. Bah oui, oui, mais je savais pas qu'elle même. Tu sais, en fait, vu qu'elle ouvre beaucoup sa gueule sur, bah vous savez, moi Harry Potter, c'est une saga qui est pro tel truc. Je fais très attention à montrer toutes les ethnies, toutes les. C'est le problème des gens qui crient sur tous les toits. Je suis féministe, je suis pas raciste, je suis pas au moindre. Mais, non, mais en même temps, tout son travail va vraiment. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est le fait qu'elle le dise elle-même beaucoup. Du coup, forcément, elle est très attaquée. Et elle galère un petit peu à se défendre, mais bon. Bah, voilà. Elle s'est accrochée principalement à c'était avant et avant que tout ça sorte. Enfin, voilà, c'est aussi ça, hein, c'est qu'ils étaient coincés. Je pense, il me semble que le tournage. Ouais, mais coincé après, tu peux dire. Dans le 2, tu peux changer de comédien, c'est sûr. Oui, ouais, et puis tu changes de gueule. Enfin, vraiment, la fin du 1, c'est qu'il change de gueule. Donc, tu peux potentiellement le refaire changer de gueule. Ouais, enfin, bon, clair, bref, c'est clair. Ouais. Mais bon, bref, après, on n'a pas tous les trucs, donc on sait jamais, quoi. C'est ça qui est compliqué. Il est mieux virer James Gunn. On lance notre podcast sur les gardiens de la galaxie. Clara, tu as kiffé, toi? Le 1 surtout, on va arrêter de parler du 2. Et ben effectivement, moi le 1, j'y étais allée avec Vanessa et Mélo, ici présente, et Léa Barrache. Alors je vais dire que ce que tout le monde a déjà dit, c'est que ça fait du bien de retomber un peu dans l'univers de la magie. Mais effectivement, c'était un peu compliqué. Il y avait 2-3 trucs qui étaient un peu déplaisants et qu'on n'a pas trop compris. Le 2, du coup, j'ai pu le voir hier soir. Moi de base, ce que j'en avais parlé avec Vanessa, je trouve que Jude Law, ça marche hyper bien en Dumbledore. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, ouais, par contre. Ouais, je trouve que du coup ça marche hyper bien. J'avais beaucoup d'a priori sur Johnny Depp, parce que moi étant dans l'enfance très très fan de Johnny Depp et en voyant un petit peu effectivement de ce dont on parle, de un peu le dark side qui le dark side de, qui commence à voilà, et puis même en choix de carrière, hein, ça devient un peu voilà, n'importe quoi, choix de Johnny carrière, Depp, là, il a plein de sa gueule, choses, hein, Jack Sparrow, donc il se fait un peu virer de Disney, tout c'est un peu ça. C'est un peu compliqué et en fait j'ai été agréablement surprise par ce rôle de Grindelwald. Et en fait je crois que c'est que le méchant est bien écrit. Je crois plus que son apparence, qui est un méchant lambda, mais l'écriture du perso. Parlais de politique tout à l'heure, il est très politique. Hein, ouais, ce 2, alors on va pas en parler trop longtemps. C'est ce que j'ai bien aimé, en fait. C'est ce que j'ai bien aimé. Trop, ouais, ah ouais, ouais, bah justement, moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Ils abordent leur relation entre tous les deux ou pas? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Très explicitement. Pas très bien. Mais en fait, ça a été le reproche. Bah après, tu sais qu'ils ont prévu d'en faire 5 aussi. Tu dis pas très bien, mais c'est parce que les Animaux Fantastiques, ils veulent en faire 5. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils disent pas tout dès le 2. Ouais, apparemment, il y en a 5. Oh, trop. Ouais, mais je pense qu'ils vont déjà en faire 3. On verra. Ouais. Ça me déprime. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'ils prennent leur temps aussi sur plein de trucs. Et que le 2 a un peu, des fois, ce côté un peu on va vous amener vers autre chose. Transition. Ouais. Mais moi j'ai adoré le 2, hein. Enfin je te jure, alors que Harry Potter c'est pas forcément mon, enfin je sais pas, j'ai retrouvé un peu des émotions de, moi je suis un peu devenu amorphe devant les Marvel et je retrouvais des émotions de qu'est-ce qui va se passer alors que j'avais pas spécialement une attache et que vu qu'en plus moi je suis pas méga calé en Harry Potter, le fait qu'il y ait des persos qui soient du coup les grands-parents de nouveaux persos, que machin, je m'en fous un peu et du coup je prends juste les persos pour ce qu'ils sont et du coup non, moi j'ai vraiment kiffé Fantastic Beasts 2. Ça m'a donné envie de mater le 1. Ouais, le truc qui renifle de l'or, il est cool j'ai aussi. J'ai été perdu sur. Ah bah tu vas adorer le 1 parce qu'il est très présent dans le 1. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, mais en fait on en parlait avec Julien à la sortie du cinéma. Déjà j'ai été un peu perdu par rapport à la fin. Oui, t'as posé beaucoup de questions au genre. J'en dis pas plus. Il faut savoir que Clara a abordé tous les gens qui avaient des costumes Harry Potter, parce que c'était la grosse avant-première mondiale, pour leur demander ce qu'ils avaient compris de la fin. Et on était tous un peu paumés sur la fin. Et donc, ouais. Du coup, Clara était dans des gens qu'elle ne connaissait pas. Genre, à la fin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris de la fin? Parce qu'il y a vraiment eu une réaction dans la salle et personne n'a compris. Donc, c'était très bizarre. C'était un peu compliqué. Après, moi, je suis une éternelle. Non, mais t'aimes Jacob. T'as pas le droit de pas aimer Jacob, déjà. Non, mais... Déjà, Jacob, il est super. J'adore. Pardon, j'interromps. En fait, moi, j'attends désespérément le combat de Dumbledore et de Grindelwald qu'on connaît depuis Harry Potter et qu'on sait qu'il va arriver. Donc, j'espère que ça sera un combat légendaire qu'on attend. Un vrai combat de magicien où ça... Où c'est vénère, quoi. Où ça tabasse tout le monde et que, genre, tout se détruit et que c'est incroyable. Donc, ça va arriver. Mais j'en dis pas plus. Et je voulais juste te dire que cette avant-première était incroyable parce que, du coup, j'ai pu voir Chiki. Ouais. Qui est du coup la personne qui me fascine le plus dans ma vie entière. En fait, j'y suis allée avec toi, Flo, et en fait, je ne faisais que de répéter pendant la projo. Tu te rends compte que tout ça est sorti de sa tête. Enfin, ouais. Et c'est vrai, en fait, c'est fou. Je trouve ça incroyable. En fait, c'est ce que je disais à Vanessa tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a beau y avoir plein d'actrices sublimes et en belle robe qui sont devant les tapis rouges et qui posent et qui sont incroyables et qu'on fait plein de films dont on oubliera peut-être dans 5 ans. C'est triste à dire. Mais en fait, cette femme, c'est genre, je suis juste complètement admiratif que cette femme a réussi à créer pas juste un livre, mais en fait un univers entier. On parle de parcs d'attractions, on parle de pièces de théâtre, on parle de bouquins que j'espère que mes enfants liront, en fait. On a des baguettes, on a des tenues, en fait. Je suis hyper contente, en fait. J'ai toujours été un petit peu jalouse que mes parents ont un peu connu cette espèce d'époque un peu rock, de Janis Joplin, de Jimi, de tout ça. Et en fait, Hendrix, parce qu'elle parle, tout le monde parle ses prénoms. De Jimi Hendrix, même de Johnny Hallyday, en vrai, un peu tout ce qui a été un peu les références de nos parents d'aujourd'hui qui nous ont un peu appris ce qui est aujourd'hui la culture musicale et cinématographique. Et en fait, aujourd'hui, c'est encore un truc un peu hardcore parce qu'il y a Star Wars, il y a 1000 trucs. Hein, mais je suis contente de dire qu'aujourd'hui, en fait, notre époque, on a connu Harry Potter. T'as connu la naissance d'Harry Potter. Ouais, en fait, c'est fou. T'es contemporaine d'Harry Potter. C'est une vraie génération. C'est des vrais gens qui sont... En fait, on s'est reconnus. Et c'est pour ça que je blague un peu avec Vanessa sur l'entretien où on essaye d'un peu de tester les maisons et tout. C'est parce qu'en fait, les gens connaissent Harry Potter. Et même si on n'aime pas, on est forcément un peu touché par ce que c'est. Parce que c'est un vrai truc. C'est on est forcément marqué parce que J.K. a écrit. Et c'est vrai qu'il y a le côté un peu elle est toute seule qui est un peu fou parce que même Star Wars, il y a des gens qui se disent ça c'est pas George Lucas qui a eu l'idée, le Je suis ton père, ça vient de son co-scénariste, et puis le producteur a quand même beaucoup aidé Steven Spielberg à refaire le montage et tout. J.K. Rowling en l'occurrence quand elle a écrit elle était seule toute quoi. Elle a tout fait parce qu'aux Animaux Fantastiques maintenant elle fait les scénarios ça reste son truc. Et toi Mélo, tu as vu le Fantastic Beasts 1, toi tu as kiffé ou pas? Que dire après le c'est le discours de Clara, franchement on pourrait finir comme ça tellement que je suis d'accord. Merci, avec tout ce que merci quoi. Enfin, c'est fou. Merci. C'est 100% tes paroles. J'ai vu le 1 avec les filles. J'étais contente. Ouais. Pas non plus emballée de ouf. Mais. Mais tiens, à voir le 2 ? Oui. Ouais. Évidemment. Ouais. Je trouve que c'est réconfortant et chaleureux de retomber dans l'univers de J.K., enfin, de l'univers magique et compagnie. C'est pas ouf. Mais c'est un petit pansement, quoi. C'est un bon casse-dalle. Oh, regarde, ça existe encore. C'est pas fini. Ouais. Mais c'est pas ouf. Non, mais je suis d'accord. Mais tu sais, moi, j'ai un peu ça avec le dernier Jurassic World, le 2. Ouais. Où, en fait, objectivement, j'arrive pas à dire que c'était un film incroyable. Mais en fait, il y a des dinosaures qui... Mais ça te fait un câlin, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a des dinosaures qui s'échappent d'un truc et il faut les poursuivre et j'ai conscience qu'on est complètement dans la nostalgie et dans le truc un peu doudou, mais je sais pas, de temps en temps, ça fait des petits shots cool, quand c'est bien fait, en tout cas. Ça m'a fait ça récemment sur Jurassic World 2, justement, qu'on avait souvent vu. Mais je pense qu'il faut passer l'étape du deuil, tu sais, genre de tout sera parfait. Ouais. Tu vois, comme avec Star Wars, où les gens, là, maintenant, ont bien compris qu'ils aimeront pas tous les Star Wars. Ouais. Juste, des fois, ça va te faire du bien. Et tu vois, Jurassic World, moi, ça m'a fait une déception horrible. Ouais, et du coup, 1, le 2, une fois que la pommade était passée, tu vois, genre, en fait, j'aime toujours bien voir des dinosaures bien filmés. Et en plus, il est très bien filmé. Le 2, en réel, c'est très bien réalisé. Ouais. Mais je peux repréciser un truc sur les je réalise quelque chose aussi. Je crois que c'est ce qui m'a déçu dans le 2, c'est que c'était ce qui m'avait marqué dans le premier en ressortant. c'est que c'est le plus drôle en fait. C'est vraiment une comédie, les Animaux Fantastiques. Le 1, vraiment, ouais. Ouais, le 1. Le 2 ouais. est du coup beaucoup moins drôle. Ouais, ouais. Alors que le premier, c'est une vraie comédie. C'est vraiment le plus drôle de tous les Harry Potter. Parce que les ouais. Harry Potter, il y a toujours des petits moments de comédie par-ci par-là, mais c'est quand même de plus en plus dark. On en a parlé. Il y a les taquets de Rogue et dans la gueule de Ron c'est ça, et du Harry. Coup, les intrigues des Animaux Fantastiques, et c'est très très léger. C'est Newt qui perd ses animaux dans New York. Il doit les récupérer parce qu'on veut leur faire du mal et lui, il aime ses animaux, tu vois. Ouais. Et c'est tout con, quoi. C'est un mec qui veut juste ses récupérer ses animaux, quoi. Mmh. Et du coup, ça permet, en plus, le personnage de Jacob qui est vraiment en décalage, tout ça, qui, du coup, c'est vraiment une comédie et tu rigoles beaucoup. Moi, j'avais beaucoup rigolé à la projection et j'étais sorti en me disant, putain, c'est génial d'avoir une version de cette saga-là beaucoup plus légère. Et ouais. là, du coup, on retombe avec le deuxième dans un truc plus dark à la Harry Potter. Quoi. Mais ça change pas mal. Et c'est le dernier truc qu'on dira parce que maintenant, ce podcast est très long et puis en plus, je veux vraiment pas spoiler. Mais pas tant de ça. Enfin, il y avait des trucs super intéressants. Je pense qu'il faut savoir pour les gens qui suivent un peu J.K. Rowling sur Twitter, elle est très active et surtout politiquement, très active politiquement. Et c'est ce que j'ai trouvé un peu cool dans Les Animaux Fantastiques 2, c'est qu'on retrouve toutes ses idées politiques, tout ce qu'elle pense des leaders, du fait de retourner l'opinion, de pointer du doigt le populisme, le fait que les opposants, en voulant combattre plutôt qu'expliquer, font plus de mal pour leur propre cause, tu vois, ce genre de choses. Et du coup, j'ai trouvé ça chouette qu'effectivement, même si elle le colle beaucoup à la saga Harry Potter, qu'elle arrive à caler ce qu'avait très bien fait George Lucas dans la prélogie aussi, ses idées politiques et ce qu'elle pense du monde actuel dans une saga que tout le monde attend un peu, parce que même si ça reste fantastique, tout le monde attend ce qu'elle fait à chaque fois en disant, bon, alors, est-ce que c'est au niveau d'Harry Potter ? Et je trouvais ça super qu'elle se permette ça, de mettre autant de politique dans son film et voilà, le film a des défauts, mais je sais pas, moi, rien que pour ça, et pour l'écriture du méchant, et pour deux, trois scènes que j'ai trouvé très cool, même les effets spéciaux, je trouve que ça s'est un peu amélioré. Moi, justement, j'avais trouvé les effets spéciaux du 1, du peu que j'avais vu, des bandes annonces un peu crado. Là, je sais pas, je trouvais que ça en envoyait un peu dans la gueule, et donc voilà, moi, j'ai bien kiffé. Bon, les amis, on a fait un podcast de 3h30, on est tous fatigués, je suis désolé. Merci d'être venus, on va faire un dernier petit tour. Sortez vos baguettes. on a nos baguettes, voilà, voyez pas, c'est une mascarade. Hein. On va faire un dernier petit tour de table. Julien Josselin, ton actu actuellement, c'est Punk Mon Tube. Oui, je fais une tournée de punk rock et de rock avec des copains, avec Joe Lamook, avec PV Nova. On a aussi une date avec McFly et Carlito au Bataclan. Et une date à Rennes avec Princesse Leia. Et même une date à Montpellier avec Didier Super, ça on oublie tout le temps. Ah, j'adore Didier Super. Ouais. Et bah, venez voir bien Montpellier sûr. Avec Didier Super. Et voilà. Et on a même Princesse Leia, c'est Dedo et Antoine Chomsky, je le dis au oui, pardon, bien sûr. Et Joe Lamook, c'est Gaël Mektoub et ses potes. Voilà. Qui a fait le tube Ta Gueule. Voilà. Et moi, je joue avec mon groupe qui s'appelle Kawaii Bukake avec Valentin Vincent, Stéphane Carlo et Jérémy Leviavant. On fait du punk rock rigolo. Et il y a même environ 6 secondes qui parlent d'Harry Potter dans le spectacle. Voilà. Ah, comme ça, t'as bien ramené tout. 6 notes, tu vois. On mettra le lien dans la description pour pécho des billets. Ah, et voilà. Et puis il y a plein de dates partout en France. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça commence quand ? Bientôt, là. Dans une semaine. Donc si tu publies dans une semaine, aujourd'hui. Lundi. Je mets ça lundi. Eh ben, c'est tout de suite. Ah ouais, direct là ? Ouais, quasiment. Non, ouais, c'est dans peu de jours. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas. Vanessa Bria, deux programmes sur Canal+, je crois. Absolument. Et Poulpe et moi, on sort la première émission de la saison 2 de Crac Crac mercredi 14 novembre, donc mercredi prochain, ouais. Donc ce mercredi-là, du coup, à 23h, qui sera une émission qui traite de sexe et féminisme, qui n'est pas du tout un sujet tricky, n'est-ce pas ? avec Alice Belaïdi et Bérangère Krief. Donc, je suis très très fière, mais genre vraiment vraiment, c'est un gros accomplissement pour moi. Et effectivement, un programme court qu'on a lancé qui s'appelle C'est pas celui de ta mère, où on fait l'anniversaire des célébrités sur Canal. Plein d'autres projets aussi en développement, mais là, c'est le gros truc de la semaine prochaine, c'est quand même crac-crac le premier épisode de la saison 2. Voilà. Et quelques épisodes de la saison 1 sont sur YouTube. 5 émissions sont en intégralité sur YouTube de 45 minutes, ce qui n'existe pas. Non, jamais. Ça, je dis moi, parce que ce sera peut-être plus compliqué que de toi le dire. C'est très compliqué parce que j'aimerais quand même rappeler, souvent les gens critiquent de oh là là, pourquoi c'est à la télé et tout. Il faut savoir que c'est des chaînes qui nous payent pour avoir du contenu. Vous voyez ça, oubliez Internet du dossier. C'est vraiment des chaînes qui payent pour avoir du contenu. C'est souvent quand vous voyez des trucs de chaînes de télé sur Internet, dites-vous toujours que les gens qui l'ont fait ont dû au minima le demander et ça s'est fait très logiquement, ou au pire se battre un peu parce qu'en fait c'est normal, ils achètent des programmes télé, donc c'est trop bien que Canal avait pu permettre ça de les foutre sur YouTube, également les sketchs de Studio Bagel, la collection qui sortent un petit peu là au compte-gouttes sur YouTube, donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté pour expliquer que c'est des fois un peu compliqué de mettre des émissions aussi longues et bien produites sur YouTube, et que voilà, c'est toujours cool que vous le fassiez, c'est cool. Merci Florent de le dire à ma place, c'est plus facile pour moi de le dire parce que j'ai pas d'émission sur Canal. Clara Lesage, Eh bien, écoutez, regardez Crac Crac. Bien sûr, sur lequel tu travailles également. Parce que non, mais parce que en vrai, c'est en fait, j'ai toujours été un peu pudique de la sexualité. C'est toujours un peu compliqué d'en parler à la télé, et je trouve que c'est une émission, et c'est pas parce que je travaille dedans. Et la première émission sera en intégralité sur YouTube. Allez, et ouais, de la saison 2. Rien. Ouais, voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui. T'es bouche bée, Mélo, j'ai l'impression. Ah bah, ouais, bouche bée, Mélodie. Ah bah, va faire du tam-tam pour ouvrir des portes maintenant. Oh, la barbe. Mélodie Collange. Oui. Ton actualité. Eh ben, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Croûte. On adore Croûte. On adore Croûte. Bien sûr. Une deuxième vidéo est en ligne après 9 mois d'absence. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Voilà. Et puis surtout. Flaubert. Ah oui, si oui, je dis bien pas sûr. De bêtises. Il y a Eglandine. Je joue un personnage dans Eglandine qui sortira très bientôt. J'ai pas la date exacte, très mais dans bientôt. Le mois. Dans le mois. Dans le mois de novembre. De novembre. Sur la chaîne de Studio Bagel, réalisé par Florent Bernard. Écrit. Moi-même. Et aussi écrit par moi, adapté de personnages Bernard. Que vous aviez créé avec Nathalie. Le nom de famille est compliqué. Natou. C'est hilarant. Où je joue le rôle de Prunel. Elle est venue nous voir autour de la table. Et tu fais aussi des... t'as vu, parce que j'ai reconnu ta patte entre mille. T'as fait le dernier clip en costume de McFly Carlito, non? Absolument. Ah bah, et de Squeezie aussi, qui vient de sortir. Oui, t'as fait deux clips de coup sur coup, là. Ouais, j'ai fait deux clips coup sur coup. Ouais, ouais. Mais attends, Flo, j'oublie pas un détail. De quoi? Il n'y a pas une série à regarder sur YouTube Premium? Alors, c'est marrant que t'en parles, on n'en parle jamais dans ces émissions. Attends, mais ça me dit un truc. Attends, je crois que j'ai pas précisé depuis le début de cette émission que je suis la chef costumière de la série Groom. Car le sage, tu as aussi travaillé sur Groom. J'ai été chargée de production sur une série qui s'appelle Groom. Que vous pouvez retrouver en intégralité sur YouTube Premium, qui certes est payant, mais vous avez un accès gratuit. Payant Je pensais qu'on était... Un accès gratuit et sans engagement pendant un mois. Oui. Si je ne me suis pas fait faut comprendre, qu'on arrête. Vous pouvez on créer arrête un répéter. Compte. Non, c'est bon, Mélodie, s'il te plaît. Et également pour les emmerdeurs. Hein, oui. C'est une série incroyable. Oui, super, très bonne série. Super série où du coup, Julien joue dedans. Bien sûr, et puis a créé le concept avec c'est chambé. Alors abonnez-vous, regardez tout, désabonnez-vous. Et puis payez un peu, merde, ça va maintenant. C'est mais n'empêche que je dis ça, mais je me suis encore pas désabonné, hein, donc je paye. Ah bah, tu vois, c'est là où c'est malin. Sortez vos baguettes, c'est là où ils sont malins. Bon, et bien merci à tous, merci pour cette émission, je vous fais des bisous et au revoir tout le monde. Merci à toi. Abracadabra, a nigga. Expecto Patronum on a nigga. What? If Mofi gon' run up on me, then I'ma put my wand to the nigga. Ayy. Ron in the back of my line on the sec. Y'all motherfuckers don't know how to act. Voldemort, they got shit on me. Say hell, Gryffindor and Fox Slytherin. Run on your ass with Sirius Black. Disappear for a minute, then be right back. Professor Snape wanna make a portion. You ashy as fuck, you better get some lotion. A spell on a nigga, then I dab on a nigga. Call Voldemort, then I fuck on a nigga. My wizard's lit, y'all don't even know. When I'm with your girl, I steal the show. Glass on my face, you're a disgrace. The mentor try to suck up my face. But yeah, boy, I survived that shit. Scar on my face and my coat so lit. I was a little boy, but now I'm grown. Started all off with the Philosopher's Stone. Then I took your girl to the secret chamber. I made her work a body, I call it labor. But hey, there's more. Shout out to my nigga Dumbledore. My fight tried to kill him, but he a little bitch. Instead he got killed by the half-blood prince. Trying to diss me, see that coming from far. Saw a girl sitting by the potion bar. She told me she was home alone and then we went skrrr in my flying car. Cause I got that black magic. What? Got that black magic. Hey, got that black magic. What? I got that black magic. Nigga, I was born with a wand in my hand. Boy, you alive for a one-night stand. You killed Dumbledore and you didn't mean it, but you did it anyway, now you're gonna feel it. Cause I got that black magic. What? Got that black magic. Hey, got that black magic. What? I got that black magic. Nigga, I was born with a wand in my hand. Boy, you alive for a one-night stand. You killed Dumbledore and you didn't mean it, but you did it anyway, now you're gonna feel it. And I'm the best at magic and I'm friends with Hagrid. I don't care about fame and now I have to grab it. And you think you're savage, but I know better. Got a lot to Hogwarts with a talking letter. He said shit about my dad and then I had to get get him. Try to steal the snitch, but you know I won't let him. Cause I'm faster than him, smarter than him. And I can talk with snakes, so I pull up with venom. I didn't talk about Dobby, but I know he got me. Help me sneak around Hogwarts and they never caught me. But wait, man, let me catch your breath. I'm going way too hard on this fucking track. You ain't with my gang, boy, you just a fan. Heard you was a lame, get back to Azkaban. What the fuck, man, what am I even saying? I'm just a boy from SCA, but you better know I'm not playing.